Radio Debout, on prend l'antenne un petit peu en avance aujourd'hui. La logistique est bloquée par les forces de l'ordre. Il y a peut-être 300 personnes qui sont parties à bout de bras pour ramener le matériel sur la place. C'est Arthur qui prend le relais. A tout de suite, nous on installe le studio pendant ce temps-là. Voilà, on est donc en direct, place de la République. Il y a déjà des gaz lacrymogènes. Il n'y a que deux bâches tendues ce soir, trois ou quatre. Et donc, la logistique de la Nuit Debout essaye de faire rentrer la sono sur la place. Il y a environ 500 personnes devant les forces de l'ordre. Alors les forces de l'ordre filtrent toute la place ce soir. Il n'y a pas un coin de la place où on peut rentrer sans être contrôlé. Peut-être sauf maintenant, tout de suite, s'il y en a qui veulent rentrer sur la place, les forces de l'ordre doivent être occupées avec tous les manifestants. Alors les gens chantent « Libérez le camion », on va aller les écouter un peu. Alors tout le monde a les mains levées. Les mains levées, les deux mains levées d'ailleurs pour beaucoup. Apparemment il y aurait eu un... Les manifestants crient « Rendez les clés ». Alors c'est en train de discuter. L'ambiance est assez calme en fait. Ça discute entre... ce qui est visiblement un homme plus âgé des forces de l'ordre. Le camion, libéré, le camion, libéré, le camion, libéré, le camion, libéré, le camion. Qu'est-ce qui se passe alors aussi? Je crois qu'il y a le mec du DAL au milieu qui est en train d'essayer peut-être de négocier ou je sais pas. Libéré, le camion, libéré, le camion, libéré. Au voleur, que fait la police? Les gens qui font la négociation avec les forces de l'ordre, alors on va aller essayer d'écouter ce que dit le monsieur. On va essayer de... J'approche le téléphone et on voit ce qui se passe. On va les laisser passer. Reculez, s'il vous plaît. Alors, on recule et on attend. Laisse pas entrer le camion. Recule. Il faut laisser passer les gens. Laissez passer. Non, on va pas attendre très loin. On va reculer un peu. Alors, donc la police a annoncé que on a laissé passer le camion et il voulait vérifier qu'il n'y a rien dedans. Pas. Bonjour, c'est Radio Debout en direct. Ouais. Qu'est-ce qui se passe alors là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une autorisation pour laisser passer le camion pour la sono. Pour la sono, et etc. Apparemment, ils nous retiennent. Donc, c'est pas ça pourquoi. Fait une heure au moins qu'on attend le camion. Plus d'une heure. Donc c'est le camion de la sono. Ouais, le camion de la sono avec les bâches, tout ça, avec du matos quoi. Du matos pour la place quoi. Donc c'est un peu une impression déjà vue, on a vécu ça il y a... Ouais, ils n'arrêtent pas, ça, c'est tout le temps complètement arbitraire. Ce qu'il y a, c'est qu'ils démarrent au quart de tour, quoi. Moi, c'est la première fois là, que je viens pour libérer le camion. Je viens régulièrement, mais là, c'est la première fois que je vois ça. Et c'est la première fois que je les vois mais démarrer au quart de tour, quoi, comme ça. Quoi. Alors que le camion, il a l'autorisation. Quoi. Et les mecs, ils balancent tout de suite des lacrymogènes. Quoi. C'est impressionnant. C'est juste impressionnant, quoi. Oui, regarde, on est là, le mec, il est là avec son lance-lacrymo pointé, là, sur nous. Mais c'est quoi? Le mec, il déclenche le truc et boum, quoi. Ça ressemble à quoi, alors, ce lance-lacrymo? Pour que les auditeurs qui sont pas à Paris... Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à quoi? Ouais, ça ressemble à une espèce de tuyau d'arrosage, quoi, avec un robot. Un gros tuyau d'arrosage. Un gros tuyau d'arrosage en érection, disons, hein, plutôt. Alors, il y en a qui l'ont pointé vers là-bas et d'autres vers le haut. Il y en a un qui est vers le haut, qui a l'air assez crispé. Hein. Il a l'air crispé. Je ne sais pas s'il est énervé ou il a un peu peur, peut-être, ce qui est un peu... Ils sont fait quand même un peu piéger, là, parce que j'ai fait tout le tour, là, pour accompagner le camion. Quoi. On est arrivé, ils sont, au dernier moment, là, ils ont surgi du camion. Là, ils se sont fait piéger, voilà, et ils ont peur. Je pense qu'ils ont peur quand je suis arrivé là. Ils ont eu peur. Je les regardais et il y en a plus d'un qui avait peur quoi. Ils sont pas tranquilles hein, les mecs. Ils sont pas nombreux. Hein. Et leur chef il s'est fait gazer en plus de ça. T'as vu leur chef quoi. Il essaie de rétablir un peu là. Il s'est fait gazer. Enfin ils se sont fait prendre à leur propre piège quoi. Enfin, bon. Vous n'êtes pas des casseurs, je rappelle que vous avez... Mais si, on a l'âge des casseurs, quoi, bien sûr. Enfin, tes auditeurs ne nous verront pas, mais on a l'âge de casseurs. Il n'y a pas de casseurs ici, il n'y a pas de casseurs. Non, en plus, vous êtes vraiment venu sur la place, là, tranquille, j'écoutais un débat. C'était un débat avec qui ? C'était un truc autour de économie, écologie. Et il y a un gars qui est venu qui nous a dit, on ne peut pas faire rentrer le camion, est-ce que vous venez nous aider à faire en sorte que le camion puisse rentrer sur la place. Donc j'y suis allé, on a fait tout le tour, on a été chercher le camion. Et au dernier moment, voilà, il nous arrête. Et on ne peut pas installer le camion sur la place. Alors je comprends qu'on ne puisse pas installer le camion sur la place, mais au moins qu'on puisse le décharger, tout simplement. Quoi. Tu vois. Puis après, voilà, quoi, c'est pas un problème. Quoi. On le décharge et puis après, il va se garer un petit peu plus loin. Quoi. Mais je ne comprends pas pourquoi ils interdisent... Il pourrait arrêter de pointer son truc, là, putain, merde. Il fallait lui demander, quoi. Ouais, lui demander. C'est bon, ça se calme. Vous voulez pas baisser le truc, là ? C'est moins violent. Ouais. Vous voulez pas le baisser, juste, s'il vous plaît ? Il y a un degré, là. Il y a un degré. Il y a un degré dans la gueule du chauffeur, là-bas. Ça, c'est vraiment honteux. Honteux, ce qu'il a fait, le mec. Il y en a 8 sur 10 parmi vous qui font bien leur boulot. Mais il y en a au moins 2... Donc là, le monsieur avec qui on discutait est en train de parler avec quelqu'un de la police. Donc c'est une compagnie de CRS. Et il est en train de leur expliquer qu'il trouve ça un peu agressif. C'est lance lacrymogène pointé sur nous. Là, il l'a carrément pointé en pleine tête. Donc là, ça discute. On va essayer de s'approcher. Il y en a qui disent que ça ne sert à rien de leur parler. D'autres qui disent que c'est bien. On est sur Radio Debout. On est place de la République. Il y a eu un orage qui est passé tout à l'heure. On va essayer de continuer à suivre cette discussion. Regardez combien vous êtes payé alors que Balkany part avec des milliards. Ça ne vous pose aucun problème. Baissez votre arme, monsieur. Baissez votre arme. Soyez intelligent. On vous demande juste de baisser votre arme. Bernard Arnault, le patron de LVMH, il gagne des dizaines de milliers d'euros par heure. Vous en êtes à même pas le milliardième de ce qu'il gagne et c'est eux que vous défendez. C'est fou. Vous n'êtes pas plus que nous. On n'est pas plus que vous. Bah, tu perds ton énergie à essayer de leur parler. Ils sont lobotomisés, les mecs. Non, il ne faut pas dire ils ça. Ils n'ont pas 3 euros. Jamais. Non, il ne faut jamais dire ça. Mais attends. Comme boulot de merde, on pas la McDo, on fait de mal à personne. Hein. Non, je suis radio debout. Je connais Tristan. Je connais bien Tristan. Tu sais, à force de leur parler, c'est pas faux. Il y a des CRS qui quittent la police au bout d'un moment. Mais si, il y en a. Mais il y en a. Ils restent facho. Les mecs, ils sont entraînés pour entendre ce genre de discours, ils sont déjà leur réponse. Donc là, on est sur Radio Debout et on est juste devant, en première ligne. Ah, ils ont récupéré des serviettes. Des jeans. Alors c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Allez, on fait la chaîne. C'est quoi ? Bonjour, c'est Radio Debout. Ah, on adore Radio Debout et Télé Debout. Vous faites la chaîne pour soulager les camions et les vider à la main. Voilà. Parce qu'ils ont bloqué le cadeau. Bah oui, on fait la chaîne. On s'organise. Oui, alors qu'ils ont. Pour les auditeurs, on est en train de faire une chaîne humaine. À travers la barrière des CRS qui sont vraiment malveillants parce qu'ils veulent coincer notre camion alors qu'on a l'autorisation de midi à minuit et que c'est légal et que la préfecture est d'accord. Bah, ça prouve qu'ils sont à bout de nerfs et qu'ils vont pas tenir longtemps. De toute façon, ils savent que quand les jeunes sont dans la rue, c'est foutu pour les pouvoirs. voir en place. Donc, qu'est-ce qui arrive sur la place? Est-ce que tu peux nous décrire? Non, mais c'est pas grave. On va. Tu vas donner plutôt tes bras. Ouais, ce qui se passe, c'est comme d'habitude, il faut maintenir le rapport de force. Mais il y a ils sont 10 et l'ARS, encerclés par les jeunes qui veulent libérer le matériel pour faire l'Assemblée générale et avoir des nouvelles des camarades qui ont été déférés en comparution immédiate suite aux échauffourées de cette nuit où ils ont abondamment détruit les châteaux magnifiques qui avaient été construits. Mais c'est pas grave, on reviendra, on le sait. Ça fait partie du jeu. Les intermittents ont déjà gagné une première manche, ce qui montre que la pression monte et que quand les jeunes sont dans la rue, c'est foutu. On est donc sur Radio Debout et on essaie de passer le matériel. Alors pour l'instant, la chaîne humaine pour passer le matériel a été bloquée. Donc le camion, encore une fois, est interdit de rentrer sur la place. Et ensuite, ça a été la chaîne humaine qui a été bloquée. Mais alors là, je vois une bâche. Je vois une bâche qui est en train d'être portée comme un slam dans un concert de rock. On va essayer de se mettre en dessous. Ni debout, libéré, ni debout. Alors, on va être en dessous de la bâche, ça y est. Alors évidemment, on est au téléphone portable, donc je ne sais pas si on entend très bien. Donc il y a une chaîne humaine qui passe cette bâche, c'est magnifique. Les gens sont alignés en travers de la rue et il la porte à bout de bras. C'est dommage qu'il n'y ait personne qui prenne des photos parce qu'on dirait... En fait c'est quand une performance bien pratique devient une performance artistique. Vous êtes magnifique. Alors... On suit, elle a dû passer déjà par peut-être 100 personnes. Je ne sais pas si vous entendez le bruit de la bâche. C'est donc la bâche pour aller protéger la tenue de l'AG Place de la République. On saucissonne, on y va. Il y a un pro de levée de bâche là sur Radio Debout. Ah, moi je suis super chaud. Voilà, une bâche de transporter. C'est beau ça, non? Si le camion était plus près, non? Ah ouais. Et voilà, on en est là. Donc là, la bâche est officiellement arrivée sur la place de la République. Et on est revenu en fait à la radio. Alors je vois que pour l'instant, on n'a toujours pas d'électricité, Juju. Alors pour l'instant, le courant n'est pas arrivé puisqu'on en est juste à l'arrivée des bâches. C'est quand même assez hallucinant ce qui se passe. Je pense que tu as dû en parler à nos auditeurs. La chaîne humaine qui doit faire peut-être 200 mètres, avec tout à l'heure on a entendu le bruit de la foule qui réclamait le camion. Et qu'est-ce qui s'est passé alors avec le... Eh bien écoute, ils ne veulent pas laisser passer le camion, mais le conducteur apparemment a pris une bombe lacrymogène. D'accord. Mais je ne me suis pas encore renseigné sur sa santé. Il y a Manon qui a priori était sur place, qui est ici, là, peut-être. D'accord. Qui peut nous renseigner sur ce qui s'est passé. Ouais. Et, on ne va pas faire du BFM. Hein. Non. Bah, c'est en attendant l'électricité. Ça s'appelle meublé en radio. Mais c'est bien pour les gens qui ne sont pas ici d'entendre ce qui se passe. Salut Manon, alors c'est quoi tes infos là-bas? Moi j'étais avec les gens qui criaient libérer le camion. Ouais, moi aussi. Ah, merveilleux. Bah voilà, on était la radio debout criait en tout cas. Après j'ai cru comprendre qu'ils allaient le laisser rentrer, est-ce que c'est le cas? Le camion, j'ai pas l'impression, il y a une chaîne humaine qui porte le matériel en fait sur la place. Ah, merveilleux, parce que moi quand je suis partie, les flics étaient en train de dire on va le laisser partir, on va le laisser passer, on y va calmement, regardez comme on est sympathique et on est des êtres humains après tout. Mais bon, manifestement, ils ont changé d'avis. Donc on est sur Radio Debout, toujours Place de la République, on va faire un petit tour. Aller faire un tour du côté des stands, ouais, voir un peu ce ouais, se passe. Exactement. Eh ben on y va. Tu viens? Est-ce que vous voulez... Mais quelqu'un m'a dit que ça diffuse. D'accord. Donc il paraît que ça diffuse bien. Alors reprends un peu parce que j'ai beaucoup parlé, Manon. Bonjour à tous. Bah, du coup, là, on est un peu au centre de la place. Il y a un monsieur en jaune qui vient tous les jours avec une pancarte différente. Je ne sais pas où il les trouve, mais il doit avoir une fabrique de pancartes, je pense, sur lequel il y a marqué « État policier, démocratie morte ». Et il est en jaune fluo avec un chien qui apparemment s'appelle Soso, la vraie anarchiste. Voilà, on va continuer. Il y a la Commission France-Afrique qui s'installe, la Biblio Debout qui a en guise de bibliothèque des cartons avec un code du travail d'ailleurs qui doit dater de quelques années. On peut aller le feuilleter. Bonjour, vous êtes Biblio Debout ? On essaye. D'accord, nous on est Radio Debout, on essaye aussi avec un téléphone. Et là, qu'est-ce que vous faites alors ? C'est quoi le concept ? Le concept, c'est d'essayer malgré la pluie, malgré l'absence pour l'instant de bâche, de maintenir quand même l'échange de livres, d'être présent, de rester. Vous n'avez pas réussi à vous mettre sous une bâche ? Bah, on a dû s'abriter un moment quand il pleuvait vraiment fort. Et puis après, on essaie de ressortir quand même parce que sinon on n'a pas de visibilité. Peut-être que si la logistique réussit à arriver jusqu'ici, on arrivera à avoir une bâche. Ici, ce serait bien. Et pourquoi vous n'avez pas de vraie bibliothèque alors ? Pour des bibliothèques debout ? Bah, un peu comme tout le monde, le concept c'est que tous les jours on renaît de nos cendres. Donc les livres on les emporte comme on peut et tous les soirs on revient avec ce qu'on peut et ça recommence de zéro en gros. C'est des dons, c'est les personnes qui les donnent, des échanges. Ok, merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Bonjour monsieur, vous êtes en train de regarder les livres ? Il y en a un qui a attiré votre attention. C'est pour la radio. Particulièrement, je suis en train de faire mon petit marché. Et vous cherchez quelque chose en particulier ? Non, rien de particulier. Bon, je sais pas. Si je tombe sur quelque chose qui me plaît, voilà. Pourquoi pas, voilà. Donc, c'est toujours bien de passer ici, quoi. Comment vous choisissez les livres, alors ? Bon, celui qui est à mon goût, voilà, je le choisis. Mais vous lisez la quatrième de couverture ? Là, oui, évidemment, les titres, oui. Merci bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah, vous êtes comment, la radio debout, ça ? On est radio debout, ouais. Ah, mais c'est bien. Vous nous écoutez ? Non, pas particulièrement, mais bon, je vous vois ici de temps en temps. On est sur radiodebout.net. Ah, ok. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. On va continuer notre petit tour. Là, il y a la Commission France-Afrique. On peut peut-être aller les voir avec aussi un stand de livres. Bonjour, c'est la radio debout. Alors vous êtes la Commission France-Afrique ? Oui, c'est ça. Moi, je suis membre de l'association Survie, qui dénonce les problèmes de la France en Afrique, qui combat la banalisation du génocide des Tutsis. Et voilà, surtout, c'est nos deux... Et qui essaye de promouvoir les biens publics à l'échelle mondiale, en disant que tout le monde a droit à avoir une éducation, à avoir un travail, un logement et vivre décemment. Et comment vous mettez en lien tout ce qui se passe ici, tous les différents thèmes finalement abordés par les différentes personnes sur la place ? Quel est votre rapport à cette place et à ce qui s'y passe ? Ben, je crois que le rapport, c'est aussi, comment dire, à Survie aussi, on travaille sur les paradis fiscaux, la mondialisation, le pillage de l'Afrique. Enfin, tout ça est très lié. Et si on arrivait à résoudre ce problème-là, on permettrait aussi que les gens travaillent décemment, soient payés décemment, etc. Enfin, je crois que tout ça est très lié. Et bien sûr, on souhaite que la commission Comrry soit la dominante de la place. Hein. Mais tout est lié, quoi. Hein. Et, vous avez quoi comme livre, alors, ici ? C'est des livres que vous publiez, que vous avez écrits Ce sont des livres donc, qui concernent l'Afrique. En règle générale, oui, à peu près. La nuit rwandaise, on s'est toujours très, très soucié du problème du génocide des Tutsis au Rwanda. On participe au procès actuellement parce qu'on pense que les génocidaires doivent être jugés. Et Bruno Gouteux, qui est décédé, on a créé La nuit rwandaise, qui est une revue qui fait le point tous les ans d'où on en est par rapport à la situation, par rapport au génocide. Pourquoi on critique Kagame alors que c'est un homme dur, mais que tous les Rwandais apprécient parce que il faut un régime fort après ce qui s'est passé. Mais il n'y a, a plus de corruption, les routes fonctionnent, l'éducation fonctionne, les écoles, la santé. Donc ça nous paraît important. Maintenant, c'est le droit d'être choisi. Voilà. Mais on dénonce beaucoup les dictateurs. Là, je n'ai pas de document aujourd'hui, mais on dénonce beaucoup les dictateurs qui sont soutenus par la France et qui sont profondément corrompus. On travaille aussi sur les biens mal acquis qui sont en France, etc., etc. Donc les livres que vous avez ici, il y a Noir Silence de François-Xavier Verschave, La France en guerre au Mali, Enjeux et zones d'ombre, France-Afrique, La famille recomposée, Le petit guide de la France-Afrique, L'homme qui voulait soulever les montagnes de François-Xavier Verschave, Centrafrique, un destin volé et la revue La nuit rwandaise, entre autres. Une petite partie évidemment de la bibliothèque de survie. On a aussi ce livre de Mehdiba. Je souhaitais, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens ici qui avaient 20 ans, donc qui connaissent peu ce... Le génocide rwandais. Le génocide rwandais. Et ce petit livre coûte 3 euros. Il est extrêmement bien fait par Mehdiba, qui est un bon journaliste. Et ça met tout de suite au courant de ce qui a été dit tout de suite après le génocide. Et je trouve que ça, c'est très intéressant, parce qu'on a l'impression qu'après, on dit d'autres choses. Mais c'est une analyse remarquable. Et que les gens peuvent acheter ici, parce que 3 euros, c'est pas quand même assurant. Donc il vous finance un petit peu en même temps. Merci beaucoup. Et on continue sur la place. Bah ça y est, c'est fou, en 10 minutes, qu'est-ce qui se passe maintenant alors ? Eh ben, la chaîne humaine est arrivée au bout et en fait, ça y est, là les gens s'auto-applaudissent. Je sais pas trop si vous entendez. Tout le matériel a été déchargé du camion, je crois, et là, c'est tranquillement en train de s'organiser. La cantine a posé ses jalons sur les pavés de la République, devant le kiosque de l'air à jeu. Les cordes se tendent pour accueillir les bâches, et bientôt, le repas va se préparer tranquillement. Et on va continuer notre tour. Il faudrait peut-être qu'on relise le mythe de Sisyphe. Oui. Parce que c'est ce qui se passe ici. On est en train de faire tous les jours depuis 3 semaines maintenant. Donc tous les soirs, tout est enlevé et tous les jours, c'est remis. Alors, j'aime à dire que cette place de la République est un être vivant qui a sa pulsation. Et aujourd'hui, il y a la pluie, il y a les policiers qui empêchaient, les CRS qui empêchaient la venue sur la place du matériel. Donc c'était plus difficile aujourd'hui. Mais la volonté des occupants de la place a été plus forte. Et peut-être même que cette difficulté rend plus excitant toute l'affaire. Ouais, ça donne plus envie de revenir à chaque fois. Puis, on va aller dans la bouche de métro, on va entendre les annonces parce que... Pardon, excusez-moi. Parce qu'en fait, elle est fermée, la bouche de métro. On va essayer de voir si on croise quelqu'un. Ah, il y a un agent, on va peut-être pouvoir lui demander. Bonjour monsieur, c'est la radio debout. On veut juste savoir ce qui se passe alors. Ah, c'est debout alors. Il est... Ça s'appelle un vent ça ? Je crois que ça s'appelle même une grosse brise. Voilà. Mais alors, c'est bizarre, il y a des gens qui... bonjour messieurs. Je dis bonjour à des policiers qui ont l'air assez sympathiques, hein, ceux-là. Ouais, tout fermé. Il y a deux palettes. Je sais pas comment elles sont arrivées là, mais il y a deux palettes. Alors devant la grille de métro, mais pas côté extérieur, côté intérieur. Alors est-ce que quelqu'un les a déposées là avant de s'enfuir? Je ne sais pas. Quelle est l'histoire derrière ces palettes? Mais on va attendre la prochaine annonce pour que ceux qui nous écoutent loin de Paris se rendent bien compte de ce que ça donne. Bonjour monsieur. Bonjour. On est radio debout. Ouais. Vous vouliez entrer dans le métro? Non, je vais voir ce qui se passe. C'est tout. Nous aussi. Ça ferme depuis le début de l'après-midi. Hein. Ouais. À votre avis, pourquoi ils font ça ? Pour faire chier le monde. Ouais, bah ça marche. Non, ça vous va. Oh bah, oh, si, très bien. Moi, je. Ouais, bah, ouais. Nous, on essaye d'écouter à Radio Debout, d'écouter les paroles qui se disent ici. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un. Oui. On attend une annonce. On attend une annonce pour montrer à nos auditeurs que c'est vraiment fermé et qu'on raconte pas des cracks. Hein. Pardon, j'ai pas compris. On attend une annonce de la RATP qui dit que tout est fermé et tout bloqué. Je crois que je suis arrivé à pied, mais cet après-midi, il y avait des annonces. Hein. Voilà. Mesdames, messieurs, la demande de la structure de la police, accès extérieur de la station République, sont fermés par mesure de sécurité. Seuls les Donc il y a des sorties ouvertes. Voilà, on d'accord. Peut sortir à la République. Je crois que c'est la 3 qui est la numéro 3. 5, 7 et 10, je crois, ouais. Ils ont dit. Wow. 5, 7 et 10 ouais. 5, 7 et 10. Donc ça doit être par là. Donc en fait, là, on était sur la place, au centre de la place. Et donc, celle-là est fermée. Voilà, donc nous voilà de retour et on a la preuve qu'on raconte pas des cracks, que les sorties les plus proches de la place sont fermées et gardées par des policiers et des palettes. Abandonné. Du coup, là, on est revenu au centre de la place. Et donc, sur notre gauche, les avocats debout qui tiennent un débat avec Gérard Filoche. Il me semble que c'était le programme. Il y a l'écologie debout qui est là. Et il y a les précaires qui emmerdent le Parti Socialiste. Pourquoi et comment? C'est un peu la question qui est sur cette pancarte. Peut-être on peut se rapprocher pour voir la teneur de leur propos. Désolée, je suis essoufflée. Je viens de monter des escaliers. C'est pas facile tous les jours. Ah, il y a un petit stand aussi avec des papiers à prix libre. Bonjour. Alors, là, il y a des gens sous la bâche bleue. Bonjour. Alors là, encore un vent. Décidément, c'est la soirée. C'est une soirée ventée. Je crois que les gens sont occupés. Ils viennent de monter les stands. Et... Bonjour. C'est Radio Debout. Salut. On n'a pas de... On n'a pas encore de sono, donc on fait ça au téléphone portable. C'est quoi un précaire? Ah, un précaire, c'est un peu tout le monde, en fait, hein, actuellement. J'ai l'impression. Ensuite, si tu me demandes une définition, je ne suis pas sûre d'être une fille qui gère très bien la définition d'un précaire. J'aurais plutôt l'impression que je pourrais définir genre la précarité et qu'à ce moment-là, je parlerais d'un processus qui ne cesse depuis un certain nombre d'années. Et j'ai l'impression qu'en réalité, c'est aussi un mot auquel on a donné du sens. Parce qu'on voulait pas dire que depuis le départ, l'objectif c'était d'enlever tous les droits qui avaient été durement gagnés par de nombreuses batailles et combats. Voilà. Je pense que c'est ce que je pourrais te dire de plus sur la précarité. Moi, l'intérêt que je trouve au fait de s'organiser autour des questions de précarité, c'est justement le fait que ce soit tout de suite une question intersectorielle et que résultat, on réduise pas la question du chômage au non-travail et que résultat, on soit pas dans une dynamique où on pense le salariat comme deux trucs divisés, d'un côté travail, est-ce que t'es salarié, le plein emploi, et de l'autre côté, le non-travail, t'es en galère, comment tu vas faire? Voilà. Tu as fait un lapsus, t'as utilisé le mot sexuel, je me demandais si c'est parce que les femmes sont plus touchées que les hommes par la précarité. Alors, de fait, comme tu peux le voir sur notre table, les femmes sont plus touchées par les hommes que les hommes, pardon, par la précarité. Mais j'ai envie de te dire ça à un niveau encore plus global que celui seulement du salariat. Et d'ailleurs, je pense que les différents rapports de force et de domination qui se reproduisent dans l'espace salarial et qu'ils construisent sont pas particulièrement différents de ceux qui existent par ailleurs dans le monde non salarial. Et que justement, il faut un peu se poser la question de dans quelle mesure ce qu'on produit en fait dans ce monde-là et donc dans quelle mesure les conditions de travail et les rapports sociaux que créent les conditions de travail construisent aussi les rapports sociaux qui ensuite vont construire les dynamiques qui gèrent notre quotidien à tout un tas d'autres niveaux. Donc, est-ce que ça va pas mieux quand même qu'il y a 20 ans ou 30 ans ou pas? Je sais pas. Hein, c'est... Je sais pas, moi je t'avoue j'ai 27 ans, alors est-ce que je suis vraiment super bien placée pour dire que ça va mieux qu'il y a 20 ans ou 30 ans? Je suis pas certaine. Une fois de plus, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans des dynamiques où j'ai pas trop envie de rentrer dans un truc où on évolue, où on n'évolue pas. La question, c'est surtout en fait le fait de voir que les solutions sont que les problèmes d'une génération ou d'un cycle de je sais pas de ce que tu veux à l'autre se déplacent en réalité. Qu'ils ont l'air de soi-disant se solutionner. Voilà qu'on les pointe à un moment donné, qu'il y a des moments donnés où on propose des solutions, mais où en fait la question c'est jamais est-ce que cette solution elle allait, est-ce qu'on va penser à une autre solution parce qu'en fait le problème est toujours là. Mais c'est juste, ah bah tiens, on dirait qu'on a un nouveau problème. N'importe quoi, c'était là il y a 30 ans, c'était là il y a 80 ans, c'est là tout le temps. Juste ça prend différents mots, différentes formes, différentes manières, c'est des transformations. Moi j'ai l'impression qu'on reproduit des choses plus que en les transformant et en leur donnant des nouveaux visages. Plus que on est face à des trucs ex nihilo qui apparaissent, on saurait pas d'où, on saurait pas comment. On peut rien faire alors? Ah, moi je pense qu'on peut faire vachement de choses. On peut faire quoi? Que ça se passe pas justement sur un moment donné ou tu vois. Et je pense que justement il faut mettre en avant la question de la reproduction et ces questions là de transformation pour pas avoir l'impression de se battre contre des choses qui sont juste comment je pourrais te dire actuelles ou qui vont s'arrêter au moment où on aura gagné telle négociation, mais qui en fait sont beaucoup plus de l'ordre du structurel et donc en fait sont pas nécessairement des formules corrélatives au monde dans lequel on vit, mais qui en fait structurent le monde dans lequel on vit. Et donc à ce moment-là, il va falloir se poser vraiment des questions de l'ordre de prévenir plutôt que guérir, et d'ailleurs plutôt que mettre un vieux pansement pourri sur une plaie d'un peu différente tous les jours. Moi, je pense pas qu'on puisse rien faire, sinon ça la déprime. Comment je me lève demain ou quoi? Genre, pourquoi tu fais des trucs comme ça? Fais pas des trucs comme ça. C'est pas beau. Ça fait 10 ans que je fais ça et tout. Je suis pas nihiliste. Le nihilisme, ça m'angoisse. Ah non, mais on pose des questions, hein, mais du coup, c'était hyper intéressant. Ah, on me tend un tract. L'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel. Rien de temps. Il participe à Radio Debout, Fréquence Paris Pluriel. Bah ouais, je sais, moi j'y suis en fait. Bah, très bien. Ah bah merveilleux, voilà. Bah faut venir nous voir. Je suis travailleuse sociale et j'anime des ateliers radiophoniques. Bon, dis-le. Les enfants. Je dis je suis travailleuse sociale et j'anime des ateliers radiophoniques avec les enfants justement parce que je fais de la... je fais de la politique surtout. Et je fais de la politique en faisant de la radio, carrément. Bah, il faut que tu fasses une émission en Radio Debout avec des enfants. Bah j'ai envie de te dire, moi ce que je fais déjà une émission en fait quotidienne, d'une heure, tous les jours, pas payée. En autogestion, avec un tout petit collectif super réduit, dans lequel justement on aime bien se mettre en lien avec Radio Debout, etc. La radio le fait de manière plus générale, mais ce qui m'intéresserait, c'est que justement, s'il y a des gens qui ensuite ont envie de construire, même hors temps de mobilisation, parce que qu'on veuille ou non, même si c'est pas tout de suite les mobilisations, souvent ça s'arrête, et ben je pense que tout ce qui a été construit sur cette place, il faut que ça s'ancre, que ça continue à exister, que les gens y continuent à se poser des questions, que ce qu'ils ont débarré il y a un moment donné, ben ça puisse continuer à avancer. Et à ce moment-là, je vous invite à venir à Fréquence Paris Pluriel et à remplir la grille des émissions, ou à écouter l'actualité des luttes et à nous faire des retours, parce qu'on va continuer à faire la même chose que ce qu'on fait habituellement. Et sur cette table, c'est-à-dire multiplier les espaces pour essayer de renforcer les dynamiques. Ok, alors du coup, juste pour l'actualité des luttes, c'est sur Fréquence Paris Pluriel, le 106.3, et c'est du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30. Voilà. Okay. Merci. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Salut. Pardon. Et ben voilà, il commençait à y avoir des gens et on se bouscule même. Parce que quand on a ce... On parle toujours donc dans un téléphone, on est sur la place de la République. On va retourner, bah là ça y est, il y a des stands partout. On va retourner au siège de la radio. Exactement, notre siège bâché et carré, lui. Et alors, il y a un drapeau du Parti communiste français qui se balade au gré du vent sur ce... Ah, en roller, en fait. On dirait un mec qui donne des tracts pour Pizza Hut. Et voilà, et en fait, non, c'est pour le Parti communiste. Ils ont le même système, là, avec une sorte de drapeau porté en sac à dos. Exactement, ils ont un homme sandwich, maintenant, à roller. Au Parti communiste, comme quoi les choses changent. Ouais, il y a toujours le monsieur en jaune fluo avec sa pancarte. Je vois un générateur maintenant là à la place de l'AG. Et on va rentrer. Alors, est-ce que c'est branché encore ? Bah, je sais pas, on va regarder. En tout cas, on a une belle enceinte. Si vous voulez venir nous écouter en direct, vous pouvez. Est-ce qu'on est branché ? Pas encore. Mais pourtant, il n'y a pas de jeu ? Il semblerait qu'un groupe électrogène se prépare là. Bah ouais, en effet. Je vais peut-être aller leur demander directement. Les lignes électriques ont été tirées. Normalement, ça devrait arriver dans pas très longtemps. Bon, Inch'Allah alors. Ouais. Bon, du coup, je vais aller leur demander si bientôt le générateur opérera et si on pourra émettre à partir de vrais micros et non pas d'un téléphone. Bonjour, c'est Radio Debout par téléphone. Et on voulait savoir où ça en était le générateur, si vous aviez besoin d'aide, tout ça. Ça va, en fait, on attend de récupérer encore tout le matériel qui sort petit à petit du camion. Et d'ailleurs, comment ça s'est fini cette histoire de camion ? En fait, il a été bloqué par les... Je peux te voir ton feu ? Il a été bloqué par les CRS à l'entrée de la place. Et après, les gens de la logistique ont négocié pour qu'ils puissent le décharger malgré tout. Donc pour l'instant, on en est là. Et puis ça décharge à la file indienne, pièce après pièce. Et puis les CRS contrôlent tout ce qui sort, en gros. Voilà. Ouais, il s'est mangé un coup de gaz, celui qui avait le propriétaire du camion. Bah, comment il va alors? Bah, il va bien, mais bon, il y a eu quelques coups de matraque, coups de gaz à l'intérieur du camion, et puis complètement interdit, quoi. Ouais. Complètement. C'est quoi les techniques pour se protéger des gaz lacrymogènes, vous savez? Les les lunettes, le foulard, mais le problème c'est que là on n'a pas eu le temps de les sortir, donc on s'est fait gazer, et puis même quand ils ont leur grosse gazeuse qui met directement dans la figure, ça brûle le visage. Non mais j'étais juste à côté en fait en arrivant. Donc quand on prend un gros coup de gazeuse dans la figure, on peut pas faire grand chose. Le gaz c'est différent, mais la gazeuse dans la tronche, voilà. Sérum physiologique. Voilà. Ça calme un peu, ouais. On voit rien, la radio, mais le sérum physiologique. On voit rien, ouais. Sérum physiologique. En fait, il y a deux trucs, c'est que contre le gaz qui sort, le gaz lacrymogène, le sérum physi, ça marche. Et par contre, contre les coups de gazeuse, vraiment les bombes qu'ils mettent dans la figure, faut mettre un linge gras, en fait, pour enlever la... C'est quoi un linge gras? Une lingette bébé ou un truc comme ça, ou un linge gras, pour enlever la substance qui colle et qui brûle, quoi. Voilà. Ça brûle la peau aussi? Tu vois, je dois être rouge encore un peu là, je pense, je sais pas. Si ça se voit on encore. On va acheter des grands ventilateurs et les remettre sur eux, comme ça serait bien ça. Qui se vend. Dans les armureries, oui. Dans les armureries, il y a un truc qui se vend, qui coûte 17€, c'est un petit flacon. Et en fait, c'est ultra efficace pour enlever le gaz lacrymo. Mais bon, tu l'achètes pas comme ça, quoi. Mais c'est ce qu'ont les flics, et en fait, dès que t'en mets un petit peu, c'est vraiment étrange. Dans les yeux, donc. Dans les yeux, sur le visage. C'est comme un bouclier après ou ça. Non, après... mais ça, en fait, ça, c'est comme le sérum fil, le principe, c'est d'enlever les trucs qui piquent. Mais là, ça enlève encore plus, ça nettoie vraiment, je sais plus, ça a un nom, je me souviens plus. Un peu plus invincible, en fait. Je sais pas. Presque. Presque. Ok, merci pour ces conseils. Si on passe devant une armurerie et qu'on s'ennuie. Ou qu'on a des manifs. Je sais pas si je vais aller donner de l'argent à une armurerie. Parce que... 17€, c'est cher payer le flacon quand même. Hein. Et puis souvent, les tenanciers des armureries, c'est pas forcément. Sans faire de généralité, mais... Alors, il y a des gens, même très élégants, hein, sur la place de la République. On va les voir. On peut peut-être leur dire qu'ils sont chics. Alors, je m'approche, pardon. Bonjour. Nous, on est la radio Debout. Oui. Et voilà, on interroge les gens sur la place et on se disait que vous étiez très chic. Très c'est élégant, vrai, oui. Par rapport au... Par rapport à d'habitude, par rapport à la fun de dégénérer trotskiste. Exactement. Non mais mademoiselle a des souliers vernis. Ah oui, mademoiselle a des souliers vernis. Et moi j'ai des chaussures à la mode que m'a fait ma grand-mère, figurez-vous. Ah bah c'est sympa. Elles sont vraiment bien. Oui, et donc sinon vous nous interrogez sur notre style. Qu'est-ce que vous faites là? Comment ça se passe la vie? Alors, oui. Ouais. Rapport genré à la parole déjà, pour commencer. Non, en fait, moi, je travaille à la Sérénité, ce qui fait que je n'ai plus de voix. Et la commission Sérénité, ouais. Donc. Oui, tout à fait. Accueil et Sérénité. Et là, j'étais venu voir où étaient mes camarades. Je n'en vois aucun. Je suis un peu inquiet. Tu n'es pas serein. Exactement, ce qui est un paradoxe. Et on était hier jusqu'à... Enfin, on a essayé de tenir la place, hein, comme on dit. Donc, je suis revenu voir comment ça se reconstruisait aujourd'hui, après les... exaction policière d'hier. Et voilà, et je me demande pourquoi il n'y a pas d'AG. Peut-être que vous avez une réponse. Simplement, le matériel est bloqué. Oui. Mais il a été transporté. Le camion n'a pas eu le droit d'entrer sur la place. D'accord. Mais en revanche, il y a eu une chaîne humaine pour transporter le matériel petit à petit. Donc ça va commencer. D'accord. Donc, ce qui est illégal, puisqu'il y a une autorisation. Oui, il y a une autorisation. En plus, on s'est fait fouiller à l'entrée de la place, mais bon, ça, à la rigueur, vu qu'il y a l'arrêté préfectoral qui concerne aussi les rues autour pour l'alcool, etc. Bon. Tu l'as lu, toi, l'arrêté préfectoral? Tu peux nous dire ce qu'il y a dedans? Parce que quand j'ai demandé à un policier si on n'avait pas le droit. Parce que nous, ils nous ont embêtés pour qu'on entre avec le matériel et notre petite roulotte. Et ils nous ont dit qu'on n'avait pas le droit. Et du coup, je leur ai demandé si c'était dans l'arrêté préfectoral que c'était interdit d'entrer sur la place avec du matériel. Et ils m'ont répondu oui. Hein. Oui, en fait, non. Parce que dans l'arrêté préfectoral, il est explicité que donc la consommation et la vente d'alcool est interdite sur le périmètre de la place de la République et sur un certain nombre de rues alentours qui ont été désignées, la rue de Lancrie, la rue du Faubourg du Temple, etc., etc. Et il est interdit aussi de porter, alors je crois que c'est l'article 574-3 du Code pénal, tout objet pouvant constituer une arme, c'est-à-dire un projectile, et donc ça va de la matraque télescopique jusqu'à la canette, en fait, et tout ce genre de choses, voilà. C'est eux qui n'ont pas le droit de rentrer sur la place, en fait. Ah oui, ça c'est très intéressant. Sauf que l'arrêté préfectoral ne s'applique pas aux forces de police, de fait. Mais voilà, donc non, en fait l'arrêté préfectoral ne dit pas que... Enfin, dit que les camions ne peuvent pas stationner, mais certainement pas qu'ils ne peuvent pas venir jusqu'ici. Donc c'est assez étonnant quand même. Bonjour. Et toi alors, tu es aussi à la commission Sérénité? Non, du tout. Moi je suis étudiante en théâtre, en L3 d'études théâtrales. Donc, je suis dans le comité de mobilisation à Paris 3. Et donc voilà, je passe souvent en République. Donc ce soir, je venais pour l'AG, mais donc du coup, j'ai compris enfin pourquoi elle n'a pas lieu tout de suite. Donc voilà. Et qu'est-ce qui se passe alors à Paris 3? Pas grand-chose. On a beaucoup de mal à mobiliser les étudiants. C'est assez compliqué parce que c'est une fac qui, comme elle n'a ni de section philosophie ou sociologie, c'est des gens qui sont davantage en communication, se sentent peu intéressés par le mouvement et la loi travail en général. Pourquoi? Parce à ton avis? À mon avis, je pense parce que déjà, ce qui se passe, c'est que plus que la loi travail, c'est pas des gens qui ont envie de remettre en question un certain système. Et par exemple, en théâtre, moi, je suis assez surprise aussi de voir que c'est très très lent à se faire. Enfin, on est vraiment, on a un train de retard sur ce qui s'est passé à Paris. Hein, et voilà. Moi, j'ai pas mal d'amis à Paris, hein, donc je suis rentrée dans le mouvement assez tôt. Et voilà. J'essaye d'œuvrer un peu à la mobilisation des étudiants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Paris, hein, en comparaison? En comparaison, bah, ça a été une mobilisation beaucoup plus massive de le 9 mars, beaucoup plus de monde aux AG, même si là, avec la question des partiels, ça a été beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a toujours ce paradoxe entre voilà, se mobiliser ou être en cours. Et on n'a pas réussi à le résoudre, notamment avec un soutien pas assez important de la part des professeurs, qui ne sont pas trop dans notre sens. Du coup, c'était un peu un choix à faire entre manifester ou, ou s'excuser de nos absences. Et bah voilà, que dire d'autre? Oui, nous, enfin, déjà, par exemple, à Paris 3, là, on n'arrive plus à avoir de salle pour faire les assemblées générales. Donc ça montre bien que c'est un peu compliqué. On est toujours place de la République. Comment tu t'appelles? Marion. C'était Marion et... Et Jean-Luc, voilà, place qui nous parlait de leurs difficultés, de leurs espoirs aussi. Ça se remplit, on pensait être un peu seul parce qu'on est quand même arrivé à 19h et il n'y avait personne sur la place, plus de CRS que de gens, et là on est bien entouré. Il y a toujours le monsieur en roller, ah non, il a disparu, du PCF, qui a disparu, mais voilà, il y a... Moi, je voulais aller voir l'espace construction, parce qu'ils sont arrivés avec tout un tas de planches, etc. Et j'aimerais bien savoir ce qu'ils vont faire avec. Mais hier, ils ont fait un château, enfin, ou dans les derniers jours, ils avaient fait un château qui démoli hier soir. Bah, je sais pas du tout. Alors. Voilà, donc on installe toujours des stands. Bonjour. C'est Radio Debout. C'est Radio Debout. Qu'est-ce que vous faites là alors? Moi je fais partie de la commission cuisine. Et là on est en train d'essayer de nous installer. Mais ils nous ont interdit tout. Du coup, on ne sait pas comment faire. Ils nous ont interdit les couteaux, les fourchettes. Ils nous ont interdit tout. Du coup, on ne sait pas comment on va travailler maintenant. Je pense qu'on va aller chez une copine, on va découper. Même les fourneaux et tout, c'est interdit. Donc là, il n'y a plus rien pour cuisiner. Non. Et ça, est-ce que vous avez les aliments ou ça aussi ils les ont confisqués? Ils sont en stock, mais on va essayer d'aller les découper chez une pote qui habite juste à côté. Et du coup, après, on va faire les sandwichs. C'est tout ce qu'on peut faire. Et vous faites ça tous les soirs? Oui, ouais, tous les soirs. Et alors, ça vient d'où justement toute cette nourriture? Alors, ils font de la récolte, ils font le tour des marchés. Ils récoltent en fait. On a le pain, c'est une boulangerie qui nous le donne. Et après, comme on a une petite caisse, ce qui manque après les autres, les pâtes et tout ça, on l'achète. D'accord. Donc il y a des dons, enfin c'est le et c'est vente à prix libre. Et avec cet argent, vous rachetez. Bien sûr, enfin c'est à prix libre et les gens, il y a des gens vraiment généreux qui des fois ils donnent 20€, 50€ juste pour le plaisir quoi. Et du coup avec ça, on rachète tout ce qu'il faut quoi. Qu'est-ce que vous aviez prévu de faire à manger ce soir? Je sais pas, moi personnellement, je sais pas, parce qu'il y a notre chef Stéphane, je sais pas où il est. C'est lui en fait qui. Tous les soirs? Oui. Mais il n'y a pas de. Par exemple, chez nous à la radio, ouais. Ça dépend des soirs. Certains soirs, c'est une personne qui fait ce qu'on appelle référent antenne, donc qui conduit la soirée. Uh-huh. Et donc chaque soir, c'est un peu comme une série télé, chaque soir sonne différemment. Donc chez vous, ça a le même goût tous les soirs. Alors c'est toujours le même chef, mais il dort pas? Non, en fait, il aime bien faire ça. Et du coup, on le laisse faire ça. Mais moi, perso, j'étais deux fois chef. Enfin, et une fois j'ai fait une chorba, une fois j'ai fait des lentilles. Mais comme il aime bien faire ça, on le laisse faire et on est très content qu'il soit aussi content de faire ça. Parce qu'il est vraiment, vraiment content de faire ça. Et c'est difficile de cuisiner pour beaucoup de gens. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà fait? Moi perso, j'ai jamais fait, mais c'est fait comme ça en fait. Et comme il y avait beaucoup de gens qui nous aidaient à découper les légumes, etc. Et il y a des personnes ici qui nous ont ramené des grands trucs pour cuisiner. Du coup, c'était facile. C'était pas compliqué, au contraire. Et moi, j'adore faire ça. C'est juste magnifique de voir les gens qui arrivent et qui puissent manger pour une fois sans donner de l'argent, quoi. Les gens sont contents et nous aussi, on est très, très contents. Parce que c'est prêt libre, en fait, c'est ça ? Oui. Bah, nous aussi, on est contents et on en profite quand même assez souvent. Et c'est vrai que c'est délicieux, en plus. Je témoigne, c'est super bon. Donc, merci beaucoup. On le fait vraiment, vraiment, vraiment avec cœur. Et on fait tout pour que ce soit bon et que ce soit propre, etc. Et tout le monde ici est vraiment ravi de faire ça. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bah ça y est, on entend que l'AG est reparti. Alors en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce qui va se passer après. Qu'est-ce qui va se passer ? On est le 60 mars aujourd'hui. C'est vrai. On devrait fêter ça. Mais oui. Bon, mais on peut pas amener de bougies sur la place, j'imagine. Le feu, ça doit être interdit, ni de champagne. C'est bien dommage. Alors, on va arriver à la radio. Bonjour, bonjour. C'était avec toi que Jani et d'autres copains de la commission, disons sur les mots, avaient pris rendez-vous. Avec moi ? Non. Alors, c'est avec quelqu'un d'autre maintenant. J'ai le programme. Je vais. Mais c'est TV Debout ? C'est Radio Debout. TV Debout, c'est juste TV à côté. TV Debout, ils sont juste à côté. Peut-être c'est TV Debout. Regarde si c'est commission mot pour la critique clinique des pouvoirs sémantiques, la nôtre. C'est d'accord, lui. Je vais regarder ça. Voilà. Donc ça y est, les invités commencent à arriver aux différents... Des beautés. Des beautés. Mais pourquoi pas ? On n'a toujours pas de... Toujours pas de jus. Donc ça... Ça y est, on a de l'électricité ? Non. Bonjour Mathieu, il se passe quoi alors ? Ben, il se passe qu'il n'y a pas d'électricité, donc pour l'instant... Mais la sono, ils en ont pourtant ? Non, alors la sono, ils sont sur batterie. Ah. Ils sont beaucoup plus malins. Ben, on avait une sono, on a acheté un générateur, mais on l'a cassé deuxième jour. C'est ça. C'est dommage. Il n'a pas fait long feu, ce générateur. C'est dommage, parce que ce soir, il nous aurait bien servi quand même. Alors, je ne sais pas où on en est d'ailleurs au niveau de la batterie du téléphone. Je vais essayer de regarder. Ah. Alors... Ben, ça va, on s'en sort pas trop mal. Hein. Alors, on reçoit des messages, tu gères à l'antenne. C'est donc Manon et... Et Arthur. Voilà. Et donc, voilà, vous avez l'air un peu déçu. Il n'y a pas d'électricité. Déçu. On est un peu désœuvré. Je sais que c'est bête dans cette place d'être désœuvré, mais là, c'est vrai que sans électricité, c'est... Mais ça va arriver, hein. On perd pas espoir. Hein. Mais d'ailleurs, si parmi ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui ont des idées de générateurs solaires, photovoltaïques. Enfin, récemment, il n'y a pas beaucoup de soleil quand même à Paris. Ou un appartement privé public dans lequel on pourrait se brancher. Ou un appartement sur la place. Mais alors, le problème, c'est qu'il n'y a que des hôtels. Hein. Presque. Peut-être qu'il y a un touriste qui nous écoute sur la place. On pourrait aller demander. Faites signe, ouvrez la fenêtre. Si vous êtes... Faites-nous signe. Alors, on va attendre un signe de vie du Crown Plaza pour une rallonge. Le seul signe de vie, c'est le barman qui est en train de faire des cocktails, juste en face. Oui, ils sont allés l'autre soir d'ailleurs avec la radio. C'était Arnaud et Clémence qui sont allés demander la recette du cocktail au bar. C'était un très beau moment de radio. L'AG continue à s'installer, il y a un barnum maintenant pour protéger de la pluie la sono, mais toujours pas de générateur. On attend face à notre table vide. C'est la première fois qu'il y a aussi peu d'agitation sous cette bâche d'ailleurs, parce que normalement c'est quand même la fourmilière. Alors je vais sortir le programme parce que figurez-vous, maintenant à la radio on fait un programme, quoi. C'est du sérieux, on a un système sur... sur l'internet. Voilà. De fichiers partagés, et donc on peut chacun compléter le programme. Alors là, j'ai une paille qui servait à un bubble tea. Ah, c'est ouais, qui est délicieux. Ça. Voilà, donc Arthur fouille. Tu peux m'appeler moi, Bastien, si tu veux, je pense que tu as mon numéro. Parce que là, on est encore sur le téléphone d'un autre comparse de la radio qui nous a fait ce prêt. Donc voilà, alors du coup, on a reperdu le programme dans une des poches d'Arthur. Ah non, il est là. Alors, donc il est 20h35 aujourd'hui. Donc là, à 20h, on devait commencer par Jean-Baptiste Hérault, fondateur du DAL, sur les thèmes 28 avril. Ah d'ailleurs, ils ont une tente là-bas, on pourrait peut-être essayer d'aller le voir. Voilà. Ah bah oui, allons-y. Non. D'ailleurs, voilà, donc on se dirige vers la tente du DAL, enfin le Barnum, je crois que c'est ça le terme scientifique. C'est le droit au logement, hein. Voilà. Pardon. Excusez-moi, il y a des gens, voilà, il y a des cirés, pardon. Il y a des gens qui commencent à s'asseoir par terre, voilà, en attente de l'AG. Oui, bonjour. Vous pourriez m'expliquer un petit peu ? Qu'est-ce que... Parce que moi, je suis venu pour voir pour... Bonjour. Bonjour. Oui. Voilà. C'est la radio. C'est la radio, ben, c'est génial. Moi, je suis venu pour voir. Hein, est-ce que vous pourriez m'expliquer ? Oui. C'est la première fois que vous venez ? Alors, c'est tout à fait la première fois que je viens. Alors, d'abord, je vais vous expliquer, mais d'abord... Ça marche plus. Ça marche plus. On n'entend plus. D'accord. Ah, ok. Bah, attends. On va le relancer, alors. Merci, Sophie. On va reprendre tout de suite et je vous explique. Là, il n'y a plus de son à 20h35. D'accord. Eh ben, je ne sais pas comment on fait. Ah, alors, attends. Et on n'a pas le son. Ah, il est là. Julien, ça marche plus. 34-23. Mais ça marche toujours. Bah, apparemment ça marche toujours, mais on m'a appelé en me disant que ça marchait plus. Ah bon ? Ouais, qu'il y avait plus Qu'est-ce de son. Qu'il se passe ? Pourquoi il n'y a plus de son ? Ah, faut faire continuer, non ? Ouais, ah. Ouais, mais... Non, mais c'est... Ouais. Non ? Non, mais je pense que c'est bon, hein. Est-ce que vous nous entendez ? Vous pouvez nous dire sur le chat si vous nous entendez, s'il vous plaît. Alors... Parce que moi, nous, on est en train d'essayer de trouver des bâches. Une fois qu'on aura trouvé des bâches, on aura peut-être quelqu'un qui pourra nous aider pour brancher oui. Le son... Le jus qui vient de la place, qui permet de brancher TV debout, radio debout, le son de l'AG. Donc pour l'instant, je peux vous dire que ça ira beaucoup plus lentement que d'habitude, mais c'est pas grave, parce qu'hier, il y a eu des bâches qui ont été embarquées par les flics, et du coup, il y a beaucoup moins de bâches aujourd'hui, et c'est très compliqué. Eh ben, apparemment, ça remarche, le son. En tout cas, nos auditeurs nous le disent. Ils nous disent aussi que Hollande est une pine, mais bon, ça, ce n'est pas le sujet. Alors, on revient. Donc, on était avec un monsieur qui nous a interpellé, qui nous a vu peut-être... on avait l'air de savoir ce qui se passait ici, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Ben, je vous ai vu une première fois. A priori, vous avez été dans une autre direction, donc je suis reviens vers vous. On va juste bouger parce qu'il monte voilà. Une bâche. J'ai eu cette dame-là qui est très, très gentille, là, qui est assise, qui est à peu près de mon âge, donc on a pu un peu discuter et lier un petit peu. Elle m'a expliqué grosso modo, mais je préfère avoir un autre avis. Donc c'est la première fois que vous venez ce soir ? Oui, alors c'est la première fois que je viens. Pourquoi ? Oh ben, tout simplement, c'est les médias qui m'ont attiré et je voulais voir exactement ce qu'on était par mes propres yeux. Pour juger par vous-même ? Exactement. Et jusqu'à présent, vous nous avez dit que vous ne comprenez pas trop ce qui se passe ici pour l'instant. Ah, pour l'instant, je vois des personnes clairsemées par endroits, très regroupées par d'autres. Et puis, je voudrais voir qu'est-ce qui les, enfin, je voudrais sentir qu'est-ce qui les regroupe. Quelle est la cause qui les regroupe ? Oui, si y en a une. Alors, en fait, ce soir, les forces de l'ordre ont empêché l'arrivée du matériel. Donc, il y a un peu de retard. Effectivement. Alors, moi, je viens du métro. Il y a des sorties qui ont été fermées. Voilà. Donc ça, je peux vous le dire à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai jonglé pour venir. Mais j'avais vraiment l'intention de venir pour vous voir. Voilà. Voilà. Merci. Donc, les forces de l'ordre avaient empêché l'accès du matériel. Et donc, petit à petit, il a pu arriver par un convoi humain, c'est-à-dire à la main, une chaîne humaine. Et donc, ça s'installe à peine. C'est pour ça que vous comprenez peut-être pas encore ce qui se passe. Mais là, si vous regardez derrière vous, donc il y a un rassemblement qui est en train de se faire. C'est l'AG. Est-ce que vous voyez ce que c'est, l'AG ou... Bah, l'AG, c'est une assemblée générale, je me rappelle, de mes années d'université, mais c'est tout. Et bah, c'est à peu près le même principe. Donc, les gens se réunissent au centre de la place et il y a des tours de parole libres. Donc, je crois que c'est 2 minutes chaque personne. Donc, si vous avez quelque chose à dire... Expliquez la dame, effectivement, pour voilà. Pas qu'il y ait une prise de parole en continu. Voilà. Donc elle vous racontait pas des mensonges, je crois. Et il y a aussi des commissions, parce qu'en fait, tout le long de la place, que vous voyez à chaque fois les tentes, etc., le plus souvent, c'est des commissions. Donc n'importe qui peut se réunir en commission pour discuter plus profondément d'un sujet. Donc, d'accord. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir quel a été le catalyseur, quel a été l'aspect pyrotechnique, l'étincelle qui a fait que toutes ces personnes sont venues. Bon, après ça, il y en a d'autres qui se rajoutent comme moi, bon, un peu badaud, mais surtout pour voir. Voilà, c'est ce que je vous demanderais d'élucider. Ben, je crois que c'est sans doute des étincelles différentes pour chacun et chacune d'entre nous. Il est clair qu'on dit... On dit que le film Merci Patron. Voilà, donc voilà. Effectivement, c'est ce que m'a dit la dame. Donc a priori, il y a le même ressenti pour vous. C'est ce que je voulais y aller. C'est ce qu'on dit en tant que Radio Debout. Autant que Radio Debout, c'est ce qu'on entend. Après, est-ce que c'est le cas pour la plupart des gens? Je ne le pense pas en vérité. Non, je crois que beaucoup en fait n'ont pas vu le film comme moi. Et je suis là pourtant tous les soirs. Pas vu. Bon, je vais aller le voir. Effectivement, je vais m'intéresser. Je vais aller le voir. Je vais aller dans un web ou dans une bibliothèque municipale pour regarder. C'est François Ruffin, c'est ça? C'est ça, oui. Un petit peu ce qu'il en est. Bon, déjà, j'ai une première information. Oui. C'est déjà très, très bien. Voilà. Et a priori, vous dites la même chose que la dame. Donc, c'est ce qu'on entend dire. Voilà, c'est ce qu'on entend dire. Je ne dis pas que c'est mon cas, mais c'est ce qu'on entend dire ici parce qu'à Radio Debout, on essaye d'écouter. Alors là, il y a un jeune homme qui doit avoir pas plus que 8 ans, alors, par contre, ce que qui nous demande de l'argent. Ce que j'ai dit à la dame, parce que moi je viens du milieu médico-social, oui. C'est que je vois que beaucoup de personnes sont représentées, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a toutes les personnes, mais je vois pas beaucoup de personnes qui sont handicapées, enfin de façon visuelle, hein, je les vois pas visuellement. Hein, des personnes qui sont soit des handicapés moteurs, soit des handicapés mentaux. A priori, non, j'en vois pas. Donc, je me posais un petit peu cette question de ce rattachement et cette sensibilité. Alors, il y a eu Hôpital Debout. Aux personnes qui sont porteurs d'un handicap. Il y a eu Hôpital Debout l'autre jour qui est venu, qui est un collectif fondé dans un hôpital de jour, donc, où des patients et des soignants sont venus parler tour à tour, les uns après les autres. D'accord, donc des accueillis et des professionnels sont venus tour à tour parler. Tout à fait, ensemble. Et il y a eu. Parce qu'il y a des stands qui sont très très intéressants. Bon, je pourrais en citer, mais bon, il y en a quand même pas mal. Je ne vais pas faire de la publicité pour l'un ou l'autre que je ne connais pas. Mais je ne vois pas de stands qui représentent des personnes humaines handicapées. Voilà, c'est ça. Alors il y avait. J'en fonderai un, peut-être que je vais vous dire avec une banderole et ma pancarte. Voilà, ah, mais bon. Pardon. Là, pour l'instant, vous en êtes à combien de jours? Je ne sais pas exactement. On est le 60 mars dans notre terminologie. D'accord, non, mais combien de jours? 19 jours. Voilà, au bout de 19 jours, la présence de personnes handicapées qui se sont regroupées, qui se sont un petit peu amalgamées. Alors, il faut dire pour leurs problématiques. Alors, il faut savoir que cette place est vraiment vibre et donc il y a des gens différents qui viennent. Oui. Tous les soirs, donc peut-être qu'il y a un soir, peut-être ce soir il n'y en a peut-être pas, mais peut-être qu'un autre soir il y en a eu. Alors maintenant, 360 degrés. C'est juste, voilà, il tient qu'à vous. Oui, non, tout à fait, à moi et puis à tous les auditeurs. Voilà. Et bien le message est passé, il y avait une commission langage des signes, et pour les personnes sourdes et malentendantes il me semble, là elle n'est pas là ce soir. Oui, parce qu'il y a eu un moment où ils traduisaient tout en langue des signes. Ah, ça c'est très très par bien. Exemple. Voilà. On doit retourner, on nous a dit que la radio commence à marcher. Des personnes qui signent, c'est ça? Oui, c'est voilà. Ça. Donc un appel aux personnes qui signent. Exactement, voilà. Merci beaucoup monsieur, merci. Au revoir. Voilà, on se dirige donc vers notre tente parce qu'on nous a dit que ça remarchait et qu'on allait pouvoir reprendre l'antenne avec des vrais micros. Ah, on nous rattrape. Il faut que je fasse quoi? Alors, pour nous écouter, c'est sur Internet, oui. C'est sur MixLR. Radiodebout.net. Radiodebout.net. D'accord, radiodebout.net. Voilà, et voilà. Point net. Merci. Pas point or, pas point. J'espère que la météo sera avec vous. Inch'Allah. Merci. Bonne soirée. Voilà. Et vous nous avez entendu aussi. Et on a des podcasts aussi sur le SoundCloud. Non, juste avant de retourner, il y a quelqu'un qui demande de l'argent. Je me... Les sans-papiers. Bonjour monsieur, c'est la radio. Ah, tu sais, nous, c'est Radio Debout. Ça sert à rien de parler dans la radio. Ah bon? On n'aide pas. Ça fait, ah bon? Oui. Il faut rien pour nous. Il faut rien. La radio fait rien pour vous? Non, non. Depuis ce sont là, ils sont rien fait pour nous. Rien de tout, rien. Voilà. D'accord. Donc, nous... Bah, s'il y a des gens qui écoutent, vous pouvez donner de l'argent au collectif des sans-papiers? Voilà. Où ça? Comment est-ce qu'on vous donne de l'argent? Il y a des sites. Il y a des sites, le site Collectif Sans Papier sur Internet. D'accord. Merci, bon courage. Merci. On me dit qu'en fait, on n'a toujours pas de jus, mais je crois que c'est parce qu'il y avait des invités. Voilà. Je passe la main à Arnaud. Non, pas du tout. Bonsoir. Allez. Mes invités viennent d'arriver. Ah, très bien. Donc, je vous laisse. À tout de suite. Nous partirons en Syrie. Ils vont partir en Syrie. Merci. À tout de suite. Donc c'est Arnaud qui prépare son interview avec... On est toujours en direct, donc Place de la République. L'AG a commencé, avec quelques spectateurs. Notre table, toujours aussi désespérément vide et non étincelante, malgré nos petites guirlandes qu'on a accrochées. Notre repère dans la nuit. TV Debout, c'est pareil, hein, ils sont aussi désœuvrés que nous, ils mangent des chips. Nous, on n'a même pas de chips. On n'a rien à manger. Voilà. S'il y en a qui nous écoutent et qui veulent venir nous apporter des petits quelque chose à manger, voilà, ça serait super. Voilà. Un petit café même. Pourquoi café. Pas oui, une petite boisson chaude. Est-ce qu'il y a d'autres desiderata, s'il y a des gens qui nous écoutent qui peuvent nous amener des... Des petits cafés. Alors moi, ce que je voudrais, c'est une petite soupe avec des croutons, si c'est possible. Alors... Des croutons, si c'est possible, sans gluten, parce que je suis un peu allergique au gluten. mais c'est normal, c'est Paris, hein, c'est les bobos. Faut pas chercher trop midi à 14h. Par contre, ce que je peux faire, je peux vous faire un petit jingle. Ouais. Un petit jingle Radio Debout. Attends, tu peux nous expliquer aussi ce que c'est ? Attends, le microphone, il est... Est-ce que ça marche ? Ça marche pas. Le haut-parleur, il est là-bas. Il est là-bas, exactement. Alors, attends, hop. Ah, attends. Ça ne marche pas. Bon, ça marche attends, pas. Faut que je prépare mon truc. Donc, Juju a un... Alors, attention, on va écouter. On fait un jingle. Donc, il faut imaginer la scène. Donc, Juju a un petit clavier. Voilà, avec une baleine. Avec des boutons. Un bouton bleu, un bouton vert, un bouton blanc, un bouton rouge. Il y a une petite forme d'onde, ce qui s'appelle. Donc, un petit écran avec une onde. Et donc, il a visiblement enregistré des choses sur son clavier. C'est ça. Il a une petite... et donc, on va écouter son petit jingle. T'es prêt ? Attends, faut que je monte un peu le drive. Radio de Debout ! Radio de Debout ! Radio de Debout ! Radio de Debout ! Pour faire des effets ? Ouais. Radio de Debout ! Alors, si vous aimez ce jingle, dites-le. Laissez des messages. Radio Debout, @gmail.com. On reviendra tout à l'heure. Il faut que tu refasses... t'en fais un autre pour tout à l'heure ou pas ? Ouais, d'accord. Ouais ? Ok. Ah bah tiens. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, ça va ? Alors, salut. On est en... Ouais, vous êtes en... En direct. En direct, la bise avec l'or, voilà. Salut. Bonjour, on recommence ? Ouais, écoute. Voilà. Bisous. Mais il y a toujours autant de joie. Alors, ici. Ouais, c'est vrai. Hein, en dépit des péripéties. Donc, qu'est-ce que tu discutes avec qui là ? Bah, je discutais avec Pascal, Mariana. C'est qui Pascal ? Pascal, c'est un copain. Pascal. D'accord. Et Mariana qui filme ici. D'accord, sais, elle fait son film. Depuis oui. Le début. On l'avait interviewée ouais. La fois dernière. Voilà. Mariana Otero. Voilà, c'est ça. Je crois que tout à l'heure, elle était. Enfin, si je me trompe pas, c'était elle avec sa perche au milieu des CRS, exactement. Non ? Ouais, ouais, exactement. Ils se sont fait gazer. Vous pouvez peut-être leur poser quelques questions. Oui. De s'essuyer avec des lingettes, des petites lingettes, faute de mieux. Parce qu'ils n'ont pas le fameux flacon à 17 euros trouvable dans toutes les bonnes armureries. On vous a parlé d'un flacon à 17 euros trouvable dans les armureries pour... Qui permet de mieux se nettoyer le visage après un gazage lacrymo. Ah bon ? Parce qu'il paraît que le citron et le vinaigre, ça marche aussi. Ah, moi j'ai entendu parler du Malox aussi, mais on a tous nos petites combines. Trucs et astuces. Exactement. Faudrait qu'on fasse une rubrique d'ailleurs. Les trucs et astuces en manifestation. Ouais. On va voir Mariana Otero, ouais, on oui. va lui demander. Bonjour. Bonjour. C'est Radio Debout. Je crois que vous étiez déjà venu nous voir. Oui, oui, oui. Et moi, je vous on ai est vu. En direct. Ouais, on est en direct avec notre téléphone parce qu'on n'a pas encore d'électricité. Et on vous a vu avec votre perche tout à l'heure au milieu des CRS. Est-ce que vous avez pu filmer ? On a pu filmer à quel point ils attaquent. Enfin, quand les gens font absolument rien. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient donc pas voulu faire rentrer le camion de la Sono. Donc, en fait, il y a à peu près une centaine de personnes et on les a accompagnés qui sont allés chercher le camion et qui l'ont amené par l'avenue là. Et dès qu'on est arrivé là, à ce moment-là, les CRS sont arrivés par derrière et devant. Et là, ils ont commencé à gazer tout le monde, à prendre un mec, lui taper dessus, le menotter, enfin, être extrêmement violent. Il y a une femme qui s'est retrouvée par terre, je sais pas trop ce qu'elle avait, mais elle pouvait plus bouger. Tout le monde était gazé, voilà, ils voulaient pas laisser passer le camion. Et là, vraiment, dans une violence absolument gratuite, quoi. Je veux dire, il y avait des casseurs parmi les manifestants? Non, absolument aucun casseur. Mais alors là, je peux vous l'assurer, c'était absolument pacifique. Vraiment, quoi. Là, ils peuvent pas. Donc, on a tout filmé, on voit bien qu'il n'y a absolument aucun casseur. On est arrivé calmement, voilà, tranquillement, et là, paf, tout de suite, ils se sont mis à lancer des grenades, etc. Et à votre avis, qu'est-ce qui a déclenché leur animosité? Juste le nombre ou même pas? Bah juste, ils ne voulaient pas laisser passer, ils voulaient pas nous laisser passer, c'est tout, quoi. Je pense qu'ils étaient, un peu surpris de nous voir arriver. Enfin, visiblement, ils n'étaient pas prêts, peut-être... C'est ça aussi, quoi, hein. Mais c'est vrai qu'ils avaient... Ils voulaient nous disperser, ils voulaient pas qu'on rentre, ils voyaient que les autres arrivaient de la place de la République, et voilà, et à ce moment-là, tout de suite, réaction de violence, quoi, c'est-à-dire qu'on discute pas, alors que nous, on faisait juste que faire des slogans, laisser passer la sono, enfin, des choses comme ça, quoi, tout à fait pacifiquement, mais vraiment, hein, ça, je peux vous assurer qu'il y a eu aucun geste, rien n'a été lancé, même pas un bout de papier, même pas rien. Il y avait la seule papier qu'on leur a montré, c'est la déclaration légale, hein, où c'est bien stipulé que, on a l'autorisation de la préfecture de venir ici et de déposer la sono et tout le matériel. Donc c'est bien écrit noir sur blanc. Voilà. Est-ce que c'est... vous avez fait donc de nombreux films, Marianne Otero. Est-ce que c'est la première fois que vous avez pris du gaz lacrymogène dans un tournage? Ah oui, là c'est... Oui, ça c'est la première fois, oui. Là vraiment. Et puis Aurélien, hein, qui tourne avec moi, qui est aussi réalisateur, Aurélien Lévesque, lui aussi c'est la première fois. Alors ça c'était assez incroyable comment ils ont fait. C'est-à-dire qu'en fait, lui, donc il filmait, hein, moi je tenais la perche, et on était en train de filmer un mec qui était en train de se faire tabasser, mais vraiment à moitié étranglé, quoi. Hein. Donc on a vraiment approché la caméra pour, bah voilà, pour filmer ça, qu'ils étaient en train de faire ça. Et donc ils ont gazé en fait par dessous, c'est-à-dire que son visage, tout son visage, paf, qu'il en a reçu plein, et puis après tous les autres tours, moi, etc., et tous les autres tours, pour qu'on filme pas. Bon, lui il a continué à filmer, il voyait plus rien, mais il a continué à filmer. Moi je suis un peu partie, j'en pouvais plus, j'ai tout fait à moitié. Mais voilà, c'était visiblement, enfin, il ne voulait pas qu'il y ait d'image. Voilà. C'est vrai que c'est pas du tout dans mon habitude de filmer ce genre de situation, mais là, à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment témoigner à quel point cette violence est gratuite et que c'est absolument pas des casseurs. J'étais à la manif hier, c'est pareil, il y a eu du gazage partout, et franchement, j'étais avec des gens qui n'étaient absolument pas violent. Donc c'est complètement faux, quoi. Cette intox de dire que c'est parce qu'il y a des casseurs, des gens violencés. C'est absolument faux, quoi. C'est assez terrifiant. Hein. Qui a intérêt, à votre avis, à présenter les choses comme ça? Bah, ils veulent décrédibiliser le mouvement en faisant croire qu'il y a des gens violents, que voilà, que donc il y a ça d'une part. Deuxièmement, je pense qu'ils veulent le casser, c'est-à-dire qu'effectivement, en reculant l'AG, maintenant il est 9h du soir quasiment. Voilà, ça. En plus, je pense que ça commence à faire peur aux gens aussi, parce qu'ils se disent, bah, je vais peut-être pas y aller. La manif du 1er mai, par exemple, est-ce qu'il y aura autant de monde après celle du 28 où il y a eu plein de violences? Parce que les familles qui vont habituellement, est-ce qu'elles vont avoir envie d'y aller? Elles vont avoir peur. Enfin voilà, il y a toute une atmosphère comme ça qui se ils terrorisent les gens, en fait. C'est une forme de terrorisme, d'une certaine façon, terrorisme d'État. Vous avez fait d'autres tournages, notamment avec des femmes qui se réappropriaient leur outil de travail, qui dans la lingerie. Est-ce que vous avez vu des situations similaires où elles étaient face également, elles aussi, face à donc des ouvrières, face à un pouvoir qui tentait de par tous les moyens d'empêcher à ce que leur exemple marche? Oui, il y avait une certaine, mais c'était pas une violence physique, quoi. C'était effectivement le patron a fait en sorte que la coopérative perde son, enfin, le principal client, hein, Cora, donc était le voilà, mais sûrement en les décrédibilisant là aussi, mais il n'y avait pas cette violence physique là. Voilà. Rappelez-moi le titre du film, je suis désolé, j'ai oublié. Entre nos mains. Et la dernière fois, on en avait parlé, et j'avais demandé si vous étiez encore en contact avec ces ouvrières qui avaient repris leur outil de production, et si elles étaient, ce qu'elles pensaient de tout ça, est-ce que depuis. Eh ben, je ne l'ai pas fait, mais bon, il faut dire que je filme beaucoup sur la place, je suis beaucoup sur la place, et je suis un peu prise par... Alors, ce qui m'intéresse, c'est pas... Enfin, avec Aurélien Lévesque, donc je le répète, parce qu'on est quand même tous les deux, ouais. Là, tous les jours presque. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la pensée, la construction, etc. On n'a pas spécialement envie de filmer ce genre de, voilà, de choses un peu spectaculaires, mais c'est vrai que là, on s'est dit, cette fois-ci, on va aller filmer cette chose-là, parce qu'il y a un abus, là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui n'est pas normal, quoi. Voilà. Donc, c'est... Voilà, donc prise par les événements, en fait, et prise par toute cette histoire de formidable qui se passe là. C'est vrai que j'ai pas encore contacté les femmes. Mais j'y ai repensé l'autre jour, en repensant à vous. Et vous qui peut-être, plus que nous à Radio Debout, parce que finalement, aujourd'hui on reste pas sous notre tente, mais assez souvent finalement on reçoit beaucoup d'invités, mais on a assez peu le temps d'humer toute la place et ailleurs d'ailleurs, si ce n'est par ce qu'on appelle des inserts, donc quand on appelle d'autres Nuits Debout dans d'autres coins de la France et ailleurs d'ailleurs. Est-ce que vous avez ressenti que ce ne sont que des gauchistes éculés, des militants en bout de course, comme on entend souvent dans pas mal de médias? Non, pas du tout. Moi, je trouve qu'il y a des gens là qui font un travail extraordinaire. Bon, par exemple, moi, je suis beaucoup la commission. Enfin, on suit beaucoup la commission démocratie. Et justement, on se disait aujourd'hui, en filmant, qu'il y avait une évolution incroyable dans la manière de penser collectivement, d'arriver à construire quelque chose collectivement, à prendre des décisions. Enfin, non, c'est pas du tout. C'est des gens qui font un boulot absolument extraordinaire. Après chaque réunion, ils font des comptes rendus qu'ils envoient partout. Enfin, moi, je trouve qu'ils commencent à avoir une maîtrise de comment réfléchir ensemble et comment se donner la parole ensemble. En fait, tout ce que je trouve vraiment étonnante, quoi. Donc, c'est pas du tout des gauchistes, c'est au contraire des gens qui sont en train de faire un apprentissage et de. Enfin, ils font. En plus, ils bossent, mais c'est hallucinant comment ils bossent. C'est-à-dire qu'ils bossent dans la journée, ils viennent le soir, après, ils font les comptes rendus, ils les envoient. Enfin. Moi, je suis totalement baba devant leur travail, quoi. Et pour certains d'entre eux, ou même beaucoup, ou tous, c'est leur première expérience comme ça, collective. Alors, quand même, beaucoup font partie d'associations, ont déjà quand même un peu eu cette expérience du collectif, quoi. Mais bon, par exemple, je sais pas, j'ai vu dans la commission démocratie, il y a un assistant réalisateur. D'une certaine manière, il a l'expérience du collectif, hein, parce que voilà. Donc il y a vraiment de tout, de tous les âges, des très jeunes, des gens qui, quelqu'un par exemple qui a fini un master, donc lui il a pas l'expérience du collectif, d'autres qui effectivement ont pu être dans des associations de défense des droits de l'homme ou d'autres choses. Enfin voilà, mais c'est très divers, hein, les âges sont très divers, et ça c'est très beau je trouve, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir 65 ans, 70 ans, qui viennent avec leur petit siège portable, parce que bon, être assis quand même par terre à un moment donné ça c'est dur, et qui discutent, qui échangent. Enfin, c'est quand même très fort, quoi. Et pour revenir à votre film, vous avez une idée de la forme ou c'est simplement vous tournez et puis vous verrez bien? Non, avec Aurélien, on tourne sans vraiment. On se dit même pas forcément que ça va faire un film, quoi. Bon, il s'avère qu'effectivement on a un peu de temps là en ce moment et que c'est une expérience qu'on trouve intéressante et que puis c'est un peu une autre manière d'être au monde que de filmer en même temps. Voilà, c'est notre façon aussi de participer, de le filmer, raconter, voilà. Mais on ne sait pas si ça fera un film. Merci beaucoup. Donc, un peut-être film, oui, de Aurélien Lévesque et Marianne Otero. Merci. Et ça fait 5 minutes que je suis avec vous et j'ai déjà mal à la gorge et les yeux qui commencent à. Vous devez être imbibé de gaz lacrymogène. Vous êtes lacrymo-réactif. Alors, juste pendant que tu discutais, du coup, je crois que les guirlandes de Radio Debout viennent de s'illuminer. Youpi ! Et voilà, l'électricité vint. Alors, on est donc sur Radio Debout. Je vais, mais je vois qu'il n'y a personne à la table encore. Donc, il y a des lampes, ils sont pas encore, ils sont pas encore parfaitement installés, mais effectivement, il y a les guirlandes. On va aller écouter un peu l'AG. Vous venez me chercher quand ils sont prêts? Je suis à côté de la baffle. Hey Arthur. Ah, salut Arnaud. Bon bah, j'allais écouter l'AG, mais je vois que. Écoute, on va partir en Syrie. Ouais. Eh ben super. Je ne sais pas s'ils sont parfaitement prêts encore au niveau technique, mais apparemment ils vont démarrer le mixeur. Tiens, je vais suivre ça. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire, Alex? Bah, je suis en train de démarrer le mixeur pour qu'on puisse envoyer tous les sons qui vont passer dans les micros et sur Internet. Et puis aux autres radios qui nous rediffusent. Il y a deux choses, en fait, il y a MixLR, il y a trois choses. En fait, il y a MixLR, comme ça on peut raconter l'histoire sur la 2 minutes. En fait, nous, on savait pas du tout pendant longtemps très bien utiliser tous ces outils informatiques. Donc on est allé au plus simple et on a utilisé MixLR. Tu vois, qui est une espèce de, alors je sais plus, ils appellent ça réseau social radio. Et en fait, ils rediffusent absolument partout. Et c'est assez facile à trouver. Et des gens sont venus nous voir en nous disant, ouais, mais MixLR, c'est pas bien parce que c'est pas une plateforme ouverte, ça utilise utilisent Flash et il faut pas utiliser Flash parce que ça a des propriétaires et tout ça et tout ça. Et nous, on savait absolument pas du tout comment ça marchait en fait. Et on nous a dit, des gens sont venus et nous ont dit, il faut plutôt utiliser un truc qui s'appelle Icecast, je crois que ça s'appelle, et un truc qui s'appelle Butt pour pouvoir transmettre le stream à toutes les radios associatives, les radios campus. Radio Canu comme la dernière fois et en fait ça s'est passé comme ça, c'est que quelqu'un est venu un jour et nous a dit bon écoutez MixLR c'est bien mais on va trouver autre chose de mieux et puis on diffuse en même temps sur MixLR et en même temps sur Icecast maintenant, donc voilà et là on est en train d'installer tout ça, ce qui veut dire que dans 2 minutes à mon avis on peut prendre l'antenne, donc on va plus être sur l'iPhone et on va être avec des vrais micros qu'on nous a donné, des micros LEM, hein, c'est des grands classiques. La petite guirlande, il y a des formes d'ondes, donc il y a 2 ordinateurs et une petite mixette. Voilà, là par exemple, on lance la machine. Là, les LEM, les DO21, on les appelle donc, aussi, nos micros vont devraient marcher. Donc c'est parti pour l'antenne ? Ouais. C'est parti ? Je pense que oui. On va couper celle-là et on va switcher. Et je passe la parole là, donc à Arnaud. Je passe la main à Arnaud. Bah déjà, on va lui passer son téléphone à Arnaud. Non, c'est pas c'est... Il est à qui ? Il est à Juju. Ah. C'est le téléphone de Juju, on sait même pas à partir de quel téléphone on émet. Et quand je te coupe, en fait, tu vois, ta plateforme sur le téléphone. Ok, ça peut poser des questions. Mais ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y a un camarade qui a failli perdre un œil dans les manifestations, c'est qu'il y a une répression sévère, et c'est que ici même, les policiers sont venus déloger avec un canon à eau. Je sais pas si vous avez vu la machine que c'était. Radio Debout, nous sommes toujours en direct. De retour sur Radio Debout en direct de la place de la République. Nous partons en Syrie avec Caroline Donati et Osama. Bonsoir, bienvenue sur Radio Debout. Bonsoir. Je vais vous demander de vous présenter chacun en fonction de... Caroline, donc je travaille sur la Syrie depuis plus de 10 ans et avec Oussama Chourbagi, nous avons monté c'était un web documentaire d'abord, Syrie Journaux Intimes de la Révolution, qui était en fait une initiative pour pouvoir informer au plus près sur la Syrie. Et puis nous avons commencé cette aventure en 2012 et en fin de compte nous avons constitué un réseau de journalistes citoyens avec Oussama et donc un réseau de correspondants. Nous avons aujourd'hui donc 6 journalistes citoyens et 7 avec Oussama qui dirige le réseau New Syrian Voices. Oui, bonjour à tous, je suis Oussama Chourbagi, je suis pharmacien biologiste de base. Depuis le début de la révolution, donc j'ai quitté mon travail et j'ai rejoint mes collègues en Turquie ou en Syrie pour lutter pour la liberté et la dignité du citoyen. Comme l'a mentionné Caroline, on dirige ensemble ce réseau de journalistes citoyens. Et de plus, je travaille aussi sur la formation des gens en Syrie, sur la démocratie, sur le droit international humanitaire. Quand vous dites vous formez ces personnes à ces différents domaines, où est-ce que vous les formez ? En Turquie et en Syrie, en fait, on a des centres de formation avec des salles d'attente bien équipées. Soit on amène les gens, les activistes en Turquie pour des formations de 2 semaines continues, soit nous on va en Syrie et on donne des cours aux gens, donc on fait des annonces et on reçoit des différents activistes, différents responsables de conseils locaux, de NGO, etc. Et vous participez également aux négociations qui ont cours en ce moment à Genève ? Directement non, mais on a des liens avec l'opposition, oui. Donc on essaye de faire le lien entre l'opposition et la population qui a des demandes, qui exige aussi des choses et qui refuse des fois de baisser les bras parce que beaucoup de pressions sont faites sur l'opposition pour accepter un accord qui ne soit pas à la hauteur des sacrifices qui ont été donnés par les activistes et par la population en Syrie. Caroline, comment est-ce que vous accompagnez ces projets, ces porteurs de projets pour la Syrie ? En travaillant donc avec Oussama, moi, je vais plutôt parler du projet New Syrian Voices. On les accompagne. Au départ, il était question de comment vous allez pouvoir transmettre ce que vous vivez. On leur avait posé, le cahier des charges était relativement simple. Il s'agissait qu'ils puissent nous raconter ce qu'ils vivent, puisque en fait, ils sont dans des positions, des lieux très stratégiques. Je crois qu'il faut recommencer à cette base-là, c'est-à-dire nous avons Hammer qui est à Daraya, dans une banlieue assiégée. Donc lui, il va nous raconter son vécu de quelqu'un qui est assiégé depuis 2012. Nous avons aussi Majid qui est dans le nord d'Alep, à un point stratégique avec d'un côté l'organisation de l'État islamique et de l'autre le régime. Donc comment je les accompagne ? Et je les accompagne en les coachant, en leur donnant des consignes de comment filmer. Mais finalement, c'était un accompagnement qui s'est professionnalisé, puisque au départ, il s'agissait donc d'informer, et c'est devenu aussi, on est rentré dans la formation, parce qu'au bout d'un an, deux ans de contact quotidien, en fait, c'est du quotidien, on est en contact, je suis en contact quotidien avec eux, et à partir de leur vécu, de leur actualité, tiens, ça serait bien que tu puisses filmer ça ou ça, il faut que tu nous racontes ça, parce que parfois ils n'ont pas non plus la conscience de ça, c'est important pour nous, pour l'extérieur. Donc c'est un accompagnement éditorial et c'est un accompagnement technique, et nous avons mis en place des conférences de rédaction sur Skype, sur WhatsApp, et nous avons aussi fait une formation grâce à un soutien donc, de Canal France International pour ce côté de formation des journalistes citoyens, parce que le problème des journalistes citoyens aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, comment fait-on pour informer en Syrie ? Comment fait-on pour savoir ce qui se passe aujourd'hui à Alep depuis 48 heures avec la reprise de l'offensive russe pour faire un qui est lié directement à ce qui se passe à Genève ou ce qui ne se passe pas à Genève ? Les seuls journalistes qui sont sur place, ce sont des journalistes citoyens. Donc ils n'ont pas la légitimité. On ne leur reconnaît pas cette légitimité, donc nous, enfin moi, mon travail, ça va être de leur donner ces outils-là de professionnalisation pour qu'ils puissent avoir cette légitimité. Oussama, comment est-ce qu'on protège ces journalistes qui, je l'imagine, sont plus exposés que d'autres auprès du régime syrien ? C'est une question très très délicate, en fait. C'est vraiment... je voulais vraiment aborder cette question-là parce que on n'imagine pas le danger que peut subir un journaliste citoyen quand, pour pouvoir filmer, pour pouvoir informer l'extérieur. Donc je trouve que c'est très très important de suivre ces gens-là. Un journaliste citoyen est exposé à tout danger, en fait, que ce soit par les bombardements, parce qu'il doit être sur place, il n'a aucune protection, que ce soit par l'État islamique qui vise les journalistes citoyens parce qu'il raconte la réalité, il raconte que au monde musulman, il raconte au monde musulman que cet État islamique n'est pas un État islamique que vous rêvez, c'est pas un État de justice, au contraire, c'est des criminels, c'est des extrémistes, donc ça, ça leur gêne beaucoup. Et ce qui est le plus dangereux, en fait, c'est le régime de Bachar el-Assad qui vise les journalistes citoyens. Si, j'ai un exemple tout simple, mon cousin était un journaliste citoyen, et quand il a été pris, emprisonné par le régime, eh bien, cette accusation, journaliste citoyen, ça lui a coûté sa vie. Il a été condamné à mort. Tandis que si le régime attrape un soldat rebelle, eh bien, il peut sortir de la prison avec de l'argent. Tandis qu'un journaliste citoyen, il ne sortira jamais de prison. Il est torturé à mort. Et vis-à-vis de l'État islamique ? La même chose. Il y a très peu de journalistes citoyens qui ont été libérés. Le reste, en fait, ils sont disparus. On ne connaît aucune information. Et pour compléter ce que dit Oussama, il faut rappeler que dès le début du soulèvement, le régime a mené une politique d'élimination ciblée contre ces activistes médiatiques. C'était vraiment des cibles à part entière. Est-ce que vous, Caroline, vous pourriez aller en Syrie aujourd'hui ? Non. parce que je ne le souhaite pas, parce que les risques, évidemment, je pourrais y aller avec ces journalistes citoyens qui pourraient me guider ou m'accompagner, mais c'est du reportage de guerre, je ne suis pas reporter de guerre, et les risques sont importants, peut-être moindre aujourd'hui, mais bon, je ne sais pas, Oussama, est-ce que je pourrais venir avec toi Oui, bien sûr. Tu serais bien protégé, t'es pas en sécurité parce que les bombardements c'est aléatoire, le régime vise toutes les institutions civiles, que ce soit les hôpitaux, les écoles, donc il n'y a pas une région où tu peux dire ah ben là c'est une région sûre, donc c'est très dangereux, c'est pour ça qu'il y a très très peu de journalistes maintenant qui rentrent, même maintenant il n'y en a plus, je pense que même il y a une interdiction, une responsabilité internationale vis-à-vis des journalistes, mais pendant une grande période les journalistes rentraient en Syrie. Mais là, non, c'est trop dangereux. Donc il n'y a vraiment que les Syriens qui ont eu des formations à l'extérieur pour informer, qui sont revenus en Syrie et qui essayent de raconter la vérité de ce qui se passe. Je vous posais cette question parce qu'on sent aussi la nécessité de formation, la nécessité de professionnalisation de ces journalistes. Est-ce qu'on peut vraiment professionnaliser à distance ? Je crois que oui, aujourd'hui, quand même, avec tous les outils que l'on a... de communication, on peut faire des tutos, des tutos de forme, des tutoriels. Je partirai du concret, c'est-à-dire de ce que j'ai vu avec cette équipe-là. On a commencé en 2012. Je vais parler de Hammer, qui est quand même dans une situation il vit dans une banlieue assiégée, donc il ne peut pas sortir. Et c'est celui qui est le plus connecté. Et lui-même s'est formé dès le départ. Par internet. Il a fait aussi une série de documentaires fiction et ils se sont formés sur internet. Donc oui, on a quand même des moyens, même si ça ne remplacera jamais, c'est-à-dire l'atelier de formation qu'on a pu faire à Gaziantep où on a réuni tout le monde à l'exception de Hammer qui était à Damas et Hassan qui est à Douma dans une autre banlieue de la capitale. Ça ne remplacera jamais ce contact physique, mais quand même. Et depuis le début du soulèvement, le rôle de la diaspora est très important. Et c'est comme ça que ça fonctionne en Syrie. C'est-à-dire Oussama sera en Syrie aujourd'hui, mais le rôle de la diaspora comme support, comme appui de ceux qui sont à l'intérieur, qui ont fait le choix de rester ou qui ne peuvent pas sortir, est fondamental et ça fonctionne. Oussama, quel est le rôle de la population pour protéger ces journalistes citoyens ? Est-ce que la population s'est plus ou moins accaparée ces journalistes de situation citoyenne ? Oui et non, en fait. Donc les journalistes en fait sont protégés par la population. Ils ont eu beaucoup, c'est-à-dire de pression des gens, quand ces journalistes parlent contre les intérêts de certains chefs de brigade ou contre les intérêts de l'État islamique, donc ils sont protégés par la population, mais en même temps la population elle est tellement dans une situation de pression que des fois même elle a un petit peu un problème avec ses journalistes parce qu'elle veut pas être filmée, elle a peur. Il y a encore beaucoup de gens en fait qui veulent pas être filmés, qui veulent pas s'adresser à la caméra ou même à une radio, tout simplement parce qu'ils ont des proches dans les régions du régime et qu'ils ne veulent pas, ils ont peur encore. Alors on parlait tout à l'heure des négociations, vous ne participez pas exactement dans les négociations, mais vous êtes autour. Oui. Est-ce que votre initiative influence les négociations ? Influence directement, je ne peux pas dire que nous avons cette influence directe, mais c'est sûr qu'il y a une influence indirecte, et surtout quand on organise des ateliers via Skype entre l'opposition qui est à Genève et et la population à l'intérieur, les activistes à l'intérieur de la Syrie. Plusieurs ateliers communication via Skype ont été faits. Et donc les gens ont des demandes, ils parlent, ils discutent. Je pense que oui, ça a un impact. Ouais. On vous retrouve, Caroline et Oussama, dans quelques minutes après un petit décrochage vers l'Assemblée générale. Ensuite, Pécresse veut qu'on se barre et il y a eu un tribunal ce matin. Donc je vous lis le tribunal. Aujourd'hui, le tribunal a ordonné l'évacuation du lycée Jean Jaurès avec 72 heures pour vider les lieux. Demain, samedi, je vous donnerai l'adresse, portes ouvertes du lycée Jean Jaurès de 10h à 13h. Vous êtes invités à venir. Tout le monde est bienvenu. Qu'est-ce qu'il y a écrit encore ? Fanfare, banjo, etc. Avec beaucoup de gens rencontrés là-bas sur place. Et voilà. Alors, l'adresse, c'est Métro Pyrénées. Et d'un côté, vous avez l'avenue Simon Bolivar, qui est la plus grande. Et quand vous montez un petit peu dans l'axe Belleville-Pyrénées vers le haut, derrière le lycée, vous aboutissez également au lycée, au 8 rue Clavel. Voilà. Ça, c'est par rapport à ça. J'espère que vous y serez nombreux. Voilà. Que nous y serons nombreux. Et je voulais aussi dire quelque chose par rapport à la manifestation et le débat le soir. Moi, je trouve positif que le débat ait eu lieu. Bon, la forme, c'est moins interactif que d'habitude, mais tout a été filmé. Donc, du coup, les non-réponses de Philippe Martinez, elles seront sur le net. Et c'est intéressant pour beaucoup de monde de voir comment il a répondu et pas répondu. Voilà. D'autres choses, moi j'ai distribué les tracts dans la manif aux cégétistes. Et c'est intéressant aussi pour savoir que sur l'idée de la grève générale, c'est 50-50, c'est pas l'enthousiasme, c'est-à-dire que la base est également à convaincre. Voilà. Et donc, ce qu'on a à faire, et moi j'ai déjà pris un contact avec une entreprise lors de cette manif à Châtillon, ils nous encouragent à venir dans leur lieu. Ils disent qu'il y a des vigiles, des problèmes de ce genre-là, et s'il y a ce type de problème, ben on se met à l'entrée de l'entreprise et on distribue des tracts, et ça les encourage. Voilà. Il faut établir des liens entre nous et eux partout en France. De retour sur Radio Debout, toujours pour parler de Syrie avec Caroline Donati et Osama. Osama, quand vous voyez un événement comme Nuit Debout, tout à l'heure, vous me disiez, ça vous rappelle un petit peu les comités au tout début des événements en Syrie ? Oui, oui, bien sûr. Franchement, c'est pour moi, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a rendu heureux parce que, comme vous dites, ça m'a rappelé au début de la Révolution comment les gens se réunissaient, essayaient de communiquer entre eux, essayaient d'organiser des manifestations, organiser des demandes, des signatures de campagne. Oui, donc c'est très intéressant. Alors on est très loin du danger que vous encouriez à l'époque, j'imagine aussi. Oui, bien sûr. Oui, là-bas, c'est autre chose, c'est un autre monde. Il faut vraiment suivre, aller beaucoup plus profond que ce qu'on entend dans les médias, parce que je pense qu'il y a une grande injustice que a subi le peuple syrien et que personne ne sait en fait. Que deviennent ces comités, les premiers comités qui ont été constitués en Syrie ? Ben, les premiers comités, en fait, ils sont tous morts. Désolé de le dire, mais plus de 80% des activistes sont en prison et on n'a aucune nouvelle de... Il y a plus de 180 000 personnes en prison en Syrie dans des conditions que ni la Croix-Rouge ni le Croissant-Rouge ne peut atteindre. Donc on suppose qu'il y a une grande partie qui sont morts. Ceux qui sont restés donc, sont divisés en deux parties. Une partie qui a pris les armes, qui sont devenus des rebelles militaires, et l'autre partie s'est développée en conseil local pour gérer la population dans les zones qui sont hors du contrôle du régime Assad. Caroline, est-ce que les reporters citoyens que vous accompagnez, que vous formez, que vous diffusez étaient présents déjà dans ces comités du début des événements en Syrie ? Oui, tout à fait. Ces comités, ils ont vu le jour pour encadrer ce qui se passait, un soulèvement, c'est-à-dire un peu comme on voit ce qui se passe ici à République, c'est-à-dire il y a un soulèvement qui commence, qui s'installe. Il n'y a pas non plus Bachar el-Assad face à République. Oui, tout à fait. Mais je parle de la dynamique locale au niveau de la société civile, parce que c'est ça ce qui se passe. Et par exemple, Majid, dans le nord, son village, c'est un des premiers villages du Nord à s'être soulevé. Donc ils ont rejoint, constitué un comité pour organiser les manifestations, les mots d'ordre, les slogans. Mais après, ces comités aujourd'hui, ils continuent. Il y a une auto-organisation. Il faut rappeler que le Nord du pays échappe au contrôle du régime. Et donc, il y a une nouvelle administration qui s'est mise en place et qui permet de gérer le quotidien des personnes de la société syrienne. Et il y a aussi, il y a eu des élections. Vous avez eu des élections quand même, il faut le rappeler, ça, on n'en entend pas assez parler dans les médias. Les élections du conseil municipal d'Alep, les premières élections libres. Et il y a deux, je ne sais pas si je me trompe pas ou ça même, il y a deux mois, il y a eu des nouvelles élections dans des conditions dramatiques sous offensive russe. On a aussi une organisation au niveau médical. Aujourd'hui, l'assistance qui est portée aux civils, aux victimes, elle est le fait de l'organisation syrienne, des médecins syriens. Et ce sont eux qui acheminent les soins, l'aide. Et vous avez cette fameuse organisation de la défense civile avec notamment les casques blancs et qui font un travail formidable et dont le QG a été ciblé hier à Tareb, à la frontière syro-turque. Osama, est-ce que l'arrivée des Russes et notamment des médias russes a changé quelque chose dans le traitement médiatique des événements en Syrie? Et est-ce que du côté de vos reporters citoyens, cela a changé quelque chose aussi du point de vue du traitement? Oui. Déjà au niveau ça a changé au niveau sécuritaire. Donc ils ont été plus exposés à un danger. Donc Majid a échappé plusieurs fois à la mort, même aujourd'hui. Donc il a écrit sur Facebook, il était juste à côté d'un bombardement en russe. Donc au niveau du discours aussi, ça a changé parce que on était avant avec ça veut dire un régime qu'on considérait qui contrôlait le pays, mais maintenant on est devant une occupation extérieure russe. Donc ça aussi, ça a changé au niveau du discours. Donc les gens considèrent maintenant le régime de Bachar comme un régime qui occupe, qui s'est allié à l'extérieur pour contrôler son pays. D'accord. Je crois qu'on va faire un petit tour en AG juste avant de basculer. On retourne vers l'AG. Question sur les armes. Donc on va essayer de créer un débat juste après la soirée, après le spectacle sur l'armement mercredi. Mais je voulais vous dire déjà les questions qui seront posées, qui vont faire débat, pour que vous puissiez être force de proposition dans le débat et y participer activement. Alors, la première question qu'on se pose, c'est: existe-t-il un registre public des producteurs des armes en France? Parce qu'on est parti du postulat que les parlementaires sont manipulés par des lobbies dont on ignore totalement les identités. Nous, on veut savoir qui gère ce pays réellement. Est-ce qu'on a le droit de le savoir ou pas? Quelle partie de la production des armes est destinée à l'armée française et aux forces de l'ordre pour la sécurité interne? Et quelle partie est exportée et dans quel pays? Qui sont les actionnaires des sociétés fabriquant des armes en France et quel est leur rôle dans la vie publique française? Quelle est la responsabilité des élus pour avoir mal géré la chose publique? Combien de populations ont été massacrées en raison de ces sociétés françaises ou internationales, mais qui s'établissent en France pour fabriquer des armes? Comment déterminer qui exerce une influence déterminante sur les élus? Quels outils peut-on mettre en place pour monitorer l'action des élus et les sanctionner? Ensuite, quelles sont les sociétés fabricantes des armes en France, leurs chiffres d'affaires, quelles sont les armes qu'elles revendent, à quel pays, pour tuer qui? Combien de familles ont-elles été tuées? Combien d'enfants massacrés? Combien d'économies écrasées? Comment prévoit le gouvernement français, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais ma pensée, elle est claire, pour se responsabiliser et dédommager toutes ces populations victimes de leur massacre. Voilà. Quelle est la responsabilité? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire non aux migrants quand on sait très bien que c'est de leur faute, si tous les migrants sont là et toutes ces populations... Vous êtes bien sur Radio Debout avec une intervention en AG sur la vente d'armes, sur la transparence dans ce trafic d'armes, mais pas uniquement ce trafic, puisque ce sont des ventes légales. Oussama, dans les négociations auxquelles vous assistez, est-ce que ces marchands d'armes, par exemple, sont autour de ces négociations? Est-ce que, comme dans la fantasmagorie journalistique qu'on peut lire parfois, il y a des hôtels dans lesquels des marchands d'armes viennent faire du lobbying auprès des négociateurs? Non, il n'y a pas du tout ça. Donc, je ne pense pas qu'il y a ça, parce que là, les armes en Syrie, ça a été donné. Donc, il y a le marché noir, ça c'est sûr. Mais la plus grande partie des armes a été donnée par des pays qui ont soutenu les rebelles et après que le régime a eu l'appui et le soutien de l'Iran avec les armes de l'Iran. Donc, les rebelles se sont permis de prendre des armes de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Caroline, on est un petit peu perdu par rapport à la position des pays occidentaux vis-à-vis du conflit syrien. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé là? On en est où aujourd'hui, fin mars 2016, sur la position des occidentaux vis-à-vis de la Syrie? Je crois que depuis le départ, aucun pays occidental n'a véritablement une stratégie pour la Syrie. Et je crois qu'aujourd'hui... Le résultat, ce qui se passe aujourd'hui à Genève, c'est l'illustration, on maquille par des négociations un statu quo. Les Occidentaux ont fait mine de soutenir le peuple syrien, le soulèvement du peuple syrien, mais ils ne sont jamais allés au bout de ce soutien. Et aujourd'hui, on est face à des décisions qui ont été complètement incohérentes et on gère... Finalement, la politique occidentale aujourd'hui, ça va être de gérer les conséquences de cette politique qui n'a pas été faite sur une stratégie. On a donné un boulevard à Moscou, aux Russes, qui sont aujourd'hui l'acteur principal dans les négociations, à qui on a donné la solution. Les clés de la solution, c'est Moscou qui va déterminer de quoi sera fait demain. On est dans des séries d'inconséquences, de décisions complètement inconséquentes. Il y a trois décisions qui ont été catastrophiques. C'est d'abord la non-sanction du massacre à l'arme chimique. Ça a été ensuite la décision d'Obama de bombarder uniquement les positions de l'organisation de l'État islamique sans réduire dans le même temps l'espace aérien de Bachar al-Assad, c'est-à-dire de permettre de continuer à Bachar al-Assad de bombarder. Cette décision-là a permis à Moscou d'intervenir 2 mois plus tard avec son offensive qui a complètement renversé le rapport des forces et on ne fait rien par rapport à ça. Donc pour moi, la grande inconséquence, c'était... Et le plus grave, c'est que aucune stratégie de la part des pays occidentaux, une crainte que le scénario irakien se répète, qu'il n'y a pas d'alternative. Sauf que on n'a donné aucun moyen à cette alternative de naître. On n'a pas donné les moyens de soutenir cette rébellion. Et qu'est-ce qui se passe après 3 mois d'offensive aux Russes? Et ça, nos reporters le montrent bien. On a ces images-là, on a ces paroles-là. C'est que les bombardements russes ont achevé la campagne d'éradication du régime de Bachar al-Assad avec des interventions, avec des destructions de toutes les infrastructures vitaux de la société syrienne. Et donc, on a détruit cette alternative modérée qui pouvait être possible. Oussama, donc quelqu'un qui dit qu'on parle pas assez de Nuit Debout, donc on va revenir à Nuit Debout. Mais non, on a envie de parler de Syrie, parce que sur Radio Debout, si on a envie de faire Radio Debout International pendant une demi-heure, on fait Radio Debout International pour ouvrir les oreilles et pour ouvrir les yeux de nos éditrices et de nos éditeurs. C'est intéressant cette intervention-là, le ras-le-bol, le besoin de revenir sur un souci franco-français. Petite parenthèse, Oussama, sur ces négociations, je vais revenir encore sur ces négociations et sur la présence de la... S'il vous plaît, monsieur. Merci. Un monsieur qui n'est pas content. Vous voulez venir dire... on va le laisser parler parce que il a donc, ce monsieur a un grand drapeau communiste sur le dos pour exprimer. On était en train de parler justement de ça. Qui est, non mais on vous ouvre le micro. Quel est votre souci ? Alors, venez, rapprochez-vous. Non. Mais c'est juste que j'entends depuis tout à l'heure que les pays occidentaux n'ont pas de stratégie en Syrie. Je suis un peu choqué, enfin c'est ce qu'on entend très souvent sur les médias dominants, mais les pays occidentaux ont une stratégie très cohérente avec la Syrie, c'est de détruire la Syrie. La Syrie représentait et représente toujours un obstacle à la vision du Proche-Orient des États-Unis, et du coup on a soutenu des fous furieux pour détruire la Syrie, comme on a soutenu des fous furieux pour détruire l'Irak, pour détruire la Libye, donc il y a une cohérence absolue. Alors effectivement, là, en ce moment, il y a un peu de l'eau dans le gaz. C'est-à-dire que il y a un peu de l'eau dans le gaz parce que tout s'est pas passé comme prévu. Le peuple syrien a résisté. Mais le peuple syrien qui a résisté, c'est pas celui qu'on nous présente dans les médias dominants comme les résistants. C'est vraiment les gens qui ont pris le terrorisme en pleine gueule et qui se sont opposés. Et d'ailleurs, si le peuple syrien ne s'était pas vraiment opposé, jamais les Russes seraient venus soutenir. Ils n'ont pu soutenir que parce que le peuple syrien a résisté. Et malgré ce que j'entends depuis tout à l'heure, moi, je suis pas du tout pro Bachar al-Assad ou quoi, mais les Syriens soutiennent plutôt massivement Bachar al-Assad, tout simplement parce que la Syrie s'est fait attaquer et qu'ils défendent leur pays. Donc voilà, nous, on a... Alors, je vais vous demander de... Je suis ravi que vous parliez d'international, puisque vous étiez en train de râler, parce qu'on parlait de pas de nuit debout, donc ça me fait plaisir. Donc je vais vous présenter Osama, donc, qui est de l'opposition syrienne. Je ne sais pas si vous avez des questions à lui poser. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vous appelez, donc, quand vous dites l'opposition syrienne, qu'est-ce que vous avez comme dessein, enfin comme objectif pour la Syrie? Et comment vous appréciez l'intervention des Occidentaux et l'intervention des Russes du gouvernement syrien avec le soutien des Russes, des Iraniens, du Hezbollah, la vision des deux côtés. Est-ce que c'est quels sont les aspects positifs et négatifs des deux côtés? Tout simplement, donc moi en tant que j'étais élu secrétaire général de l'opposition syrienne pendant 2 ans, entre 2012 et 2014, je peux vous affirmer que pour nous, la Syrie qu'on souhaite, c'est une Syrie démocratique, comme elle l'était bien avant Hafez al-Assad. Depuis l'indépendance 1947, la Syrie était un pays démocratique parlementaire où... la liberté de l'expression était assurée, la liberté et la dignité du citoyen étaient assurées. Je vous invite à aller en Syrie et vivre en Syrie chez Bachar al-Assad. Quand j'étais à l'université, on avait la mairie de Daraya n'avait pas nettoyé les rues, donc on s'était organisé comme cette communauté. On a nettoyé les rues. Moi, j'ai été mis en prison, j'ai été torturé. Mes amis ont été arrachés les ongles, ils ont été avec l'électricité. C'est ça, Bachar al-Assad. C'est ça l'intervention russe. C'est ça. Attendez, s'il vous plaît, je vous ai laissé parler. L'intervention russe, elle vise les hôpitaux, elle vise les écoles. Moi, j'étais en Syrie il y a 15 jours. C'est ça. Le peuple syrien que vous dites qui a résisté, c'est le peuple syrien qui s'est soulevé et qui a demandé la liberté et la dignité, c'est tout. Alors, vous arborez un drapeau communiste. Est-ce que en fait, votre position est liée aussi au port de ce drapeau communiste ? Non, ma position, elle est juste que... je suis pour le respect de la souveraineté des pays. Et je suis toujours un peu inquiet quand on parle... Alors, moi, je sais très bien qu'il y ait une opposition syrienne à Bachar al-Assad. C'est tout à fait légitime sur des aspects intérieurs, il n'y a pas de problème. Mais là où ça me gêne, c'est quand cette opposition se met à recevoir des soutiens de pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, la Jordanie, avec en arrière-plan les États-Unis qui autorisent tous ces soutiens. Ça me dérange. Et je me méfie toujours, où que ce soit dans le monde, quand il y a un pays, enfin quand il y a des opposants qu'on présente comme des rebelles, des démocrates, mais qui sont soutenus par les États-Unis, moi tout de suite je me dis, oulala, il y a un loup quelque part. Parce que les États-Unis, quand ils soutiennent, Alors je vous avoue que vous êtes le premier à citer, le mot États-Unis depuis 40 minutes où nous parlons. Donc voilà, donc c'est assez marrant. Caroline, on n'en a pas parlé parce qu'ils sont. Ils ont soutenu l'opposition. Non, mais justement, s'ils avaient été au bout de leur parole, ils l'auraient bien davantage soutenu. Là, ce que vous êtes en train de dire, c'est en fait le peuple syrien souffre de ça, c'est-à-dire de la géopolitique. Il est otage des logiques géopolitiques et on ne veut voir ce qui se passe en Syrie qu'à travers les intérêts régionaux et internationaux. Mais il faut revenir, et c'est ce que Oussama racontait. Il parlait de la lutte, enfin du combat que mène le peuple syrien. Je rappellerai aussi que Oussama faisait référence à l'action qui a été entreprise dans sa ville de Daraya, qui est l'un des bastions du mouvement pacifiste. Il est l'un des fondateurs du mouvement de non-violence syrien. La fin des années 90, début 2000, d'accord. Et ils ont été sanctionnés. Le problème des États-Unis, c'est un grand problème parce que, en fin de compte, si vous regardez les évolutions, les États-Unis sont en train de se désengager de la région. Contrairement à ce que. Interdit à l'opposition d'acquérir des armes qui pourraient leur aider à finir du Bachar al-Assad. Les États-Unis n'ont pas soutenu l'opposition. Les États-Unis, elles sont rentrées à l'intérieur de l'opposition pour les déstabiliser et pour les diviser. Elle a soutenu. Malheureusement pas. On va poursuivre ce débat un tout petit peu plus tard. Attendez 3 minutes. On va retourner à l'AG 5 minutes. J'ai changé les prénoms. À l'attention du directeur des ressources humaines. Ce qui ne peut pas se dire, il ne faut surtout pas le taire, mais l'écrire. Jacques Derrida. Monsieur, j'ai travaillé en tant qu'infirmière pendant 3 ans à la CGT. À l'époque, François était directeur de la SCER et Daniel DRH. Le sens de ma démarche aujourd'hui est en rapport avec la souffrance au travail dont on ne parlait pas à l'époque, ainsi que de la vague de suicides à France Télécom et ailleurs. Je peux le dire maintenant, j'ai voulu me suicider sur mon lieu de travail. Pour une infirmière, il n'est pas difficile de se procurer les produits pour l'injection létale et de se l'auto-administrer. Mais au moment de le faire, j'ai pensé à mon fils qui n'avait alors que 4 ans et dans un instinct de survie, j'ai jeté l'injection à la poubelle. Je me suis rendu en urgence chez mon psychiatre qui, sans hésiter, m'a fait hospitaliser dans son service afin de me protéger de moi-même et de me soustraire provisoirement à des conditions professionnelles pathogènes. Lorsque la direction de l'époque a reçu mon arrêt de travail sur papier à en tête, hôpital spécialisé, j'ai eu le droit à quelques sarcasmes. Quant à moi, la maladie ne m'a jamais fait rire, même si par ailleurs je suis capable de pratiquer l'autodérision. Mais dans mon geste désespéré, il n'y avait plus de place pour l'autodérision. Il est vrai que j'ai très souvent eu recours aux arrêts maladie. Mais comme le dit Marie Pez, qui avec Christophe Desjours est une éminente spécialiste de la souffrance au travail, je cite, « Depuis des années, les pathologies du travail augmentent en gravité et l'arrêt maladie est la seule arme du médecin généraliste pour sortir un salarié au bord du suicide de sa situation de travail. » Vous êtes toujours sur. Je travaillais seul, sans contact avec les autres. En direct de République, une pluie battante et la moitié de l'AG, je pense, qui vient se réfugier sous notre tente. Non, j'exagère un petit peu. Un grand merci, Caroline Donati. On ne va pas faire la promotion de votre livre, mais il y a un livre sur la Syrie qui a été écrit un certain nombre d'années qu'on peut retrouver. Oussama, s'il y a un message, si on nous écoute, Radio Debout en Syrie, est-ce que vous avez un message maintenant à passer à vos reporters citoyens? Oui, solidarité. Le peuple syrien ne demande ni de l'argent, ni de l'aide humanitaire. Il demande que vous sachiez la vérité et la réalité et que vous faites diffuser cette réalité-là. Merci. Merci. J'inviterai plutôt qu'à lire mon livre, mais à continuer de regarder les reportages de nos journalistes citoyens qui constituent des documents à valeur historique. Un grand merci, Caroline et Oussama. Et nous écoutons tout de suite 1000 jours en mars. 1000 jours en mars. 91 mars. On lit sur un carton qu'une femme dresse en face « Vivre est inédit ». De l'autre côté, « Vivre est inécrit ». Un journaliste tourne, perché comme un panneau signalétique. Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Debout, vous êtes avec Pascal, et on va avoir une conversation avec le cinéaste documentariste Jean-Pierre Thorne. Jean-Pierre, j'étais en train de te présenter, le temps que tu mettes ton casque. Voilà. Bonjour Jean-Pierre. Donc Jean-Pierre Thorne est un documentariste, un cinéaste surtout important, qui depuis à peu près une quarantaine d'années... 45 ans, oui, voilà. A filmé un nombre de luttes qui font de lui un des cinéastes extrêmement importants, comme cinéaste, mais aussi comme cinéaste politique et militant. En 68, il était déjà là, il a réalisé Oser lutter, oser vaincre. Plus tard, puisqu'on va d'ailleurs pouvoir expliquer un peu pour ça, c'est-à-dire que tu étais cinéaste, tu t'es installé comme établi, si je puis dire, à un moment, chez Alstom, tu peux nous raconter le début. Donc on va revenir un petit peu là-dessus, mais c'est un cinéaste qui a couvert les 45 ans de lutte en étant toujours en prise extrêmement directe avec la réalité, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui regardait les événements après, de haut, mais qui les vivait toujours à chaud, en essayant d'être le plus en prise possible avec ce qui se passait. Donc il y a eu évidemment les événements de 68, il y a eu la question de la jeunesse dans les banlieues, il a été un des précurseurs pour être un cinéaste qui allait là-bas, qui s'occupait de ça, la question des femmes aussi dans les banlieues. Enfin voilà, beaucoup de films qui ont marqué tous les adeptes du documentaire. C'était intéressant aujourd'hui d'avoir Jean-Pierre, parce qu'évidemment c'est à la fois un témoin et un acteur de la vie citoyenne, politique, à la fois comme artiste et comme citoyen, et je voulais d'abord, dans un premier temps, lui demander ce qu'il pensait d'un mouvement comme Nuit Debout. Je trouve que c'est formidable. J'ai l'impression de me retrouver avec le même espoir qu'en 68. La même volonté de se parler à des inconnus partout dans la rue. Moi je trouve que cette reprise de l'expression est absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard, un des premiers films qu'on a fait, on a été une centaine de techniciens à travailler en 68. Et un des films s'appelle Le droit à la parole, qui est vraiment la nécessité de récupérer la parole, de ne pas la laisser aux appareils politiques ou aux confédérations, de ne pas la laisser à nos grands mandarins, philosophes et tout, mais vraiment, qu'est-ce que le peuple... Et on parle de tout, et moi c'est ça que je trouve formidable ici. C'est en fait cette expression et qui fait bouger les choses et qui est... Enfin, vous redonnez, et merci, vous redonnez un espoir, je trouve, pour sortir du jeu politique sordide, institutionnel. Voilà. En fait, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens de ta génération, enfin pas tous, mais de les cinéastes... Qui veulent nous faire la leçon. Oui, ouais. Qui font un peu la leçon, qui sont un petit peu à regarder de loin, ou qui touchent ça du bout des doigts en trouvant ça pas sérieux et tout. C'est quoi ta position? Et ça se passait comment en 68? Mais justement, il y en a qui nous font la grande leçon, qu'attention, c'est sectaire, attention, on est manipulé, tout ça. Mais enfin, il faut arrêter de déconner, quoi. En 68, c'était la même spontanéité, la même volonté des gens de changer cette société et de se parler. Et bien sûr, il y avait les groupuscules au milieu qui faisaient leur salade. Mais enfin, ceux qui disent aujourd'hui « attention », c'était les pires de l'époque. C'était les grands staliniens qui accaparaient la parole des gens. Et donc, ça m'amuse beaucoup qu'ils nous fassent la leçon aujourd'hui, parce qu'à l'époque, ils étaient déjà dans la même attitude. En fait, c'est de dire c'est nous qu'on décide. Et si c'est pas nous qui menons, alors c'est que c'est caca. Et donc, Et c'est pour ça que je... On a aussi des pavés. Hein. On a aussi des pavés. Hein. Oui, il y avait une intervention sur quelqu'un qui disait en 68, ils avaient des pavés et nous, on n'a pas ça. Je voulais dire aussi, on en parlait un peu avant de venir, tu disais que ce qui t'intéressait aussi, c'était ce frémissement qu'il y avait quand même dans les convergences de lutte, dans le fait de se rapprocher de différents milieux. Absolument. Et tu m'en parlais tout à l'heure. Ouais, et c'est ça qui m'a beaucoup touché ici aussi, c'est de voir le sérieux de tout le débat qu'il y a eu qu'il y a eu hier entre justement des différents militants de lutte et de militants syndicaux. Et les... Moi, j'ai été épaté de la qualité et aussi de la modestie, parce que finalement, ils disaient un peu la merde dans laquelle ils étaient. Et je trouvais, pour tous les gens qui étaient ici, c'était une vraie leçon. Ça, on n'a pas été capable de le faire en 68. En 68, moi, le soir de... Tout de suite, du 10 mai, 12 mai, je crois, on est parti, on a traversé Paris pour aller devant Billancourt, pour dire aux ouvriers, mais voilà, on veut construire avec vous, on est avec vous. Et là, on a trouvé les grilles fermées et on ne pouvait pas rentrer. Et donc, je trouve que ça, c'est quand même quelque chose de totalement neuf aujourd'hui. C'est cette capacité de se parler. Alors, je ne dis pas, ce n'est pas facile, ça ne se réglera pas du jour au lendemain. Mais au moins, il y a ça, quoi. Et ça, pour moi, c'est le point fondamental. Moi, je dirais aussi que j'ai vu aussi qu'il y a une commission banlieue. Il y a une vraie volonté d'aller justement mener des nuits debout, j'ai vu, dans différentes banlieues. Bien sûr, mais attends, juste pour ça, te coupe un instant. C'est pour les auditeurs qui prendraient en route. Je rappelle que donc tu es un cinéaste, un documentariste qui a énormément travaillé sur les luttes depuis les années 70, depuis 68, mais qui a aussi énormément travaillé sur la banlieue et sur la jeunesse en banlieue. Donc c'est pour ça que tu réagis par rapport à ça. Oui, parce que bon, quand je fais des films comme Génération Hip-Hop ou Faire kiffer les anges ou On n'est pas des marques de vélo, je dénonce en fait la discrimination de ce pays en France où les classes populaires aujourd'hui sont souvent issues de l'immigration et la loi n'est pas la même pour tous, quoi. En fait, moi, j'ai filmé l'histoire... On peut rappeler ton combat contre la double peine aussi. Oui, c'est ça, d'un jeune danseur qui s'appelait Bouddha, qui faisait partie de la première émission HIP, HOP, hip-hop, et qui a été expulsé, parce qu'après l'émission... Pour récupérer un peu de fric, c'est pas que je le justifie, il a dealé dans son quartier, mais bon, il n'y avait pas de raison de l'expulser. Et il s'est retrouvé dans un pays où il n'a jamais mis les pieds, qui était le pays de ses parents. Et ses parents, entre-temps, étaient français, donc on a voulu expulser un enfant de français. Et autour de ce film, il y a eu une mobilisation formidable de jeunes dans les quartiers populaires, dans les cités. Et moi, ça me toucherait beaucoup que ce film, par exemple, soit vu ici et qu'on fasse venir des copains des cités. Parce que justement... On n'est pas des marques de vélo. Oui, on n'est pas des marques de vélo. Je pense que justement, ils restent encore loin du mouvement. Ils ont l'impression que ça ne touche pas à leurs problèmes. Or, en fait, voilà, j'ai vu, il y a aussi des militants que je connais qui sont intervenus. Et on voit qu'il y a un vrai espoir à travers cette parole de faire converger les gens. D'accord. On va reprendre ensuite l'antenne, mais on va parler deux secondes. On va donner le micro à l'AG, savoir un peu ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y a des choses qui ont l'air très intéressantes. De prendre des décisions pour eux-mêmes. Donc on a appelé ça des déclarations des assemblées. On a un registre des déclarations. Donc ce qui vient d'être fait, c'est une tentative, finalement, de faire une déclaration, mais ça n'a pas très bien marché, en l'occurrence. Mais bon. Donc maintenant, nous appelons Thomas G. Thomas G. Thomas. Nous appelons Thomas. Ah, il est là. C'est Thomas ? C'est Thomas ? Ino Pasalan. Bonsoir. Excusez-moi, vous déranger, parce qu'il fait plus jour. Moi, je viens juste pour exprimer juste mes sentiments par rapport à ce qui se passe. Et j'ai plus l'impression que... déjà, quand je suis arrivé, je me suis fait contrôler, on m'a fouillé mon sac. Je vois, tout à l'heure, j'arrive, il y a des lacrymos qui se lancent. On va pas repartir sur un débat, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un état d'urgence sociale. Et pendant que le temps passe, les ouvriers trépassent et les banquiers continuent à compter leurs liasses. Et ça me saoule un petit peu et je me demande qui est le colon, qui est l'exploité ici. Et j'ai pas envie que ça dure. Donc voilà, et je trouve que Nuit Debout, c'est très bien. Il faut continuer à faire bouger le mouvement. Et je vous invite à tous venir adhérer. Et Lélé, il est chaud. Voilà. Alors voilà, nous voilà à nouveau avec Jean-Pierre Thorne, cinéaste, documentariste, donc quelqu'un qui a filmé les luttes depuis 40 ans. Justement, je voulais te poser une question qui a à voir évidemment avec le cinéma et aussi avec l'image, Jean-Pierre. Qu'est-ce que c'est que de filmer une lutte ? Comment toi tu as fait ? Et comment tu vois aujourd'hui cette multiplication de possibilités de faire des images autour de la lutte ? Comment vois-tu ça ? Oui, en 68, on a fait naturellement ce qui, là, est en train de démarrer aussi, j'ai vu, puisqu'il y a une commission documentariste debout qui, justement, fait des ciné-tracts. Et nous, à côté de nous, il y avait Chris Marker, René, Godard. Mais je pense que moi, à l'époque, et d'autres copains, on a préféré s'enraciner quelque part, c'est-à-dire de dire... On peut pas toucher à tout, et donc moi je suis allé à Flins, donc c'était. Donc tu veux dire ne pas privilégier un seul endroit, mais définir un endroit. Définir un endroit où on sent que là il y a une parole du peuple à capter, et comme au Quartier Latin il y avait plein de gens qui filmaient les barricades et tout, bon c'était important bien naturellement, mais je trouvais que c'était vraiment important pour moi si je pouvais être utile. J'avais 20 ans, je savais pas très bien manier une caméra, voilà, et je me suis retrouvé à Flins. Où il s'est passé beaucoup de choses, où un étudiant, là aussi, on nous dit « Ah, ben, la police, aujourd'hui, elle est terrible », alors qu'avant... Non, à l'époque, il y a un copain, Gilles Totin, qui a été assassiné. Enfin, assassiné, pour échapper à un contrôle, il a dû plonger dans la Seine et il s'est noyé. Donc, à Sochaux, il y a eu deux ouvriers qui ont été tués. Donc, il faut aussi remettre les choses en place. Ces films, depuis 40 ans, ils sont étouffés. On n'est jamais arrivé à les faire passer à la télévision. La Cinémathèque française, quand elle a fait quelque chose en 68, elle a posé la question, est-ce que 68 a été filmé? Alors qu'on est, il y a 18 films, on a dû du coup... Tu veux parler du groupe Medvedkin aussi, pour les plus jeunes. Oui, c'est ça, bien sûr, après le groupe Medvedkin à Sochaux. Et donc, je trouve que cette mémoire ouvrière, cette mémoire des luttes, devrait être beaucoup plus... vu aujourd'hui, parce que même si on était naïf, il y a plein d'excès. Moi, mon film, il appelle à prendre le pouvoir en prenant les armes. Bon, n'empêche qu'il dit des choses sur l'espoir, la parole ouvrière, la parole, l'échange qu'il y avait. Parce que je crois toujours qu'une société peut bouger si les intellectuels et les ouvriers se donnent la main et si on s'enrichit mutuellement. Et c'est ça qui fait que la société pourra changer. Et ça, nous, on a tenté de le capter, c'est sur des images. Donc montrons-les, on espère que voilà, qu'elles vont servir. Oui, il faudra les montrer, bien sûr. Voilà, ouais. Absolument. Et aujourd'hui, une lutte comme celle-là, est-ce que tu as envie de la filmer? Et si tu t'engages dans cette action-là, comment tu ferais? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'effectivement, maintenant, il y a des moyens de faire des images de tous les côtés. C'est difficile pour un cinéaste de se placer à un endroit. Absolument. Et de se dire comment j'affiche une singularité qui va dans le sens de la lutte, parce que tu t'es toujours mis du côté des gens que tu filmais. Oui, j'ai l'habitude de dire, quand il y a une barricade, il ne faut pas rester au milieu, quoi. Les images en 68, c'était soit du côté des flics, soit du côté des ouvriers, des étudiants. Donc il faut choisir son camp, et bon, ça me paraît vraiment fondamental. Après, comment faire? Je me pose plein de questions, parce qu'il faudrait aussi, là, trouver finalement un lieu ou un espace ou une action où on puisse vraiment creuser à ce moment-là, faire émerger ce qui est en train de se jouer ici, qui est, très, je pense, très important. Donc je suis là avec un certain nombre de copains qui filment. J'ai vu Mariana Otero qui fait des images, d'autres. J'espère vraiment, là on est en train de se dire, on devrait faire une coordination, ramener tout ce qui est les caméras, les techniciens, pour justement, presque jour après jour, c'est ce qu'on avait fait en 68. Créer un collectif aujourd'hui il y a tel endroit, on va à Saint-Lazare, on va chercher le copain qui est libre. Qui peut aller filmer, qu'on coordonne tout ça. Alors il y a aussi, tu sais, maintenant il y a des nouveaux réseaux, il y a Periscope, il y a tout ça, il y a des choses comme ça que nous, les gens de notre génération, connaissent peut-être un petit peu moins. Moi, très mal. Mais je crois qu'il y a des gens qui veulent nous raconter quelque chose là-dessus. C'est une parodie de Periscope que maintenant on va pouvoir vous diffuser, qui s'appelle Sketch Nuit Couchée. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live streaming vidéo en direct de mon smartphone sur la plateforme Perisflic. Alors, vous êtes déjà près de 20 000 à nous observer. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager ma page perso avec le hashtag jour couché. Alors, je suis en direct sur la place de la Bourse pour ce rassemblement jour couché. Donc, je vais me rapprocher de la tribune. Aïe. Voilà. Oula, pardon, monsieur, je suis désolé, je vous ai marché dessus. Il y a beaucoup de gens couchés, là, vous voyez. Je filme avec mon smartphone, vous voyez, sur cette place de la Bourse. Alors, la tribune, elle est où, la tribune? Madame, s'il vous plaît, excusez-moi. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a une tribune de prévue pour les prises de parole? Mais non, enfin, nous n'avons pas besoin de tribune pour faire entendre nos idées. Nous avons les médias pour ça. Ah bon ? Oui, oui, et puis nous ne voulons surtout pas faire de bruit supplémentaire. Hein. Pas de vagues. Hein. Notre truc, c'est jour couché. À 18h, on se relève et on rentre chez nous. Alors, voilà alors tout. Moi, je suis un nouveau média. Là, je suis en train de streamer en live, vous voyez, avec mon smartphone. Oui. Je stream l'événement sur Périsplit. Qu'est-ce que vous pouvez décrire pour les internautes ce qui se passe ici sur cette place de la Bourse ? Oui, bien sûr. Oui, alors écoutez, c'est simple. Hein. Avec jour couché, on veut simplement affirmer notre droit à profiter de la vie. D'accord. Et voilà. En gros, si je comprends bien, vous contestez la nécessité de travailler pour vivre ? Ah non, non, non. Non, c'est bien qu'il y ait des gens qui bossent hein, quand même, hein, je veux dire. Bah oui, mais on n'est pas devenu rentier pour rien non plus. Ah, hein. Monsieur, vous souhaitez intervenir. Approchez-vous du smartphone. Vous êtes en direct sur Périsplit, hashtag jour couché. Ouais, bah nous, notre credo, c'est surtout que rien ne change. Le système fonctionne bien, on capte toute la richesse et puis on ne paye pas d'impôts. On s'allonge. Alors, vous voyez, s'allonger, ça correspond à l'aspect horizontal de notre mouvement, en fait. D'accord, mais enfin, là, il y a quand même des gens allongés par terre et puis d'autres au fond de la place sur des sofas. Oui. Vous faites comment la répartition des places, du coup ? Ah, bah écoutez, c'est extrêmement simple. Hein. On respecte l'ordre naturel. Ce sont les plus riches qui décident. Comme ça, c'est vraiment plus simple, en fait. Los ricos unidos jamás serán vencidos. Los ricos unidos jamás serán vencidos. Los ricos unidos jamás serán vencidos. Bon, vous voyez, on est un mouvement international. Hein. Là, ce sont nos camarades du Panama qui sont présents à nos côtés. Ça fait plaisir. Et puis bah, là, avec les petits chapeaux bizarres, bah, c'est les collègues du Liechtenstein. Oui, et alors vous voyez, en plus, en ce moment même, des centaines de personnes comme nous occupent des places à Monaco, en Andorre, au Luxembourg, même à Charbonnières-les-Bains. Hein. Oui, franchement, nos adversaires n'ont rien inventé. Mmh. Occupy Wall Street, nous, on fait ça tous les jours. On est chez nous. Hashtag jour couché, je suis en direct de la place de la Bourse pour suivre l'événement jour couché. Je vais continuer mon tour de la place, qui est donc occupé par les rentiers. Les choses s'organisent peu à peu ici. Je vois d'ailleurs une cuisine hein, qui est en train d'être montée. Bonjour madame. Ah oui, c'est un traiteur ça monsieur. On a fait venir le nôtre. Vous n'imaginez quand même pas qu'on va mettre la main à la pâte. Ah, oui, c'est vrai. Et le stand à côté, vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste ? Ah oui, alors ça c'est une blanchisserie. Vous voyez, l'argent rentre par ici et il ressort par là tout propre. Ah, ouais. C'est monsieur Lee qui tient la boutique. Bonjour. Ah, il ressemble à celui dans Lucky Luke. Vous voulez argent propre ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne vois rien au smartphone. C'est rien de grave, c'est des gold blocks. Ah, les gold blocks. Alors justement, concernant vos méthodes, certains dénoncent des dérapages violents. Il y a eu des comments hein, sur le hashtag jour couché. On parle de SDF hein, qui se seraient fait racketter leurs manches. Oui, alors écoutez, moi je suis pacifique. Ceux qui s'attaquent physiquement aux SDF et aux migrants, c'est une minorité. Maintenant, on est tous pour l'éradication des pauvres et certains y vont plus franchement. On ne peut pas non plus leur en vouloir. Non, on ne va quand même pas pleurer sur la mort d'un Rom. Hein. Bah non, ils nous ont volé tellement de poules depuis la mort de Ceausescu. Ni oubli, ni pardon. Oui, mais attendez, il faut quand même nuancer. Je veux dire, on a quand même besoin des pauvres, hein, nous. Sinon, notre système, bah, je veux dire, il ne tient pas. Oui, oui, c'est vrai. Ça. Eh. Qui nous servirait s'il n'y avait plus de pauvres ? Et oui, oui. Alors, je veux dire, sous leurs habits sales, les pauvres ont également un cœur. Connerie ! Ma sœur, elle s'est mariée avec un pauvre et depuis, elle va en vacances au lac des Sapins. Pauvre, porc, assassin ! Pauvre, porc, assassin ! Rappel de légalisme en cas d'intervention. Je vous conseille d'écrire vos numéros de compte bancaire au feutre sur votre bras droit. Alors, hashtag jour couché, vous pouvez suivre en direct les débats, hein, une sorte d'assemblée générale de rentiers qui anime ce rassemblement citoyen sur la place de la Bourse. Vous voyez que les gens discutent, échangent, s'organisent, il y a des commissions qui sont mises en place. Une des grandes questions, je crois, hein, si j'ai compris, qui agite aussi les esprits ici, c'est bien entendu le risque de la récupération politique. La récupération ? Oui. Non, enfin, c'est nous qui récupérons les partis. Ah. Bah ouais, on milite pour la récupération. Enfin, sinon, à quoi bon payer des lobbyistes ? Macron, t'es élu, les rentiers sont dans la rue. Macron, t'es élu, les rentiers. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mon compte Persiflic. Merci beaucoup, je suis touché. Hashtag jour couché. Vous me suivez sur mon compte personnel. Hashtag jour couché. Mais t'es pas journaliste, toi, en fait ? Ah ben non, non, moi je suis indépendant. Je profite un peu du mouvement quoi, pour buzzer sur Périsplic et comme ça je me fais un nom dans l'espoir de me faire embaucher. Quoi. Quoi, ben non, mais t'es un précaire en fait. Quoi ben, un précaire. T'as pas de thunes, t'as pas une thune. Non. Pas un les gars, j'ai chopé un pot. Défoncez-le. Un pauvre en chéri, allez, on les fonde. Méga combi. Voilà, 21h presque 59, de retour en direct sous la tente humide de Nuit Debout avec le cinéaste Jean-Pierre Thorne. Jean-Pierre, encore une ou deux questions. Donc, tu as filmé pendant à plusieurs reprises la condition des femmes dans différents endroits. Tu as aussi filmé la condition des jeunes dans les banlieues. Tu as assisté aux discriminations dont ils pouvaient être victimes. Je crois que tu as envie de nous parler un peu de ça pour en lien avec Nuit Debout, avec ce qui se passe aujourd'hui. Oui, je pense qu'aujourd'hui, un des problèmes clés, c'est justement de parler, de s'unir avec cette jeunesse qui est dans les quartiers populaires, avec aussi toutes ces associations qui luttent contre les crimes racistes et la manière, l'impunité qu'a la police aujourd'hui. Ils ont fondé une association, j'ai vu les manifestations qu'elles avaient faites au mois de novembre avec 400 femmes qui ont appelé. C'est vraiment des forces vives et j'ai vu qu'elles viennent prendre la parole ici sur la place. Et je pense qu'il faudrait que tout ce travail qu'on a fait pour leur redonner la parole puisse être montré, être vu, les inviter à venir prendre la parole ici, et ça me paraît absolument essentiel. Vous avez fait un très beau film d'ailleurs qui s'appelait Allez Yalla, j'espère qu'on aura l'occasion de le revoir un de ces jours, et ça serait bien effectivement que dans le cadre de Nuit Debout, certaines projections puissent être organisées. Je crois qu'on veut repasser à l'AG maintenant, c'est ça, ou on est trop tôt? Trop tard, selon nous, selon plein d'associations environnementales, ça va. D'ici là, il y aura plein d'abeilles qui vont mourir. On est en colère contre ça. Il y a déjà eu une marche à Bordeaux en février. On allait les soutenir à Bordeaux. Et on continue à se mobiliser partout en France contre les pesticides et contre Bayer, Monsanto et toute la clique de multinationales du crime. Donc on compte sur vous demain à 15h à Denfert. Merci à vous. Restez un petit peu. Bon, toujours pas de femme pour prendre la parole. Bon, alors Camilo. Est-ce que Camilo est là pour son tour de parole? Et ensuite, il y a qui? Et après, il y aura qui? Après, il y a qui? Après, il y aura Saïd. Saïdi. Bon, alors, bonsoir. Comme il n'y avait pas de femme pour prendre la parole, je vais prendre une petite minute d'abord. Pour dire que, franchement, moi, je soigne des fois des personnes dans des conditions déplorables en Amérique latine. Mais je vois ici des formes de médecine qui sont inacceptables. Et je sais que si le personnel fait tout ce qu'il peut, c'est organisé depuis l'université contre ça. C'est une médecine machiste, autoritaire, dont les trois quarts des inventions se font dans des conditions guerrières. Les ablations, et c'est leur solution. Par exemple, je voudrais dire que les règles douloureuses, ce n'est pas du tout une obligation. Chez 2 femmes sur 10 en France, c'est établi qu'il y a une endométriose. Regardez sur Internet ce que c'est endométriose si vous avez des règles douloureuses. Parce que ça fait des siècles que les médecins bossent sur comment faire des capotes confortables, mais comment rendre les choses plus vivables, non, quoi. Ça. Et donc, moi, j'ai ma grand-mère aussi qui a passé toute sa vie à souffrir, fatiguée, cycliquement, sans savoir pourquoi, jusqu'à comprendre un jour c'était réglé sur des cycles très précis. Et bon, voilà, ça, c'était la petite minute pour les femmes. Maintenant, je voulais juste, mais vraiment, les règles douloureuses, pour moi, c'est pour les femmes, parce que c'est une façon de faire vivre la douleur comme une identité à 2 femmes sur 10, alors que c'est inutile. Il suffit d'enchaîner les plaquettes, mais consultez chez une gynéco, parce que c'est pas dans tous les cas, il faut peut-être un autre traitement hormonal. Mais il suffit d'enchaîner les plaquettes pour éviter les règles et pas avoir mal. Voyez sur Internet, endométriose. Voilà. pour mon intervention. Je vais du coup devoir abréger. Et vous-même, faites-moi abréger si ça a déjà été dit, parce que j'ai raté un bout. Je voulais juste essayer de décrypter trois gros mensonges qui sont sur les trois points les plus essentiels qui ont été tenus hier par Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. J'avais pris une petite minute pour les femmes, au lieu du silence. Ok, d'accord. Alors, trois choses. Hein. Il nous a dit qu'il n'était pas contre et compatible, même avec nos idées, et que tous les syndicats et les voies extérieures sont acceptés à la CGT. Pas du tout, il suffit de voir leur service d'ordre, les menaces physiques et les guerres de couloirs pour voir que ce n'est pas du tout le cas. La deuxième chose, la demande principale de vous tous ici, hier, qui étiez là, peut-être, c'était la grève générale. Et s'il n'appelle pas, lui, à la grève, ça devient illégal. C'est-à-dire que tous les salariés qui essayent depuis 60 ans de faire des grèves, ils peuvent pas, ils sont jamais appelés au bon moment par leur syndicat, jamais en même temps qu'un autre syndicat. Les mots d'ordre sont différents, tout est divergent, exprès. C'est une dispersion syndicale organisée, complice du capital. C'est depuis le plan Marshall, avec De Gaulle, ça a été établi. J'ai travaillé, et bon, on en reparlera si vous voulez ailleurs ou derrière. J'ai encore d'autres décryptages à apporter. Il nous a fait passer pour des cons, pour tous les gens qui connaissent bien la CGT. Il nous dit d'aller... Radio debout, radio debout, radio, radio debout. Debout. Radio debout. Radio debout, radio debout. Eh, c'est la radio debout. Et 22h04, de nouveau en direct sous la tente humide de Radio Debout, toujours avec le cinéaste Jean-Pierre Thorne, et également Manon qui nous a rejoint avec l'équipe de Street Medic. Oui, bonjour à tous. Alors, donc on est toujours sous la tente, sous la bâche, avec nos petites guirlandes. Et alors, je vais vous laisser vous présenter, vous êtes quatre, on est nombreux ce soir à la table. Donc vous êtes les Street Medic, c'est ça? Alors, il faut que vous parliez dans le micro, l'une Allô de vous. Oui. Salut. Bonjour. Alors, bonsoir. Oui, là, on est quatre. En fait, c'est une petite proportion des personnes qu'on appelle Street Medic qui étaient présentes hier, puisqu'on était au moins une trentaine qui étaient vraiment recensées, on va dire, sur la manif, hein, sachant que c'est aussi des choses que les personnes peuvent faire de façon autonome et que donc, on ne se connaît pas forcément tous. Vous disiez que vous étiez une trentaine. Là, vous êtes quatre. Vous, oui. Est-ce que vous avez à la base une formation médicale ? Dans les street medics, on retrouve des gens qui ont des formations médicales, qui sont secouristes, d'autres qui sont infirmiers, d'autres qui n'ont pas du tout de formation médicale, en fait, qui se forment un petit peu sur le tas, avec juste en fait, du bon sens et des conseils. Donc, on se fait un petit peu des formations entre nous sur la place un petit peu avant de partir. Et vraiment, parfois, juste avec du bon sens, on peut déjà prendre en charge pas mal de blessures qu'on rencontre sur les manifestations. Alors, comment on en vient à devenir street medic ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, vous êtes dit un jour, je vais aller aider en manifestation, c'est votre formation ? Dans ce qui me concerne personnellement, c'est que c'est la rencontre de deux choses. C'est le fait d'avoir déjà milité et d'avoir beaucoup, on va dire, manifesté par le passé. Et effectivement, moi, enfin, ça concerne que moi, mais j'ai une formation d'infirmière. Donc, c'était un peu évident. Voilà, quand on est infirmière, on l'est tout le temps. On sait soigner les gens. On ne s'arrête pas au moment de la manif. Donc, voilà. Et puis là, après, avec le mouvement, effectivement, il y a eu la rencontre avec d'autres personnes qui faisaient ça dans d'autres contextes aussi, sur d'autres manifestations, d'autres événements. Et donc, on a essayé un petit peu de mutualiser nos pratiques et d'échanger voilà, ce qu'on savait et ce à quoi on fait face aussi. C'est-à-dire qu'on est, enfin, la mission des street medics, quand même, c'est au sein de la manifestation de pouvoir apporter de l'assistance aux personnes qui sont blessées, traumatisées, paniquées. Voilà. Comment ça s'organise lorsqu'il y a une manifestation ? Vous venez en amont ? Vous vous mettez où par rapport au cortège ? Voilà, c'est quoi l'organisation ? Il n'y a pas de règles. En fait, chacun se positionne un petit peu comme il peut, comme il veut, comme il se sent, en fonction des charges, en fonction des gaz lacrymogènes, en fonction du degré de violence policière. En fait, on n'impose rien à personne. Chacun au niveau de son... En fonction de son niveau de confrontation et de sa peur et de ce genre de choses, se place dans la manifestation. En fait, je voulais vous demander c'est quoi... prioritairement les blessures auxquelles vous avez à faire face. Je dirais les multiples blessures auxquelles on a à faire face, il y a les tirs de tout type de projectiles lancés par la police, que ce soit des tirs tendus de grenades qui du coup peuvent avoir un impact assez fort sur les personnes, au niveau des visages, au niveau des explosions que ça peut avoir aussi au moment de l'impact, qui peuvent apporter des brûlures, aussi des coups de surdité aussi pour les personnes qui prennent du coup souvent des tirs de grenades au niveau des visages, au niveau des nuques, au niveau des têtes quand c'est lancé en cloche. Il y a les blessures dues aussi aux tirs de LBD, les lanceurs de balles défensives, donc c'est des balles de 40 mm en caoutchouc qui sont lancées quand même à une puissance assez forte et en fonction de la distance ça crée des blessures plus ou moins importantes, ça peut aller jusqu'à la fracture. Hier, pour preuve, il y a un camarade qui a perdu apparemment à Rennes son œil. Je ne sais pas si c'est confirmé que c'est dû à cette arme-là. En tout cas, ça peut causer ce type de dégâts. Multiples fractures, donc ça dépend aussi à quel niveau c'est tiré. Puis, multiples brûlures au niveau des mains aussi des gens, des fois, qui veulent éteindre les différents fumigènes qui sont lancés en masse à certains moments. Et puis, divers projectiles, parce que des fois, les CRS renvoient les pavés en fait, et les morceaux de cailloux. Et ça a été visible aussi, notamment sur des vidéos. Et donc, des coupures aussi, des plaies ouvertes assez régulièrement, et puis les gaz lacrymogènes, les asphyxies, etc. Est-ce que vous avez l'impression depuis quelques temps que est-ce qu'il y a une augmentation des blessures lors des manifestations? Est-ce qu'il y a depuis le début du mouvement, est-ce que vous sentez quelque chose qui se durcit par rapport à ça? J'ai l'impression qu'autant au niveau des arrestations, des interpellations, du coup, je crois qu'on approche les 1000 interpellations, du coup, ça montre aussi une répression et une violence dans la répression en manifestation. L'encadrement aussi très policier des manifestations qui du coup, se pose un peu en provocation autour des cortèges, en paradant avec les armes, etc. Effectivement, il y a une forte répression et la répression augmente le degré de violence. Et en réalité, la violence, elle concerne plus que les gens tout d'un coup appellent des casseurs, mais en fait elle concerne tout le monde, et il y a une convergence du coup dans la violence, et les gens en fait qui sont majoritairement blessés dans les manifestations, en réalité c'est tout un chacun, un passant, un manifestant, violent ou non-violent, peu importe, ça concerne tout le monde, et la violence de la répression fait qu'il y a énormément de blessés, de plus en plus de blessés, et pour beaucoup des gens qui vraiment ne vont pas au contact avec la police quoi. Je vois que tu hoches la tête, tu voulais rajouter quelque chose ? Moi je veux rajouter quelque chose. Sur la répression, on dit ça revient souvent cette question, est-ce que la répression elle s'intensifie? En vrai, dans tous les mouvements sociaux, il y a de la répression. Et nous, on voudrait te parler de cette répression-là. Elle est pas, il y a la répression, les coups de matraque. Il n'y a pas que ça. Il y a la répression aussi sur le lieu de travail, les personnes qui essayent de faire grève, quelqu'un qui se fait virer parce qu'il fait grève, c'est de la répression. En fait, nous, on voudrait parler de la répression des révoltes et des mouvements sociaux en général. Et les violences policières, juste dénoncer les violences policières, ça pourrait vouloir revenir à dire qu'une répression calme, où on ne nous taperait pas dessus, ce ne serait pas un problème. Mais en fait, c'en est un aussi. Et nous, en fait... pourquoi on est street medic? Il y a plein de raisons interpersonnelles différentes, mais on se rejoint tous sur le fait qu'on combat les violences policières et les violences d'État, en fait, et qu'elles sont présentes à chaque mouvement. La répression, tous les types de répression, c'est fait pour nous faire peur, nous faire taire, et que le mouvement s'arrête, en fait. Et eux, plus le mouvement dure... Plus il y a des gens dans la rue, plus ils vont augmenter ce niveau de répression, mais à tous les niveaux, à toutes les échelles. Voilà, c'était juste... Moi, ça m'a frappé, en particulier hier, au début de la manifestation. J'avais encore jamais vu ça, à quel point les CRS, vraiment, frottent les manifestants. Ils sont en ligne de chaque côté, ils étaient autour des lycéens. Il y a le drone qui est au-dessus, qui excite. Donc, je veux dire, c'est une violence... qui n'est pas simplement lié à des mauvais flics et tout, c'est une violence systémique produite par le système justement pour faire peur. Et moi, je pense que voilà, on a un état policier qui de plus en plus, et moi je trouve ça mais une honte absolue que les socialistes, parce qu'ils sont dans un double discours total. On a justement, vous citiez des exemples, j'ai lu des gars qui prennent dans la figure, normalement ils n'ont pas le droit, mais ils le font. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent, le pouvoir? Ils disent au contraire, ils vont accuser les syndicats de ne pas assez tenir leurs trous. Mais c'est le monde à l'envers. Mais c'est vraiment eux les responsables. Il faut dénoncer sans. Et moi, je n'ai jamais vu ça, qu'ils rentrent comme ça dans les manifs et vraiment qu'ils viennent pour que ça provoque. Moi, je l'ai vu comme ça hier. Hein. Allô. Je suis très contente que vous disiez ça parce que nous, c'est quelque chose qu'on a fait remonter aussi en bilan de la manif d'hier. Quand on parle de violence avant les coups de matraque, par exemple, quand vous avez des cordons entiers de CRS qui courent sur les côtés pour encadrer le début de la manif, tout de suite, c'est anxiogène pour tout le monde. Tout de suite, la tension monte et c'est clairement une provocation. Ensuite, effectivement, il y a les défaillances individuelles, on va dire, parce que le gars qui est CRS, qui porte son coup de tonfa sur la tête de quelqu'un, ou ça, il sait très bien ce qu'il fait. Excuse-moi, c'est quoi un coup de tonfa? Bah, c'est avec la batraque ou tout ce qu'ils ont sous la main, je sais pas. Enfin bon, okay. En tout cas, leur manière de se comporter individuellement, je l'excuse pas et elle existe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont effectivement des feux verts et des ordres pour agir comme ça. On voit très bien les infiltrations à Nation, par exemple par les gens de la BAC, qui sont en civil avec des casques, des sacs à dos là, et qu'on voit pas venir, et qui matraquaient tout le monde à tour de bras. Ils ont le droit de le faire, on les a autorisés. Le fait d'encadrer la manif dès le début, c'est un ordre. Le fait de se lâcher hier soir pour évacuer la place de la manière dont ça a été fait, qui a été absolument mais scandaleuse et injustifiée, c'est un ordre qu'ils ont reçu. Donc il y a vraiment une violence d'État, et je rejoins ma camarade qui a parlé tout à l'heure, c'est de la répression. Le but, c'est intimider les gens, qu'ils aient peur de manifester. Clairement, la fin de la manif à Nation, c'est pareil. On s'est retrouvés, alors pour des gens qui ne sont pas forcément... Enfin, des gens qui étaient dans des cortèges syndicaux, des gens qui faisaient leur manif classique, on s'est retrouvés quand même nassés, c'est-à-dire qu'on nous chassait de la place du terre-plein, mais les rues étaient bouchées, donc on se retrouvait entre des cordons de CRS, agressifs, avec des mouvements de foule, des gens qui paniquent sur la droite, sur la gauche. C'est hyper dangereux, c'est hyper anxieux, et c'est absolument pas justifié qu'on... Enfin voilà, c'est une réaction qui n'est pas justifiée, quoi. Ça crée plus d'insécurité que de sécurité, alors qu'ils sont censés être là, je sais pas, pour protéger, entre guillemets. Voilà, c'est pour ça que nous on parle clairement d'intimidation et de faire monter la tension, de faire monter la pression, qu'il y a une vraie volonté d'État, je suis tout à fait d'accord, effectivement, pour nuire au mouvement, et ça c'est certain. Et c'est une stratégie parce que ils coupent les cortèges. J'ai encore jamais vu ça d'habitude. Enfin, voilà, ils sont autour, mais ils sont pas comme ça à rentrer dans les cortèges. C'est vraiment une volonté, enfin pour moi, politique, délibérée, d'attaquer le mouvement pour faire peur. Et vraiment, je trouve qu'il faut les dénoncer. C'est insupportable, quoi. Où la République, là? Enfin, vraiment, on peut pas accepter des trucs pareils. Moi, j'étais soufflé de la manière dont hier, avec le monde qu'il y avait dans la rue, qui était quand même énorme, comment les flics se sont comportés. Moi, voilà, c'est insupportable. Alors, moi, je vous entends, et depuis l'année dernière, il y a quand même Rémi Fraisse qui est mort sur le barrage de Sivens à cause d'une grenade de la gendarmerie. Les faits sont avérés, il y a eu une enquête diligentée. Et finalement, on s'aperçoit qu'on a beau dénoncer, ça fait longtemps qu'il y a des répressions policières importantes, des violences policières, on dénonce, etc. Et finalement, il y a peu de résultats, voire des armes de plus en plus létales à chaque fois, alors que finalement, les manifestants, n'ont pas des armes plus létales au fur et à mesure. Et donc, comment on fait à part dénoncer? Parce que manifestement, ça ne marche pas. C'est un peu le paradoxe, justement. J'entendais ce matin les ministres, notamment le ministre de l'Intérieur, appeler les syndicats et Nuit Debout et les organisateurs. Et en fait, tout le monde a condamné les violences, fermement les violences, parce qu'ils s'étaient retrouvés au chevet de policiers blessés et qu'il y avait un grand nombre de policiers blessés et qu'il fallait fermement condamner ces violences. Mais en réalité, j'ai l'impression que le prisme qu'on peut avoir, notamment quand on est sur le terrain, et qui plus est en street medic, c'est que la violence, en fait, elle est quasiment unilatérale, notamment en termes de blessures, et qu'effectivement, elle est systémique et structurelle, et que c'est la violence légitime de l'État, qui est d'ailleurs armée, et qui répond même pas à une violence à chaque fois, puisque les cortèges, notamment, qui dénoncent le plus les violences policières, sont les cortèges qui sont le plus encadrés par la police. Et c'est là où on peut parler aussi d'une forme de provocation. Derrière, je pense aussi, d'un autre point de vue, qu'en 2005, on en a vu par rapport aux émeutes, que ces armes-là de répression, Elles ont fait leur travail. Elles ont tué un peu les émeutes, notamment les gens qui ont été blessés physiquement par les tirs de flashball, parce qu'on sait que dans les quartiers populaires, en fait, les techniques de répression dans les mouvements sociaux, elles sont appliquées et testées presque en laboratoire, en fait, dans les quartiers populaires, de façon mais systématique et quotidienne. La France se vante d'être en pointe dans ces domaines. Et se vante notamment, Marie, exactement, au moment de la révolution tunisienne, c'est ça. Qu'on devrait utiliser les méthodes françaises et qu'on était prêt à aller les expliquer pour les services de sécurité tunisiens. Mais bien sûr, on parle aussi d'ailleurs de CRS qui sont partis à la frontière pour sécuriser la frontière vis-à-vis des migrants. en Grèce, je crois, il me semble que c'était en Grèce, donc même des accords en fait européens pour des opérations de maintien de l'ordre avec des polices particulières et des savoir-faire à la française qu'on place à chaque fois au-dessus des autres, notamment dans les opérations de maintien de l'ordre. Et pour en revenir du coup justement à cette violence un peu systémique et structurelle, c'est que dans les quartiers populaires, ça a marché, notamment par les gens qui étaient blessés physiquement, mais aussi en fait par les gens qui étaient blessés mais moralement, par tout ce qui a eu lieu, puisque en réalité c'est les gens qui subissaient la violence et c'est les gens en fait qui ont été placés comme des gens violents dans les médias, dans les discours des politiques, dans les discours de la police, et ils ont été criminalisés, et il y a eu du procès, des gens qui ont pris du ferme, et cette violence et cette répression, et bah 10 ans plus tard, on voit aussi un peu où elle conduit, parce que militer contre les violences policières, dénoncer les violences policières, 10 ans plus tard, l'état policier en face se durcit de plus en plus et radicalise d'une certaine manière les gens, puisque en réalité, de plus en plus de gens, là, et c'est ce qu'on voit un petit peu dans les rues, c'est vrai qu'un rassemblement, une manifestation, c'est quand même quelque chose qui se veut un peu unitaire, et que dans ces moments-là, c'est tout le monde qui prend la violence, et que du coup, les gens ont un autre regard et prennent conscience des violences policières, alors qu'on a l'impression que quand c'est dans les quartiers populaires, en fait, les gens sont totalement isolés et que ça n'a pas le même écho. Et je voudrais dire surtout aussi comment l'appareil judiciaire ne veut jamais reconnaître quand il y a des bavures policières. Je prends Ziad et Bouna, qui ont voulu se protéger dans un transformateur électrique, qui sont morts, et comment récemment ça a pris 10 ans d'essayer de faire condamner la police qui n'a pas apporté soutien, alors qu'on a les preuves au téléphone comme quoi ils savaient que c'était dangereux, qu'ils allaient mourir, et en fait ils ont été, la justice les a exonérés, et je trouve ça, c'est un signal de l'État qui dit aux flics, ben vous avez le droit d'y aller, quoi. Et je pense que depuis 10 ans, c'est ça qui mine totalement la société française. Et je m'aperçois que les socialistes mènent exactement la même politique que Sarkozy et qu'il y avait avant. Pour les plus vieux d'entre nous, comme Jean-Pierre et moi, je veux dire, c'est ce qui s'est passé avec Malik Oussekine et Pasqua, et c'est exactement pareil aujourd'hui. Et non, juste pour finir... ce que je veux dire, c'est que, en fait, je reconnais pas la bavure. Ce que dire qu'il y a une bavure, c'est ne pas reconnaître que c'est une violence, enfin que c'est structurel, une violence d'État. Et la police, elle est pas séparée de la justice, pas du tout. Et si la police se permet de faire ça, c'est qu'elle est soutenue par la justice derrière. Et en fait, c'est logique. Et voilà, juste la bavure, faut faire attention comment on emploie ce mot-là, parce que. Très bien. Eh ben, je vais vous remercier tous d'avoir été là, et les street medics pour leur travail en manifestation. Et nous, on va continuer et poursuivre, et on va voir ce qui se passe du côté de l'AG. Il a le timbre bien frais. Hier, ils m'ont donné un coup de bouclier. Ils ont voulu, avec mes valises, me jeter. On est encore là ce soir. Il faut tenir. Le 1er mai, on va se réunir. N'oubliez pas que nuit debout, c'est aussi le jour qu'on est debout. Alors, à vous aussi, et à vos mirettes. Une dernière annonce. Sur YouTube, il y a une émission qui s'appelle TV Debout et Radio Debout. N'hésitez pas à y mettre vos commentaires. N'hésitez pas à aller voir aussi tous les bénévoles dans l'humanitaire, des associations, pour leur dire qu'on en a marre de ce mensonge, qu'on en a marre qu'on nous matraque, qu'on en a marre de recevoir ce que les gaz font. Nous font pleurer, non pas de la peine, mais d'une guerre contre la misère. Alors que nos pleurs, eux, consolent ceux qui sont dans la misère et rester dans l'espoir. Merci de ton temps de parole. Parfait, tu as fait 2 minutes pile poil. On rappelle, c'est le 2 minutes le temps de parole pour tout le monde. On appelle maintenant la commission Restons debout. Restons, pardon. Radio debout. Sur Radio Debout, et on va écouter un reportage qu'on nous a envoyé de Rennes, justement une conversation avec autour du cas de l'étudiant qui a perdu son œil, et on va l'écouter tout de suite. Ça a été fait en MP2, un format qu'on connaissait pas jusqu'ici. Vous êtes sur Radio Debout en MP2. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, ou donner juste votre prénom, votre nom et votre âge? Je m'appelle Hugo Poidevin, Poidevin, et j'ai 23 ans. Vous étiez à la manifestation tout à l'heure ? Oui, j'ai fait toute la manifestation depuis 10h à Rennes 2 jusqu'à la fin, où on était encerclés par les CRS et la BAC ici même sur Charles de Gaulle. Et le début de la manifestation s'est passé comment ? Écoutez, jusqu'à tout le cortège s'est relativement bien passé. On n'avait pas encore eu de provocation de la part de la police. Et quand on a quand on est arrivé à nouveau vers les quais de République, avec évidemment la volonté d'aller dans le centre, hein, qui est un lieu qui nous avait été interdit par le préfet de manière qu'on trouve totalement injuste, déjà parce que c'est nier la liberté de manifester, et c'est privatiser un espace qui est tout aussi public que les quais de République et que les grands boulevards de la ville. Donc, du coup, on avait la volonté d'y retourner, et c'est là que les premières lacrymos ont été tirées. À ce moment-là, vous étiez à quel endroit du cortège ? À ce moment-là, moi, je fais partie des équipes médicales, donc je suis toujours très proche de la tête pour, au cas où il y a des blessés, comme on en a eu des centaines depuis le début du mouvement, et quand je dis des centaines, je mesure mes mots, puisqu'on compte avec la manif d'aujourd'hui 250 blessés sur Rennes, autour de 250 blessés sur Rennes. Depuis le début du mouvement ? Depuis le début du mouvement, oui. Donc on a mis en place des équipes médicales, donc on est toujours à côté de la tête de cortège. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où, juste avant le moment où... Très simplement, une charge extrêmement violente de CRS, comme on avait encore rarement vu, a poussé à part une centaine de manifestants sur une rue qui longeait la Vilaine, et en les tenant et les matraquant, en tentant d'interpeller énormément de gens. Et la Vilaine, c'est le fleuve. C'est le fleuve, oui. La Vilaine, c'est le fleuve qui traverse Rennes. Et à ce moment-là, plusieurs personnes s'éloignent. Enfin, si une partie des 100 manifestants écartés, une centaine de manifestants écartés, restent au contact avec la police, ne peuvent pas tellement s'en dégager de toute façon, une partie traverse sur une passerelle la Vilaine. Et là, les tirs de flashball commencent à fuser sur les personnes qui traversent la passerelle. Vous êtes sûr que c'est des tirs de flashball ? Absolument certain. Comment vous le savez ? Parce que depuis maintenant un mois et demi, on en prend à chaque manif. Donc on les entend, on les reconnaît, et surtout on récupère les balles de flashball. Et j'en ai même dans la main, dans les poches. On les récupère parce que, comme les grenades lacrymogènes, comme ça, on tient à avoir des preuves de ce genre de choses. Qu'on ne puisse pas nous accuser de mensonges et d'avoir inventé des tirs qui ne sont pas réels. Donc là, les tirs commencent ? Les tirs commencent. Et là, à ce moment-là... Un jeune étudiant de géographie de 20 ans se retourne et s'en prend une dans l'œil. Donc là, vous êtes là à ce moment-là Je suis là à ce moment-là, ouais. J'entends qu'on crie « Médic » et voilà, c'est le moment où on fonce là où ça vient pour soigner le blessé. Et là, on se rend compte que voilà, la personne a l'œil très, très gravement touché, voire à ce moment-là, on se dit il est définitivement perdu son œil. Donc on stoppe l'hémorragie avec des compresses, on le met à part, on prévient immédiatement les pompiers, qu'on fait le plus rapidement possible. Et là, durant plusieurs minutes, trop longues minutes, on tente de le maintenir éveillé en lui posant des questions. Il était conscient, il s'est battu pour ne pas sombrer dans l'inconscience, sachant que ça pouvait être dangereux pour lui de sombrer dans l'inconscience. Et voilà, on lui a parlé, on l'a maintenu éveillé. Et les premières questions... C'était est-ce que j'ai encore mon œil ? Et donc là, à l'heure qu'il est, on ne sait pas. À l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas si son œil est. Si on peut encore avoir une chance d'avoir ne serait-ce que 10% de vision sur son œil. Là, actuellement, les policiers démentent largement qu'il y ait eu des tirs de flashball. Ils affirment plutôt que ce sont des projectiles qui auraient été tirés par les manifestants eux-mêmes. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je trouve ces accusations scandaleuses. Scandaleuse pour plusieurs raisons. Déjà, dans la configuration dans laquelle on était, je vois mal comment quelconque projectile de manifestant potentiel pourrait atteindre quelqu'un qui est quand même se trouve loin de la manifestation, puisque la manifestation est très loin à ce moment-là. Les 100 personnes sont écartées, et voilà. Et surtout, on les voit, les tirs de flashball, nous, on les entend, on les reconnaît, ces sons. Maintenant, c'est la terreur de chaque membre de la manifestation et de l'équipe médicale d'entendre ces petits pompes caractéristiques du tir de flashball. On les entend, on les sent fuser, on les voit fuser. Moi, je fais partie des gens qui ont cette chance inouïe, qui sont plus en ligne depuis un mois et demi, qui n'ont toujours pas reçu de flashball, mais je les vois fuser autour de ma tête tous les jours. Moi, je vais aujourd'hui, comme des dizaines, des centaines de mes camarades, en manifestation avec un casque et un masque de plongée, non pas pour se masquer le visage, mais parce que... Et un foulard, non pas pour se masquer le visage, mais parce qu'on craint pour nos yeux, on craint pour notre crâne. Moi, j'ai soigné des dizaines et des dizaines de plaies ouvertes sur des crânes à cause de matraques, à cause de grenades lacrymogènes tirées illégalement en tir tendu, à cause de flashball envoyés dans les crânes. Là, ça fait des semaines qu'on sait qu'un accident comme ça, si la police ne continue de renforcer son dispositif répressif, va arriver. Voilà, aujourd'hui, c'est arrivé. Et c'est absolument atroce. De l'autre côté de la barrière, Bernard Cazeneuve a demandé au syndicat de condamner les violences qui avaient été perpétrées par ce qu'il nomme les casseurs, en sous-entendant bien entendu que c'est parce qu'il y avait eu de la violence de la part des manifestants que les policiers ont dû répliquer. Est-ce que ça vous paraît... est-ce que vous condamnez ces violences-là, d'une part ? Oui. Et effectivement, déjà une première chose, quand on est dans un contexte de violence sociale inouïe, quand un texte de loi qui est proposé va plonger la quasi-totalité de la population dans une précarité dangereuse, cette violence sociale, certes, on la voit pas comme un coup de matraque, mais on la sent. Et quand vous ajoutez à ça les coups de matraque, justement, la violence policière, le corps social a une réponse. Et cette réponse, elle est parfaitement normale. Moi, j'ai des étudiants qui ont 20 piges, ça fait un mois et demi qu'ils se font matraquer, gazer à chaque manifestation, alors qu'ils ne font que défiler. Comment voulez-vous qu'à un moment, ils aient pas cette rage de se sentir des victimes systématiquement de la violence policière? À un moment, ils vont avoir ce réflexe. Donc, ce que dit la préfecture en disant qu'il y avait 600 casseurs masqués et cagoulés, c'est simplement des gens qui étaient venus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec oui. des casques. Voilà, c'est pas... Moi, je veux dire... Je, c'est je... pas une volonté de détruire tout ce qui... Mais non, mais de toute façon, personne ne détruit tout ce qui tombe sur la main, ça n'existe pas. Les gens qui sont en manif sont là pour des motifs politiques. Ces motifs politiques, ils peuvent les amener à taguer une agence bancaire, comme ils peuvent les amener à scander des slogans. C'est les gens... Font ce qu'ils ont, ce qu'ils considèrent bon dans le mouvement social. Moi, je considère que manifester, c'est une très bonne chose. Et quand je vois la négation qu'on a aujourd'hui du droit de manifester avec cette violence policière, avec ces tirs de flashball, ces tirs de grenades, ces tirs de grenades lacrymogènes tendus, et cette répression comme on l'a aujourd'hui, je peux pas comprendre. Il y a rien qui justifie ça. Il y a rien qui justifie qu'on se trouve avec un étudiant de 20 ans qui perd un œil. Rien. Nous voilà de retour sur le plateau de Radio Debout. Donc c'était un reportage qui avait été produit sur les manifestations d'hier à Rennes qui ont dégénéré et à l'issue desquelles donc ce jeune a bien perdu un œil. On a appris aujourd'hui qu'il avait bien perdu son œil. Donc nous sommes ici sur le plateau de Radio Debout, nous sommes sur la place. L'antenne a été un peu longue à démarrer, mais elle a démarré à l'heure aujourd'hui, même en avance. Alors on était au téléphone, c'était mission commando parce que les CRS ne voulaient pas laisser passer la sono, les camions, tout ça. Mais nous sommes bien là. Il fait pas chaud, mais il fait pas froid non plus et on est content d'être là. Je suis avec Mathias et Natacha. Alors Natacha Canapé-Fontaine qui est poète, activiste, Inou, qui nous vient du Québec et qui va nous parler des modalités notamment de la lutte, des luttes amérindiennes au Québec. Bonsoir Natacha. Bonsoir Alice. Alors toi tu es une activiste écologique militante notamment. Est-ce que tu peux peut-être rapidement nous brosser un paysage des luttes dans lesquelles tu t'impliques? Mais déjà, en gros, au travers du Canada, il y a plusieurs luttes différentes, mais surtout des luttes environnementales, parce que l'identité Innu, l'identité autochtone, donc des Premières Nations du Canada, est intimement liée à celui du territoire, donc aux luttes environnementales. Et partout au Canada, en fait, les luttes autochtones sont vraiment très liées par rapport aux luttes au pipeline, donc à l'exportation du pétrole, des sables bitumineux, etc. Et dans nos territoires, au Québec, surtout, c'est contre, justement, depuis plusieurs décennies, c'est contre les compagnies forestières, contre les compagnies de barrages hydroélectriques et les compagnies minières aussi. Et donc dans les luttes dans lesquelles je me suis impliquée jusqu'ici, ça a été notamment une marche sur 700 km entre une ville au bas du fleuve qui s'appelle Kakuna jusqu'à Canessatake qui est une réserve autochtone tout près de Montréal. Et Canessatake a une histoire particulière parce que c'est à côté d'Oka. En 1990, il y a eu ce qu'on appelle une crise d'Oka, et c'est ce qui a brisé les relations entre les Québécois et les Autochtones à partir de ce moment-là, parce que la crise d'Oka, ça a été par rapport à une construction de terrain de golf sur un ancien cimetière ancestral Mohawk, donc de la communauté autochtone de Canessatake. Et à cette époque-là, donc avec toutes les relations qui se sont envenimées entre le gouvernement et les Mohawks, et ça a mené à une forme de guerre civile entre les Autochtones et le gouvernement québécois. Et donc, c'était par rapport à ça. Et en même temps, donc, c'est toujours par rapport aux territoires ancestraux, par rapport à l'exploitation des ressources naturelles. Et jusqu'ici, ça a été des blocus sur les routes. Ça a été donc des marches sur plusieurs milliers de kilomètres, et surtout jusqu'à Montréal ou à Ottawa, donc où se trouvent les gouvernements provinciaux et fédéraux. Et donc, les luttes sont encore très présentes sur le territoire aujourd'hui, et notamment sur les territoires ancestraux des Innus. Mais c'est des luttes qui appartiennent à toutes les nations autochtones du Canada. Justement, la crise d'Oka, c'est ça, ça, elle a débarré avec un blocage de pont, donc un grand pont qui menait à Montréal. Récemment, il y a eu, très régulièrement des blocages, des blocus de route. Alors est-ce que peut-être que tu peux nous expliquer comment fonctionnent ces blocus et sur quoi est-ce qu'ils aboutissent? Parce qu'au final, généralement, ils aboutissent. Au final, ils aboutissent. J'ai même l'impression que ça a l'air vraiment bien différent de comment nous, on prend les choses ici. Et puis, il y a aussi ça qui est intéressant là, dans ce que tu vas nous raconter. Oui, en fait, ce que j'ai observé jusqu'ici, c'est que les gens, donc on bloque une route. Et si je prends l'exemple du blocus de la route 138 sur la Côte-Nord, donc la région d'où je suis née, en 2012. Pour préciser, peut-être la route 138, c'est qu'elle traverse une région où il n'y a qu'une seule route, en fait. Donc, c'est-à-dire que si on coupe cette route-là, on ne peut plus passer. Ça fait des villes et des villages qui n'ont plus d'accès. Exactement. Et comme c'est la seule route qui mène vers le nord, donc sur la Côte-Nord et beaucoup plus loin, c'est la seule route qui va alimenter les chantiers des barrages hydroélectriques, par exemple, sur les rivières ou des compagnies minières, etc. Donc, si on coupe celle-là, autant on bloque la marche, donc l'alimentation des communautés qui habitent au-delà de... au-delà de Tadoussac, et on bloque aussi l'alimentation des chantiers. C'est ça, parce que les chantiers... l'économie du Canada et du Québec fonctionne beaucoup là-dessus, sur l'extraction minière, sur les chantiers électriques. Donc, c'est vraiment question d'aller taper au cœur le système financier capitaliste du pays. Exactement. Donc, quand on a bloqué, quand la communauté Innu de Wachat Magmalotenam a bloqué la route 138 en 2012 notamment, il y a eu un démantèlement après une semaine de blocage de route. Et donc, tous les jours, en fait, la méthode des Autochtones d'occuper une route et d'occuper donc, les barricades, c'est de construire des tentes, donc des tipis, on va dire, et de complètement former un campement là, donc de construire un feu et tout ça, donc de faire à manger et en même temps de bloquer les routes. On laisse passer les habitants de la place, mais on ne laisse jamais passer les camions qui alimentent les chantiers. Et donc, c'est déjà un pied de nez au gouvernement par rapport justement à l'exploitation des ressources naturelles sur le territoire ancestral des Autochtones. À un moment donné, ils viennent toujours par démanteler le blocus. Et après, Comment est-ce qu'ils le démantèlent? Ces répressions policières, c'est quoi? Mais répressions policières, brutalité policière, gaz lacrymogène. Et donc, les policiers forment une forme de gros bouclier humain. Ils foncent dans les manifestants, en fait. Et après, ils arrêtent les gens, ils arrêtent n'importe qui, puis après, ils les embarquent. Et donc, 2012, notamment, il y a eu ce démantèlement de ce blocus le 9 mars 2012, donc le lendemain de la Journée de la Femme. Et ce jour-là, c'était les femmes Innu qui s'étaient tenues par les coudes devant le blocus, devant les squads anti-émeutes qui débarquaient de Montréal à l'époque de la grève étudiante. Et donc, il y a eu plein d'arrestations. Et ces femmes-là, en fait, deux semaines plus tard, donc elles ont été détenues peut-être pendant 48 heures maximum. Et deux semaines plus tard, elles ont entrepris une marche sur 1000 km de Malioténam jusqu'à Montréal pour arriver à la Journée de la Terre, donc le 21 avril à Montréal, au moment où il y avait une grande manifestation qui était organisée déjà par plusieurs groupes environnementaux de Montréal, du Québec. Et donc, dans une manif de 300 000 personnes, qui est montée jusqu'à 300 000 personnes à l'époque, elles sont arrivées aussi sur la scène pour dire que les droits des Autochtones comptent aussi, et surtout dans les luttes environnementales. Et donc, ça a été une grande, grande réalisation. Mais jusqu'ici, elles ont mené donc, des procès juridiques et donc de 4 plus tard. Mais merci, on va repartir un petit peu à l'AG et on revient tout de suite sur le plateau. Petit indice, il y a un gars qui a parlé de l'antispécisme, il n'y a personne qui lui a sifflé dessus, alors que ce n'est pas franchement la lutte la plus populaire au monde. Ouais, désolé, vive la France indépendante, moi je suis belge, donc franchement, voilà. Et... Non, c'est chouette, quoi. Je voulais juste dire que... Ayez un peu confiance en vous, en nous, c'est cool, quoi. Voilà, merci, bonne soirée. Sabine, s'il vous plaît. Sabine. Bonsoir. Mon message va être très court aussi. J'aurais juste envie de vous dire, aimez-vous, c'est le plus important. Et que la différence, c'est ce qui fait notre force, et qu'il faut arrêter de regarder la différence des uns ou des autres. Au contraire, c'est ce qui va nous faire grandir, nous faire évoluer, et qu'on perd trop notre temps sur des questions de politique, et que l'amour inconditionnel, c'est le plus important. Aimez-vous, putain de bordel de merde. Aimez-vous. Moi, je vois tout ce qui se passe, et je suis hyper fière qu'il y ait la Nuit Debout. J'espère que ça va être aussi... que ça va toucher l'Europe et que ça va toucher aussi le monde, et qu'il n'y ait qu'une seule parole, et que cette parole, ce soit l'amour. Aimez-vous, que vous soyez noir, chinois, arabe, toutes toutes ces choses-là, on s'en fout. On est tous humains, on fait caca et on fait pipi de la même façon et on mourra de la même façon. Donc aimez-vous, bordel. Je vous aime. Merci. Merci. Ouais, bonjour, je m'appelle Julien. Je me présente, je suis un voyageur du monde du travail. Je fais des CDD, je suis un peu en galère comme beaucoup de personnes. Avant de commencer, je veux remercier les gens qui sont par terre. Parce que franchement, il faut être courageux pour ça. C'est clair que c'est un immense respect. Moi, j'avoue que j'aurais pas ce courage. Et je salue ça, parce que c'est quand même exceptionnel. Ça, c'est le vrai geste de résistance. Voilà. Maintenant, sur les changements politiques et tout ça, pour moi, c'est du pipeau. Droite, gauche, tout ça, c'est exactement les mêmes choses. L'économie, à l'heure actuelle, il nous dirige par le pouvoir de l'argent. Il nous oblige à faire des choix qui ne sont pas les nôtres. Il nous oblige à aller dans des directions qu'on pense être les nôtres. On croit avoir des décisions qui ne sont pas. On nous oblige à penser par la publicité, par la télévision, par tout un tas de choix où on croit qu'on fait des propres choix, mais ce ne sont pas nos choix. C'est des choix qui sont guidés. Et ce mouvement-là, il permet un petit peu de dire il existe d'autres possibilités, il existe d'autres voies que de faire ce qu'on nous dit, faire des études, faire un travail pour être à la retraite. Moi, dans mon milieu professionnel, je travaille dans le service public. Je le vois, il y a beaucoup de personnes à des niveaux politiques. Il y a beaucoup de personnes âgées. Ils ont fait leur carrière, j'en ai rencontré plein. Il y en a, ils ont 40, 50 ans. Ils arrivent, ils ont un cancer. Ils se retrouvent, ils vont mourir. Ils ont fait leur carrière comme on leur a dit, comme des bons toutous. Des bons toutous, j'ai bien travaillé, j'ai bien fait mes études, j'ai bien fait mon travail, j'ai cotisé pour ma retraite. Au bout du compte, bienvenue au cimetière. C'est pas ça la vie. La vie, c'est d'être heureux. La vie, c'est de profiter. C'est pas ce qu'on nous dit. C'est pas forcément l'argent, mais c'est déjà de pouvoir avoir un petit sentiment de liberté. Et c'est pour ça que je dis, ces personnes-là qui sont par terre, elles sont pas nombreuses, mais elles sont plus nombreuses que ce qu'elles croient, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont chez eux et qui partagent leurs idées, même si elles viennent pas ici. C'est déjà une grosse preuve de courage. Et je vous remercie pour tout ça. Voilà. Radio Debout, nous voilà sur le retour sur le plateau de Radio Debout avec Marilyn Monroe qui nous susurre des petits modos à l'oreille. Donc nous sommes toujours là avec Mathias et Natacha. Natacha qui est poète, activiste Innu, donc amérindienne du Québec. Et peut-être que justement tu peux nous parler, puisque nous sommes sous la bâche de Radio Debout, au micro de Radio Debout depuis maintenant presque un mois. Comment est-ce que ça se passe dans les communautés amérindiennes? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de radios communautaires. Alors qui est-ce qui les fait et à quoi est-ce qu'elles servent, ces radios? Mais les réseaux communautaires sur les communautés existent pour passer la musique, mais pour passer aussi des jeux de société qui se font le soir, et aussi pour passer la messe à l'église, aussi des trucs comme ça. Et aussi pour les gens appellent des fois pour avoir des infos de quelqu'un d'autre, donc on entend souvent un message toi Jean, il faut que tu appelles Aline à tel numéro. En plus, ils donnent le numéro direct, genre il y a aucune confidentialité, tout le monde se connaît, puis ils donnent juste les derniers 4 chiffres, donc le numéro de téléphone de la personne. Ouais, parce que mais c'est vraiment bien, puis c'est vraiment communautaire dans le sens que tout le monde y passe, tout le monde écoute encore aujourd'hui, les aînés surtout, nos grands-parents, il y a toujours la radio ouverte dans la maison et on entend la musique au travail. Donc, c'est surtout pour passer la musique Innu, parce que la présence de la musique autochtone dans les radios provinciales c'est presque inexistant, et donc c'est aussi une transmission, une forme de transmission de la langue, transmission de la musique folk, donc traditionnelle sinon, puis en tout cas plein de trucs passent par là. Mais justement, toi, t'es artiste aussi, et tu disais qu'il y a peu de présence culturelle autochtone, par exemple, dans les grands médias. Comment est-ce que tu conjugues ton action d'artiste et de militante? C'est simplement par la prise de parole. Après plusieurs années, à force d'avoir pris la parole dans les médias, après de mettre dans les manifestations aussi, moi j'ai commencé dans les manifestations publiques, et surtout pendant le mouvement I Don't Know More, qui est un mouvement social de réaffirmation identitaire, mais surtout par rapport aux luttes environnementales, comme je disais tout à l'heure. Mais donc, partout au travers du pays, on a voulu porter, on a eu quelques intervenants au Québec à avoir pris la parole souvent dans les manifestations, donc. Et c'est en faisant du slam dans les manifs que j'ai commencé à me faire connaître. Et plus tard, j'ai écrit des recueils de poésie. Mais mon premier recueil, par exemple, c'était beaucoup une recherche identitaire par rapport à si je suis Innu, mais qui je suis comme Innu, comme autochtone dans la société québécoise, mais dans une société qui n'accepte pas les autochtones dans l'intérieur même de sa société. Donc jusqu'ici, on a toujours été marginalisés. Et maintenant, comme j'ai l'impression que les gens aiment lire ce que j'écris, me posent beaucoup de questions. Aujourd'hui, après 3 ans, je suis travailleur autonome dans le sens que je travaille à mon propre compte. Donc, ça veut dire que je donne beaucoup. Aujourd'hui, à ce jour, je donne beaucoup de conférences au Québec par rapport justement à la relation entre les Québécois et les autochtones. Et jusqu'ici, donc, ma poésie est vraiment empreinte de politique parce que l'identité autochtone au Canada est entièrement politique. Et j'aimerais vraiment la décoloniser aujourd'hui et la dépolitiser. Quand tu parles de prendre la parole, c'est quoi ? Tu lis tes poèmes ? Ça prend plusieurs formes, j'imagine. C'est pas juste. Mais c'est simplement par l'affirmation, et jusqu'ici, ça a été beaucoup par des lectures de poésie en public, donc du slam aussi au travers de ça, et des slams très, très engagés par rapport à l'identité autochtone, mais par rapport aux luttes aussi. J'ai commencé comme ça. Avec le blocus 138, j'ai écrit un texte très, très, très engagé par la suite où j'avais besoin de porter la parole des femmes autochtones qui maîtrisent plus ou moins la langue française, et que donc les journalistes et le public québécois ne comprenaient plus ou moins le message lançait par rapport aux luttes environnementales et aux luttes autochtones. Et je me suis dit, comme j'ai grandi dans une ville et comme je maîtrise le français, je me dis, je pense que je peux écrire ou je peux faire du slam, et qui peut m'entendre, donc va comprendre enfin le message de ces femmes. Est-ce que tu nous lirais un poème, là, justement, on a ton recueil sous les yeux. Alors voilà, c'est un petit recueil qui s'appelle Manifeste Assis. Assis, ça veut dire terre en Innu, donc c'est un recueil qui est vraiment axé sur la lutte environnementale, hein, qui est un enjeu très très très important dans les luttes même sociales au Québec, hein, et pas seulement, et au Canada, et pas seulement chez les Amérindiens. Alors on t'écoute. J'ai pleuré la déesse. Ils construisent partout des pipelines, ils oublient, on s'appellera bois de pétrole, vagin de Javel. Tu veux mon pipeline dans ta bouche, diraient les autres, si ce n'est pas moi. Oui, j'irai manger Enbridge et tous les autres sales carboneux parce que j'ai famine de vivre. 5 puis 6 millions dans la ville, les personnes m'appellent entre ton corps et le bout de ton bras. Tournons en round dance ensemble. Tiens fort ma main dans l'herbe noire sous la nuit, je chanterai jusqu'au lever soufre du jour ténébreux. Ma terre brave, j'ai noir éclaté. J'ai noir fumé dans l'herbe, été le cœur dans les mains dans la terre. J'ai entendu battre le tien jusqu'à la. On est de retour à l'antenne. Radio Debout. Et donc nous sommes toujours à Radio Debout, nous sommes toujours sur la place de la République. Nous n'avons pas migré, nous ne sommes pas dans une taupe volante magique qui nous téléporte. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Alors, eh bien, voilà. Eh bien, c'est mystère. Voilà. Ah bah oui, bah voilà, eh bien. Donc on revient sur le plateau avec Natacha. Quand nous t'avons perdu, quand nous avons perdu le bruit des micros, Natacha, tu étais en train de nous parler de ton sentiment sur la place. Et tu disais que ça te faisait du bien, ce que tu voyais ici, que toi t'avais assisté à beaucoup de luttes, que ce soit des luttes québécoises, autochtones, et donc des luttes qui communiquaient aussi différentes façons de voir le monde. Et donc voilà, donc, qu'est-ce que ça te fait d'être ici ? C'est exactement ce que je disais, c'est que ça me fait vraiment du bien de sentir cette énergie à nouveau, parce qu'à un moment donné, quand tu fais partie de plusieurs luttes ou quand tu assistes à plusieurs occupations, c'est comme je disais, en fait, je pense qu'au final, l'être humain a vraiment besoin de se retrouver ensemble, de vivre dans une société qui lui ressemble plus en tant qu'être humain, parce qu'on vit quand même aujourd'hui dans un monde où on déshumanise complètement l'être humain en tant que tel, et on n'a jamais l'occasion, en fait, de dire qui nous sommes dans le sens de être, et je pense que c'est des milieux comme la Place République aujourd'hui, comme la Nuit debout, c'est des milieux où on dit ce besoin d'être, et les gens se retrouvent entre eux, et c'est là. Vous êtes toujours sur Radio debout qui survit à tous les bugs informatiques, Radio Debout, qui malgré ça est encore là, malgré la pluie, malgré le froid. Et on reprend l'antenne avec le téléphone pour celui qui veut prendre l'antenne. Arthur. Et oui, on recommence comme au début de la soirée, on n'est plus que sur le téléphone. Tu veux peut-être dire au revoir à notre chère invitée, poétesse. Oui, hein, alors merci beaucoup Natacha d'avoir été là ce soir. Au revoir. Au revoir, oui, à la prochaine. Comme je disais, je rapporte cette énergie au Québec dès demain. Je repars demain et je ramène ça à Montréal. Puis je continue la lutte ailleurs, mais je vous soutiens jusqu'au bout. Mais justement, en plus, il y a une nuit debout à Montréal qui a eu lieu la semaine dernière, qui a eu lieu peut-être ce soir en ce moment même, hein, je crois. Donc, comme quoi, les nuits debout sont partout, de part et d'autre de l'océan. Ah. Voilà. Excuse-moi. Non, c'est pas l'AG. On entend l'AG. Il y a maintenant des gens qui chantent à l'AG. On a un collaborateur régulier qui vient régulièrement, qui a forgé notamment l'expression le Panama Pipo. Hein? On m'entend pas. Je suis pas à l'antenne apparemment. Nuit debout, nuit debout. Nuit debout, nuit debout. Je voulais te voir kiffer une fois à la nuit debout. Pluie debout, pluie debout. Pluie debout, pluie debout. Ouh, pluie debout, pluie debout. Et voilà, bonne soirée, rentrez bien, à demain. Messieurs, mesdames, je voulais on tous est vous sur Radio Sachez Debout. Qu'il faut tenir bon. On a un collaborateur régulier qui vient souvent nous rejoindre quand ça lui chante. Il a une casquette bleue. Et il a son petit casque sur les oreilles et il a son petit billet d'humeur de ce soir. J'espère que ça va marcher. J'espère aussi. Alors une chronique de l'entremonde, oui, car nous sommes ici entre un rêve d'ultramonde, le goût de poulet yassa en plus, et un projet d'altermonde, l'odeur du lacrymogène en moins. Remarque de moins en moins valable ces jours-ci. Et pour cette sixième chronique, j'aimerais revenir sur un mot, anthologie. Il y a quelques jours, Nicolas Sarkozy décrivit les participants de Nuit Debout comme « n'ayant pas de cerveau ». Et avant d'ajouter, la démocratie, ce n'est pas insulter les citoyens. Alors, cher monomandat, nous avons chacun notre don. Oula, si ça s'envole, je suis perdu. Merci. Nous avons chacun notre don, justifiant plus ou moins notre existence terrestre. Le vôtre est d'électriser une assemblée de cartes vermeilles à tendance bleu marine. Le mien est de faire rire une troupe frigorifiée en vous mettant une praline. Cela faisait un moment, depuis le casse-toi pauvre con, que je vous vois vous débattre dans une éloquence médiocre. Sans doute la plume d'Henri Guénaud aurait-elle dû rester dans son... Il est temps aujourd'hui de vous venir en aide. Laissez-moi, et c'est une première dans l'histoire de la radio, vous proposer une anthologie de la vanne. Alors, si l'on part de votre « rien dans le cerveau », cela place le curseur au niveau CM1. Et t'as rien dans le cerveau ou quoi ? Je vais jouer le jeu et remonter avec vous quelques années plus tôt, en faisant peut-être l'impasse sur les années maternelles dont le caca-boudin ne nous aidera pas beaucoup à progresser. Les années primaires se caractérisent par une volonté d'affirmer le soi, le moi, le surmoi, etc. En CP, toi-même. En CE1, c'est celui qui dit qui est. En CE2, miroir incassable. En CM2, télécommande anti-miroir. Bon, on n'avance pas beaucoup, mais cela nous permet d'arriver au collège où la formulation se complexifie, le second degré prenant le pas sur l'attaque directe. En 6e, je tape pas dans la crotte, ça éclabousse. En 5e, t'aimes bien la nature, ben dis donc, t'es pas rancunier. En 4e, arrivée des langues mortes. Espèce d'hydrocéphale. En 3e, aime tes parents et son frère et sœur, puis vient l'inspiration du lycée et ses figures de style. En 2e, la métonymie, parle à ma main. En 1ère, l'hyperbole. Aime t'es tellement moche que la transpiration elle va derrière pour éviter ton visage. En terminale, c'est l'arrivée de la philosophie, et là, tout bascule, c'est la découverte de l'ultime, le parfait, le Top Gun de la diatribe, Diogène et son « ôte-toi de mon soleil » à Alexandre le Grand et autres perles de l'Antiquité, époque bénie où les gens savaient articuler deux mots sans faire surchauffer les cortex pantois. J'aurais pu aussi mentionner le « ouais, je sais, je suis peut-être comme ça, mais moi au moins j'ai pas gna gna gna », ce qui donnerait avec vous « ouais, d'accord, je me suis fait larguer, mais moi au moins le soir de mon élection, j'ai pas fini tout seul dans ma limousine avec Mireille Mathieu ». C'est méchant, C'est perfide, je sais, et toutes mes excuses. Difficile de parler de vous sans mentionner les actes fondateurs de votre amour pour autrui. Non, parce que, désolé, mais vous avez quand même demandé en mariage votre femme à Disneyland, alors je n'ose imaginer la Numba qui a suivi, soirée mousse avec Mickey et qui sait, nuit de folie au parc Astérix. Bref, cher Nicolas, il va falloir mettre les bouchées doubles en 2016 pour revenir jouer dans la cour des grands, raviver la flamme de la com et passer au Karcher la verve des Hauts-de-Seine. Cela vous permettra de vous élever, les talonnettes ne servant qu'à vous voir dépasser du pupitre. Puisque l'on parle d'élévation, j'ai noté qu'un autre cerveau a besoin de vos lumières, celui de votre fils Jean, renvoyé d'Hippocagne, recalé de l'ENS, recalé deux fois en doc de droit, et puis finalement recalé au barreau de Paris. Alors dans l'autologie du con, au dos, il y a cette maxime en lettres d'or, « Les cons, ça ose tout », c'est même à ça qu'on les reconnaît. Surtout, cher Nicolas, tentez toujours de nous surprendre, et nous continuerons à rire. Radio de fou. C'était Simon sur Radio Debout pour son petit billet d'humeur quand il a envie. Et on retrouve Arnaud avec la commission... La commission Hugo. Hugo, donc l'une des personnes que j'ai croisé en premier sur la place il y a une quinzaine de jours, qui a pris un petit peu de champ. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Alors est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé entre le moment où je t'ai croisé et où tu étais en train d'inscrire des noms et de prendre des emails? Il y a quoi, il y a 2-3 semaines et aujourd'hui? Ça risque d'être long, mais on va essayer de résumer ça. Aujourd'hui, on est parti sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont été faites, malgré ce qui peut être vu par certains, mais bon, en soi. Beaucoup de choses ont été faites. Et ces histoires de mails sont en train d'être... on est en train de décider comment les traiter. Déjà, on en est là, mais tout ça s'est passé dans le global web, dans la team numérique. Donc quelque part, on n'a plus vraiment trop les mains là-dessus, et on n'est plus vraiment trop au courant de ce qui se passe. On a nos réunions, on a des personnes à l'intérieur de la coordination qui permettent de savoir ce qui se passe. Mais bon, après, aujourd'hui, personnellement, je ne peux pas t'en dire plus. Tu as fait une pause pendant Nuit Debout, alors que tu étais très impliqué. Quel regard est-ce que tu as après ce retour à Nuit Debout? J'ai un regard très positif, parce que... je reviens, il y a plus de monde, et c'est la vérité, il y a plus de monde, donc il y a plus de monde impliqué. Beaucoup de commissions sont créées, on a perdu le fil, mais on en perd le fil. Si on rate ne serait-ce qu'un jour, il y a des choses qui se passent, donc à l'arrivée, c'est pour ça qu'on est beaucoup et qu'on fait notre roulement. Et que ça, moi je pense que ça va bien, ça va bien. Ça va bien, comme dirait un certain François. Comme dirait un certain François, je sais pas, parce qu'on ne doit pas dire pour les mêmes raisons. Je pense pas que pour lui, à Nuit Debout, ça se passe bien. On l'entend dans les médias classiques, hein. c'est pas le maître mot en tout cas. Par rapport à l'organisation, justement, je me demandais quel regard maintenant tu portes sur l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui, par rapport à justement la façon dont les choses se sont organisées au tout début. Est-ce que tu trouves que ça s'est métamorphosé? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus... vertical, horizontal, quel regard tu portes sur ces choses? Pour moi, il n'y a pas quoi que ce soit de vertical. Je ne sais pas trop. Il y a beaucoup de choses qui se racontent. On n'est pas. Pour moi, on essaye de faire quelque chose d'horizontal. Et je dis bien on essaye, c'est-à-dire que ça prend son temps. À la base, c'était pas prévu. Tout ce qui se passe n'était pas prévu, personne n'a vraiment imaginé ce qui allait arriver avec les Nuits Debout. Et donc, par conséquence, aujourd'hui, on tente de discuter entre nous pour éviter que ce soit vertical. Et je pense qu'on y arrive plutôt bien. Et effectivement, il reste toujours des intercoms, d'accord, pour qu'on discute avec les gens qui sont là depuis le début. Et ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas présents, on essaie de mettre tout le monde, avec les outils informatiques, de mettre tout le monde dans les boucles, histoire que tout le monde reste connecté. C'est un véritable effort, mais ça avance. Par rapport à votre petite bande, votre petit groupe qui était présent au début, est-ce que tout le monde est encore là? Effectivement, tout le monde est encore là, mais pas forcément physiquement sur la place. Certains, par rapport au travail qu'ils ont, font qu'ils sont obligés de s'absenter 2 semaines. C'est le cas de certains chez nous, en tout cas. Après, je ne vais pas parler pour les autres commissions, etc., parce que je ne suis pas intégré aux autres commissions. Mais tout le monde est encore, enfin tout le monde est présent, tout le monde adhère à l'idée, donc quelque part pour moi on ne perd pas en nombre, justement on en gagne. Il n'y a pas de démobilisation en tout cas chez les gens qui agissent quoi, qui cherchent à faire avancer Nuit Debout quoi. Est-ce qu'il y a des liens qui sont créés avec les Nuits Debout un petit peu partout en France ou est-ce que vous restez Nuit Debout République? Ah, nous restons, pour l'instant nous sommes Nuit Debout Paris, et nous resterons Nuit Debout Paris. Nous ne sommes pas Nuit Debout Générale, même si ce qui se passe à Paris par rapport à la France, et surtout avec le calendrier actuel, ce qui se passe à Paris est très important, s'il faut le dire, mais on reste quand même bien en contact avec nos amis des autres Nuits Debout, et de plus en plus, et par les outils informatiques encore une nouvelle fois, parce que ça se développe vraiment. Et donc nous finalement notre rôle qui était à la base plutôt général sans trop savoir où on allait peut vraiment se concentrer par rapport à la Nuit Debout Paris. Et justement par rapport à Nuit Debout Lyon et Nuit Debout Bruxelles qui se sont organisées aussi et toutes les Nuits Debout à travers le monde, est-ce que vous avez partagé des informations, est-ce que vous vous êtes échangé des astuces d'organisation, des astuces de gestion ou des astuces des gens même qui se sont envoyés là-bas? Je pense aux premiers instants de la Nuit Debout de Paris, il y avait des gens de Madrid qui étaient venus un petit peu qui parlaient justement de comment ils avaient fait à Madrid pour éviter certains écueils dans lesquels Nuit Debout aurait pu tomber assez rapidement. Et est-ce qu'il y a eu ces choses comme ça qui se sont un petit peu partagées ou est-ce que toutes les Nuits Debout qui se sont créées, à ton avis, sont indépendantes de République Alors, toutes les Nuits Debout se suivent entre elles. Comme je dis, par les outils informatiques, elles se suivent entre elles. Maintenant, par rapport à ces conseils, comme tu disais, par les gens de Madrid, on a toujours été en contact avec les indignés, avec Occupy, avec certaines personnes qui étaient actives dans ces mouvements-là, qui continuent à nous donner des conseils, qui continuent à nous donner des infos, de dire tiens, c'est bien si vous essayez de ne pas vous énerver, perdre du temps de réflexion là-dessus et passer sur... prenez du temps, gardez votre temps de réflexion, de tête disponible pour avancer sur d'autres sujets. Et ça c'est en permanence, c'est un roulement permanent. On est toujours en contact parce qu'ils nous suivent, ils regardent, ils ont des informations et puis ils nous parlent quoi. Alors, est-ce que tu as suivi un petit peu les gens d'Occupy qui sont venus à Nuit Debout? Est-ce que tu as suivi un petit peu ce qu'ils ont publié en ligne par exemple, les tweets, les... Personnellement non, je veux dire la vérité, pas tout à fait. Après on a reçu quelques mails pour la coordination, on a reçu quelques mails que j'en ai lus, quelques-uns. C'est vrai qu'après voilà, ils nous disaient de nous concentrer sur des sujets plutôt politiques, chercher dans l'organisation. Enfin, ça rentre dans un truc assez technique. Je sais pas comment dire. Après nous on a vraiment notre méthode, elle se fait plus ou moins au jour le jour aussi. On a des plus actifs que d'autres, mais en soi, on commence à vraiment se faire confiance. Et comme tout fonctionne de cette manière-là, en tout cas pour l'instant, Nuit Debout fonctionne à la confiance, c'est là où on gagne. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez incroyable, la façon dont ce mouvement a de s'organiser sans staff, sans directeur, enfin même s'il y en a un petit peu, mais le simple fait d'arriver, de demander est-ce que quelqu'un organise ça et de s'entendre répondre, bah oui, toi peut-être si tu as envie de le faire, du coup c'est quelque chose d'extrêmement dynamique quoi. Et du coup ça m'amène à repenser à des articles que j'ai vus ce matin et hier, dont un publié par Challenge et un autre par Le Figaro qui sont en train de transmettre le message du fait que la Nuit Debout aurait été finalement quelque chose d'organisé par Frédéric Lordon, par François Ruffin, en tant que leader caché un petit peu, comme une espèce de une nouvelle théorie du complot par rapport à ça. C'est des articles que je trouve extrêmement à la fois inquiétants mais très drôles aussi, parce que du coup ils sont complètement à côté de la plaque, mais ce qui m'inquiète c'est que c'est quelque chose qui peut se répandre assez facilement en fait, parce que on a l'impression que ce mouvement qui se construit sans leader, les médias leur cherchent un leader quoi qu'il arrive quoi. Voilà, je voulais savoir ce que tu en pensais de ça, toi, par rapport au fait de leader. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? On vit dans une société qui est verticale. Donc, par conséquence, naturellement, les médias classiques, on va dire, cherchent une tête. Ouais, voilà. Ils cherchent des têtes. Alors, c'est notre maître mot depuis la base, quand même, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tête, qu'on ne puisse pas identifier de tête. Alors, j'essaie de rebondir sur le fait de ces articles-là que tu parlais de Challenge et de Figaro. Figaro ouais. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que effectivement, je sais que c'est une inquiétude qui est partagée par pas mal de monde ici. On le voit passer. J'en entends tout le temps, moi qui fais le tour de la place en permanence, qui essaie de discuter le plus possible avec le plus de gens possible. C'est une inquiétude qui revient. Maintenant, effectivement, comme on fonctionne, le dynamisme, c'est tu veux faire quelque chose, bah tu peux le faire. Donc par conséquence, les gens qui font des choses et il n'y a pas besoin de se référer à qui que ce soit, ouais. Et encore moins Lordon ou encore moins Ruffin. Ils sont là comme, c'est des personnes qui sont présentes, qui sont autour, qui gravitent, avec qui certains échangent pour aller chercher, je sais pas, peut-être des conseils pour avancer, voilà. Maintenant, est-ce que c'est eux qui dirigent quoi que ce soit? Absolument pas. Oui, c'est même impossible en fait. Par la nature de Nuit Debout et de comment ça fonctionne, c'est impossible, tout simplement impossible. Okay. Alors nous n'allons pas lire Challenge, ni Le Figaro, ni un autre média. Nous allons simplement faire une balade proposée par Camille sur la place de la République. Départ pour 3 minutes. Je m'appelle Régis, mon pseudo c'est Dugudus. Je vais commencer à imprimer une affiche en sérigraphie, donc en direct, pour que les gens en fait, ils voient déjà ce que c'est que la sérigraphie, la technique d'impression, et puissent repartir avec une affiche qui est une affiche politique. En fait, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait une sur la loi travail, qui est là, qui représente un cochon qui est en train de bouffer un code de travail. Et là, celle-ci que je vais imprimer ce soir en direct, ça représente le bonhomme du Monopoly qui s'est en train de se barrer avec le code du travail entre les mains, mais qui est rattrapé par trois fléchettes, dont une y a marqué étudiant, l'autre chômeur et l'autre travailleur. On a un rôle qui est essentiel dans ce genre de mobilisation pour qu'elle soit visible, pour qu'elle soit comprise et pour que les images soient réappropriées par les organisateurs et les gens qui participent à ces mobilisations. La musique, c'est un moyen de faire en sorte que les gens se rencontrent et qu'il puisse y avoir du lien social à travers ça. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des musiciens un peu partout sur la place de la République et ailleurs, dans Paris aussi. Là, je suis juste à l'entrée de la place de la République. Et un groupe de garçons qui peignent sur le sol en lettres géantes, en la peinture bleue, « Bienvenue en démocratie ». Ils pensent nous faire avaler qu'on est tous rikiki, qu'on est des rikiki ratatinés tout rétrécis, des rikiki. Alors ça, c'était un atelier théâtre, j'ai pas osé les interrompre, mais c'est tous les jours à 18h30 et c'est un texte de Benjamin Collin qui s'appelle « On n'est pas rikiki », vous l'aurez compris. Là, tu portes un panneau, commission poésie. Qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est de faire de l'art et du politique, de créer de l'imaginaire, de la beauté, de la réflexion, avec des mots qui peuvent être tendres, crus, on ne sait pas encore. On est en train d'organiser, en fait, actuellement, le mouvement. Donc, l'idée, ça serait de faire des textes communs, de pouvoir les déclamer, les distribuer en manifestation, de faire circuler l'écrit, en fait. Son système techno versus guitare acoustique, voilà ce que ça donne. Alors là, juste devant moi, il y a un monsieur qui tient un écriteau avec écrit en anglais « A poem on demand », ce qui veut dire un poème à la demande. Eh ben, je vais lui demander un poème. My name is Simon. I came from Czech Republic. The 1st of April, I accidentally hitchhiked to Paris and like the second day I was there, one guy told me about this movement, this Place de la République. And I there like last 6 days, I'm there and write for people poetry or recite them. Can you give me a short poem? Okay. Three bananas laid in a box. First banana, fourth. I'm in a box. Happily I can ripe and rot. Radio debout, radio debout, radio debout. Radio Debout. Radio Debout en direct de la place de la République. Il ne pleut plus trop sous notre bâche. Nous allons tout de suite en direction de Lille. Allô Nicolas ? Oui, bonjour, bonsoir. Et chez nous, il pleut pas du tout à Lille. Ah, vieux mythe alors. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu te trouves actuellement, Nicolas ? Eh ben, je suis juste devant le Théâtre du Nord qu'on occupe encore ce soir, cette nuit. On a voté ça en Assemblée Générale ce midi, après une grande discussion avec le directeur Christophe Rock qui dirige cet établissement. Ça fait combien de temps que vous occupez ce théâtre ? Depuis lundi. Et qu'est-ce qui s'est produit comme échange avec les autres théâtres en France hein, et les autres occupations ? Nous, on se tient au courant, bien sûr, de tout ce qui se fait à Montpellier, Bordeaux, Strasbourg, Bordeaux, ouais, etc. quoi. Alors, j'ai... Non, je t'en prie. En fait, il y a eu une belle action hier, parce que c'était les manifestations contre la loi travail. Et on a fait une action avec les étudiants, avec les syndicalistes, avec les gens de Nuit Debout. On est allé au centre des impôts de Lille. Et on a parlé de l'exil fiscal de ce que les paradis fiscaux et l'exil fiscal en France pourraient financer la protection sociale, au moins une bonne partie, et que la dette publique qui vient d'une dette privée, c'est à nous à la payer, alors que ce serait aux entreprises et aux grandes banques de payer leurs impôts en France. Alain Nicolas, du coup, vous êtes en ce moment combien dans le Théâtre du Nord ? Ah là, on est un petit groupe parce qu'il y a des gens qui jouaient ce soir, on est une quinzaine. Ok. Et il y avait aussi des spectacles ce soir, donc à chaque fois, il y a des annonces sur le mouvement qui est en cours. D'accord, donc vous arrivez à cohabiter avec les spectacles qui s'y passent ? Oui, tout D'accord. à fait. Ok, très bien. Et vous êtes que des intermittents ou vous êtes aussi des précaires plus généraux ? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'intermittents et toutes les autres nuits, c'était avec des étudiants qui sont aussi en lutte, avec des précaires aussi, bien sûr, avec les gens de Nuit Debout aussi. Et est-ce que vous êtes menacé d'expulsion ? Vous avez eu des contacts avec les autorités ? Vous avez ce qui s'est passé aujourd'hui à l'AG, c'est que... Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Allô ? Vous m'entendez toujours ? Oui, oui, on t'entend. Ouais. Alors ce matin, le directeur est venu me voir et me dit je veux que vous partiez. Donc on a soumis ça en AG, on a discuté de ça. Parce que lui, je pense qu'il subit des pressions de la part du préfet, de la part de la maire, Martine Aubry, de la part du ministère pour nous voir partir. Parce que je pense qu'ils ont un peu peur du mouvement qu'on a mis en route et surtout de la conjonction avec les autres luttes, avec les étudiants, avec les syndicats contre la loi travail, avec les gens de Nuit Debout. Alors Nicolas, on est précisément sur la place de République avec autour de notre table, studio Radio Debout, côté d'Hugo qui fait partie de ce grand mouvement Nuit Debout. Hugo, est-ce que tu as une question à poser à Nicolas par rapport à cette convergence des luttes, cette occupation ? J'aimerais savoir tout simplement, bonsoir Nicolas, c'est ça ? C'est Nicolas. Oui, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Ça fait plaisir de t'entendre déjà. Plaisir que des camarades soient aussi actifs, parce que ça, on en a besoin partout en France. Comment ça se passe chez vous, tout simplement, au niveau des Nuits Debout ? Comment ça s'organise autour pour vous à Lille ? Je dirais qu'il y a une belle conjonction qui s'est faite la première soirée où on a occupé lundi le Théâtre du Nord, parce que nous on avait un temps pourri, il faisait hyper froid, du coup ça a été un bon repli pour eux pour venir faire des assemblées générales unitaires avec les gens de Nuit Debout, avec les étudiants, avec les intermittents. On a fait ça lundi soir, mardi soir, mercredi soir. Jeudi, il y a une superbe assemblée générale juste devant le Théâtre du Nord. Parce qu'à la suite à la manif, en fait, il y a un groupe qui est venu nous rejoindre au Théâtre du Nord. Ça a été bloqué par les CRS et du coup, on a dû négocier avec les RG et les CRS qui partent. Et en affirmant que les gens n'allaient pas rentrer dans le théâtre, mais qu'on allait faire une assemblée générale devant le Théâtre du Nord. On s'est retrouvé à 200-300 personnes devant le théâtre où chacun, en tout cas chaque mouvement a pu prendre la parole librement quoi. Et ça s'est réalisé donc. Ça s'est super bien passé quoi, parce que c'était hyper tendu. Moi j'étais à l'intérieur du théâtre et le directeur venait de rentrer de tournée. Du coup, on était en réunion, rencontre sur notre occupation. Et quand j'ai vu ce qui se passait devant le théâtre, j'ai dit non, il faut arrêter ça, il faut aller dehors et il faut aller parler aux gens. Il faut surtout calmer le jeu parce que ça devenait violent, quoi. Bah, grand merci Nicolas, on reviendra vers vous dans les jours à venir. On va tout de suite remercier Hugo, on va te laisser repartir vers où est-ce que tu es en ce moment physiquement sur la place de la République. Merci à vous, bonne soirée. Merci Nicolas. Donc nous pour l'instant, là je suis en compagnie de Jocelyn. Jocelyn est pas du tout là, tu ne l'as à peine regardé pendant l'interview. Voilà, tout à fait, mais je suis en compagnie de Jocelyn qui est avec moi, effectivement à la coordination, et en ce moment nous sommes stationnés à l'accueil pour tout simplement pour informer les gens un minimum de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe actuellement et ce qui se passera plus tard. J'ai vu qu'on nous distribuait un petit bulletin maintenant, un bulletin de l'accueil de Nuit Debout. Qui vous coûte cher apparemment. Effectivement, oui, le bulletin nous prend un peu de budget à l'impression, c'est la réalité, mais effectivement il est extrêmement bien organisé, il permet d'être clair sur deux pages, ça permet de savoir à quelle heure les commissions se rejoignent pour discuter, donc vraiment parler de fond, tout ce qui est le fond, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment le temps de parler forcément en AG ou le soir, donc ça s'organise généralement en fin d'après-midi ou dans l'après-midi. Un grand merci Hugo, bon retour vers l'autre rive de cette place de la République et nous partons à Auch. Samedi 23 avril 2016, Nuit Debout Auch. Et nous sommes en Basseville sur le rond-point de, on le nomme ici la Patte d'Oie. À 11h, rassemblement à la Patte d'Oie pour exiger la séparation du MEDEF et de l'État. Est-ce que vous pouvez m'expliquer tous les deux qu'est-ce que vous faites là ? Patte d'Oie, tout simplement parce que toutes les banques sont rassemblées, pratiquement toutes, sur cette zone. Et donc on veut dénoncer les évasions fiscales qui ruinent la population. Alors aujourd'hui, l'action elle est organisée par le mouvement Nuit Debout, qui est né vraiment jeudi 21 avril ou 52 mars, ici localement à Auch. Et donc le slogan là qu'on a devant nous, qui est affiché sur la vitrine d'une banque voleuse, la Caisse d'Épargne, c'est séparation du MEDEF, des banques et de l'État. Ben, moi je suis Vincent, j'ai 26 ans. Merci. Moi je suis en cours d'installation agricole, en bio. Concrètement aujourd'hui, je suis venu à un rassemblement de jeudi soir à Auch. Parce que je trouve que c'est un mouvement alternatif qui dénonce un système dans lequel on ne peut plus vivre. Et pour ma part, je trouve que ce mouvement est intéressant parce qu'il peut apporter des solutions et pas faire que critiquer. Et donc c'est un mouvement pacifiste qui n'est pas partisan, où il n'y a pas de drapeau, on est juste citoyen et on peut s'exprimer en tant que tel. Et donc la Nuit Debout à Auch, tu peux nous expliquer un peu quand est-ce qu'elle a commencé et comment ? Alors, la première Nuit Debout, elle a eu lieu jeudi dernier. Et on a eu à peu près 200 personnes, on va dire, au plus fort de la soirée. Et puis on a décidé, donc en Assemblée Populaire, de se réunir ce soir, samedi, sur la place de la Cathédrale à Auch, pour une nouvelle Assemblée Populaire et un petit peu de discussion autour des différents ateliers, commissions qui ont pu être montées jeudi dernier. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai aperçu depuis le début du mouvement Nuit Debout à Auch. Ouais. Alors qu'est-ce que vous cherchez dans ce mouvement ? Il y a une prise de parole qui est donnée à tout le monde. Ce mouvement-là, il redonne la parole au peuple avec toute sa diversité au sens large du terme. Des gens de banlieue, des gens, il me paraissent un mouvement sain, fédérateur. En plus, entre parenthèses, moi-même qui est étranger, qui est marginalisé par le système et par la bureaucratie administrative, je connais le calvaire des étrangers par rapport à la préfecture et tout ça. Il y a beaucoup d'humiliation. Donc, moi, je porte la parole de... J'essaye pour de sans voix, hein, comme je fais partie malheureusement, il y a plein d'autres à cause qui sont marginalisés par le système. Donc, je pense que ce mouvement-là, il a donné la parole sans voix, quoi. Et aux oubliés, aux gens qu'on met à la marge, quoi. Donc, ça m'a donné l'occasion d'exprimer ma voix et d'être présent et mon refus de la case où ils veulent me mettre, quoi. Voilà, et donc je souhaite que ce mouvement-là avance et s'élargit. Donc là, je pense que c'est le peuple qui reprend la parole et qui reprend les places publiques aussi. Hein. Voilà. Bon. Bah, merci beaucoup. De rien, j'essaie de dire ce que je pense. Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville qu'elle fait trop chaud, hommes et femmes sont assoupis et regardent. Vous êtes bien sur Radio Debout. Et on remercie Pierre qui nous a envoyé ce reportage de Auch. Le 1er mai, ce dimanche, nous serons en direct pendant 12 heures. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos documentaires, reportages, sons, jingles, cris, ce que vous voulez sur radiodebout@gmail.com. Et donc, magnifique équipe, bravo, quelle animation. Nous recevons une équipe aussi, un vieux couple, ils se connaissent depuis au moins, je sais pas, ça fait 15 ans que vous connaissez à peu près. Donc on fait comme les vrais journalistes qui n'ont pas écouté votre disque. Donc nous recevons Julien et Natacha. Donc Julien Després, Natacha, qui vont nous faire une improvisation qui vient d'Australie, c'est ça ? Non, nous jouons aux vrais journalistes. En fait, moi, je suis Inou de Québec et je vais chanter un chant, c'est ce qui s'appelle un chant de la femme forte qui est connu partout en Amérique du Nord, de plusieurs femmes autochtones. Et nous recevons le chanteur auvergnat Julien Després. Ouais, j'ai grandi à Clermont-Ferrand et je vais accompagner Natacha que je connais depuis 25 ans maintenant. Julien, j'avais les mauvaises infos, pardon, je pensais que c'était 15 ans. Julien et Natacha, maintenant sur Radio Debout. Magujin no da wino tega da yan, nui de magujin. On est sur Radio Debout. Vous avez tous les deux les yeux fermés. Et on doit aller se coucher, les amis. Julien Després. Merci, Julien Després, Natacha Canapé Fontaine. Good night et à demain. Bonne nuit, à demain. On se retrouve sur radiodebout.net pour les podcasts et à demain. Bonne nuit. Non, je ne vais plus jamais travailler, plutôt crever. Radio Debout.